un peu de pourriture noble en suspension. Il n'apparaît que sur la surface sensible de la pellicule photographique. Nous balayerons cette pourriture. Tu sens pas cette odeur de pourriture, là? Ah mon Dieu, c'est ma mère. Pourriture. Mais ton connard, Alberto, là, c'est une pourriture, tu sais. Le podcast Pellicule et pourriture noble se propose d'être le centre de recueil de tous ces films conspués, molestés, tous ces films curieux donc hypnotiques, tous ces sophnies, et de les remettre en lumière, de les analyser et d'apporter quelques précisions pour voir ce qu'ils auraient pu ou ce qu'ils auraient dû être, et voir aussi tout ce qu'ils ont de sauvable. Pour cela, votre hôte, Monsieur Gravelax, s'appuie sur toute la documentation disponible pour vous permettre, vous cinéphages, de revoir avec un esprit plus affûté ces bobines imparfaites, voire très imparfaites, mais appréciables. Pour sa quatrième incursion dans le terrain cinématographique curieux et singulier, Pellicule et pourriture noble et votre autre, Monsieur Gravelax, vous propose ce mois-ci de traiter le cas du film Baxter de Jérôme Boivin, réalisé en 1989. Pour ceux et celles qui ont pu le visionner, si ce n'est pas le cas, je mettrai le lien YouTube car le film y est librement accessible. Le film laisse défiler des scènes créant, si ce n'est une certaine perplexité face à un chien qui pense et qui cherche à penser comme un humain, parfois un malaise quand ce canidé utilise son intelligence ou sa volonté d'adaptation à mauvais escient, dès que l'action ou le comportement des humanidés qui l'entourent ne conviennent pas assez à son évolution. À cela s'ajoute le personnage de Charles, enfant préado de 12 ans, intelligent et curieux d'esprit pour son âge, qui hélas se découvre une passion pour le Troisième Reich et les derniers jours, ainsi que l'expérience personnelle de la douleur qu'il transférera sur Baxter, boule terrier étant devenu son animal de compagnie. Cela renforce le côté, excusez-moi du terme, mais malaisant, ou glauque si vous préférez. Tiré d'un roman sorti dans la collection Super Noir de la fameuse collection Série Noire, qui en français a été adapté sous le titre Des tueurs pas comme les autres, Hellhound, excusez-moi pour l'accent, en version originale, et je reviendrai sur ce thème. Donc un roman de Ken Greenhall. Le film a été réalisé par Jérôme Boivin, assisté de Jacques Audiard, avant qu'il ne passe derrière la caméra. Ces deux donc ont signé l'adaptation cinématographique en réaménageant la structure narrative qui était chronologique dans le roman et qui devient parallèle dans le film, pour suivre à la fois les destinées de Charles, le jeune enfant, et Baxter, le chien, jusqu'à ce qu'elles se rejoignent. En effet, dans le roman, on suit l'évolution de Baxter avec la description de sa vie chez ses trois maîtres successifs. Dans le roman, Charles n'apparaît donc que dans le dernier tiers du récit. Le déroulé du film permettra de comparer l'écrit et l'adaptation, de développer la psychologie des personnages et aussi celui du chien et de ses pensées, de constater ce que le film a modifié, minoré ou évacué de ce qui était dans le roman, et donc de dégager quelques subtilités que l'image ne permet pas forcément d'exposer clairement, à part par déduction. En résumé, Baxter est un film qui ne laisse pas indifférent. Dans la partie qui sera consacrée, comme d'habitude, aux avis et aux critiques, il y a beaucoup de critiques étrangères. Ce film a pu avoir un grand écho dans le domaine fantastique, au-delà des frontières françaises. Et dans son genre, il est plutôt bien perçu. Ce métrage a donc pleinement sa place dans l'univers et dans l'aventure de Pellicule et pourriture noble. Sans plus tarder, nous allons voir de suite de qui l'équipe technique et le casting est constitué. Donc cela après la diffusion de la bande-annonce qui est très courte et qui consiste simplement en un zoom avant ou un travelling avant sur Baxter qui est sur un solide noir et qui a un mur rouge, un fond rouge derrière lui. Vous avez donc cette bande-annonce toute simple qui suscite le mystère et l'envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière l'histoire de ce chien. Où cette histoire va donc nous emmener. Je vous diffuse donc tout de suite la bande-annonce. Baxter, méfiez-vous du chien qui pense. Qu'est-ce que vous diriez de venir rejoindre mon équipe, travailler avec moi, tous les trois, la main dans la main ? Mais moi, j'ai que des petits dans mon équipe. Le dernier, il a 7 ans. Comment tu veux que je gagne avec une équipe comme ça ? Je faisais équipe avec un mec vraiment costaud. Il s'appelait Tortue. Comme une tortue. Ouais. Bon, ce qui est important dans une équipe, c'est justement l'équipe. Belle équipe. On n'est peut-être pas obligé aussi de tous y aller. Ah si, tout le monde, la fine équipe. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, ouais. L'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Alors comme toujours, pour ce qui concerne cette partie sur l'équipe technique, le but c'est d'aller le plus vite possible et d'être le plus synthétique. Et on commence donc forcément par le réalisateur Jérôme Boivin. Rappelez que Baxter est son premier long métrage, qu'il sera suivi par un deuxième en 1992, à savoir Confession d'un Barjot, tiré d'un roman de Philippe K. Dick, qu'il va adapter aussi avec Jacques Audiard, et dont les acteurs principaux seront Richard Boringer et Hippolyte Girardot. Le film fera 80 000 entrées, d'après ce que j'ai pu voir sur Box Office Story, à savoir que Baxter fera, d'après ce que j'ai pu voir, 26 000, mais sur 10 salles, 26 000 entrées sur 10 salles. Et donc après Confession d'un Barjot, Jérôme Boivin va se tourner plutôt vers la télé, scénariser également des téléfilms. Il y aura un retour rapide au cinéma en tant que scénariste pour La cloche a sonné en 2005, un film avec Fabrice Luchini. Pour ce qui est de Jacques Audiard, qui était à l'époque scénariste, avant d'être le grand réalisateur qu'on connaît aujourd'hui, il faut juste refaire un point rapide sur son parcours. Il était assistant réalisateur chez Polanski, par exemple, pour Le Locataire, et chez Patrice Chéreau. Il a été après coup monteur, puis scénariste, notamment en participant à celui du Professionnel avec Belmondo, celui de Mortelle randonnée de Claude Miller, celui de Réveillon chez Bob de Denis Granier de Fer avec Jean Rochefort et Guy Bedos, de Sac de Nœuds de Balasco, de Poussière d'Ange, on retrouve Nierman, ce qu'on avait évoqué pour le retour de Casanova avec Delon, et Fréquence Meurtre d'Elisabeth Rapneau. Comme je l'ai dit, il sera aussi la partie pour Confession d'un Barjot, le deuxième film de Jérôme Boivin. Il fera encore une participation au scénario de Grosse Fatigue de Michel Blanc. Puis, il attaquera sa première réalisation, à savoir Regarde les hommes tombés, avec Mathieu Kassovitz, Jean-Louis Trintignant et Jean-Yann. Rapidement, pour ce qui est de la partie équipe technique, je passerai vraiment au casting juste après. On peut noter la présence en tant que directeur photo de DiVangelo, qui était d'abord assistant opérateur pour des films par exemple comme Le Ruffian de José Giovanni avec Lino Ventura, Un dimanche à la campagne de Tavernier, aussi Autour de minuit de ce même Tavernier, et juste avant Baxter, Camille Claudel de Bruno Nuiten avec Depardieu et Isabelle Adjani. Puis il passe donc directeur de la photographie avec Baxter, qui est son premier film. Puis il enchaînera par exemple chez Alain Corneau pour Nocturne Indien, pour Tous les matins du monde, pour Stupeur et tremblement, Le deuxième souffle, et son dernier film, Crime d'amour, dernier film de Corneau. Il passe aussi chez Deré, Netchaïef est de retour, chez Claude Sauté, Un cœur en hiver, et un autre Claude, Claude Berry, pour Germinal. et il est passé aussi à la réalisation pour Le Colonel Chabert en 1994 avec Depardieu et Lucchini, pour Les Âmes Grises tirées de Philippe Claudel. En tant que réalisateur, il a 8 films à son actif et un téléfilm. Rapidement, pour la musique, c'est Mark Hillman et Patrick Roffey. Alors c'est Mark Hillman qui est le plus expérimenté et tous les deux notamment ont signé, on va dire entre guillemets, comme autre film connu, Un pur moment de rock'n'roll en 1999. Un film notamment avec Vincent Elbaz, avec Léa Drucker, avec Samina Seri et Laurence Scott. A noter aussi la présence à la décoration de Véronique Mellery, qui avait déjà fait celle de Mortelle Randonnée de Claude Miller et qui, après Baxter, fera notamment celle de deux Astérix et Obélix, le premier contre César et celui de Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Elle a un cursus assez bien rempli avec les décors de Saint-Cyr, d'Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, de Hitman, celui de 2007, de From Paris with Love avec John Travolta, les décors d'Alceste à bicyclette avec Fabrice Luchini et Lambert Wilson, de Suite française, de Snowden, de Oliver Stone, comme quoi elle a su s'exporter, de Jackie, avec Nathalie Portman sur Jackie Kennedy, et ceux de Trainspotting 2, et également le prochain, et qui n'a pas encore de nom, le prochain film de Paul Thomas Anderson. Et pour ce qui est du directeur de production, c'est Dominique Malray, qui a 8 films à son actif dans ce rôle-là. Et parmi ces 8 films, il y a notamment Péril en la demeure, avec Christophe Malavoy et Nicole Garcia, Poussière d'ange, encore une fois, Edward Niermans, et la production aussi de Confession d'un Bargeau, donc toujours de Jérôme Boivin, et un des derniers faits d'armes un peu plus connus, c'est La vengeance d'une blonde, avec Christian Clavier et Marianne Chazelle. Donc voilà pour l'équipe technique. Pour ce qui est des acteurs, alors je ne vais pas tous les faire, quand certains auront un rôle un peu plus restreint, j'en parlerai durant le déroulé du film. Juste passer sur Charles, l'enfant qui va être gagné par la passion pour le Troisième Reich, qui est interprété par François Driancourt et dont ce sera le seul rôle au cinéma. Pareil pour Eve Zieberlin, je mets ça dans le même lot, c'est-à-dire Véronique, l'éventuelle petite amie de Charles également, donc elle fera seulement ce rôle-là au cinéma. Et le troisième enfant, celui, enfin Jean-Jean, celui qui collecte des ordures pour se faire de l'argent, qui tond les gazons, etc., un des amis de Charles, mais qui va finir dans la fosse, et heureusement, il ne sera pas tué par Baxter. Rapidement, de mémoire, il a dû faire une ou deux petites apparitions rapides, mais il n'a pas poursuivi dans le cinéma. Donc voici pour ce qui est des enfants, c'est comme ça, ou des ados. Baxter a été quasiment que leur seul rôle au cinéma. Alors, mis à part les enfants, je vais insister sur 3-4 personnes. Tout d'abord, pour le doublage de Baxter, Maxime Leroux, je l'ai déjà présenté pour Cross, mais à savoir qu'il a prêté sa voix également en 2001 pour l'adaptation animée de Corto Maltese, où il doublait Nino. Si ça parle à certains ou certaines. Et juste dire que la période 87-88 est très prolifique pour lui-même, puisque bien sûr il tourne beaucoup de second rôle pour des films qui ne sont pas rien. Et assez vite, son CV va s'étoffer. Par exemple, donc, si j'enlève Cross, il y a par exemple La Passion Béatrice de Tavernier, Agent Trouble de Mocky, Chouan de De Broca, Les Vieilles Goliaths, qui lui permet de tourner quand même sous la direction de Gérard Oury, Tammy Claudel, je l'avais déjà évoqué pour Cross, où il incarne Debussy, Romuald et Juliette pour Colin Serrault, ou encore Hiver 54 sur L'Abbé Pierre avec Lambert Wilson. Donc voici les films sur lesquels il a les films qu'il a enchaînés avant d'arriver sur le doublage de Baxter. Bien sûr, on peut évoquer, je reviens pas sur son CV, il y a du théâtre, il y a de la télévision, donc un acteur très complet et une des grandes têtes, une des grandes gueules au sens noble du terme du cinéma de l'époque. Donc, mis à part Maxime Leroux, j'insiste sur l'actrice qui incarne la première propriétaire de Baxter, donc dans le film Madame de Ville. L'actrice, c'est Lise Delamarre. Dire que Baxter sera son dernier film. Pour beaucoup, dans différents postes, Baxter était leur premier film. Là, pour Lise Delamarre, ce sera son dernier film. À savoir qu'elle commence sa carrière au cinéma dans les années 30, par exemple sous la direction de Marcel L'Herbier. Elle joue Marie-Antoinette dans La Marseillaise de Renoir. Sous l'Occupation, elle tournera avec Maurice Tourneur, Christian Jacques, André Cayatte, Sacha Guitry. Après-guerre, il y aura quelques passages chez Marc Allégré, chez René Clair, par exemple, dans Les Grandes Manœuvres. Dans Lola Montes, de Max Ophuls, où elle jouera la mère de Lola, et dans Le Capitan, où elle fera d'ailleurs les deux versions, celle de 46 et celle de 60 qu'on connaît un peu plus, avec Bourville et Jean Marais. Et enfin, elle finit sa carrière au cinéma sous la direction d'Yves Robert, avec Claire Rambard et Salut l'artiste en 1973. Puis, pour ce qui est du cinéma, elle fait une pause de 16 ans avant de revenir pour Baxter. Et après, donc, elle clôturera sa carrière au cinéma. À savoir, bien sûr, qu'il y a une grosse carrière au théâtre, puisqu'elle était sociétaire de la Comédie Française. Alors, membre et sociétaire de la Comédie Française, de 1934 à 1966. Puis après, elle est sociétaire honoraire. Et donc, à partir de 1966, elle fera beaucoup de théâtre, hors Comédie Française, et des apparitions à la télé, mais plus pour du théâtre filmé, comme par exemple les pièces d'Au Théâtre ce soir, entre 68 et 82. L'autre acteur que j'aimerais développer également, c'est celui qui joue son voisin, Monsieur Cuseau, alors qui est joué par Jean Mercure, qui a un parcours aussi atypique, comment il s'est retrouvé sur le tournage de Baxter, à savoir que c'est beaucoup un homme de théâtre qui a lui-même dirigé un théâtre, le Théâtre de la Ville, entre 1968 et 1985. C'est un acteur, un adaptateur, un metteur en scène. Il commence au théâtre en 1932, des pièces exigeantes, du Brecht par exemple, l'Opéra de Katsu. Il fonde le Nouveau Cartel en 1958, avec notamment Jean-Louis Barrault, et il ouvre son théâtre aux Arts Nouveaux, le théâtre contemporain, la danse contemporaine. Notamment, c'est lui qui va soutenir les premières créations de Pina Bausch. Au cinéma, il commence en 1937, sa route va croiser celle de Marcel L'Herbier également, Louis Daquin. Il jouera le marquis de La Mole, le père de Mathilde, dans Le Rouge et le Noir de Claude Autolara. Il fera une apparition aussi dans Le Gorille vous salue bien, et dans 1000 milliards de dollars de Verneuil par exemple. Et donc entre le tournage de 1000 milliards de dollars en 1982 et celui de Baxter en 1989, pareil, il fera une pause de 7 ans pour ce qui est du cinéma. Et même pour Baxter, on peut considérer que c'est son avant-dernier film, véritablement. Après, très rapidement, parce que c'est pas le but de faire du sensationnel sur ce point-là, mais en effet, il se suicidera avec sa femme en 1998. Et enfin, je passe au dernier acteur que je voulais développer, peut-être l'acteur le plus connu du film, ne serait-ce que de tête, puisqu'il a énormément de second rôle. Jacques Spiesser, qui joue Michel Ferrer, le père de Charles, qui sera le dernier maître de Baxter. Dire qu'au cinéma, il a commencé chez Boisset dans RAS, puis un film sur les résistants du côté de Nantes, L'ironie du sort d'Edouard Molinaro, d'ailleurs que j'ai pu voir récemment sur Filmo TV. Un rôle aussi dans Stavisky de René, dans La Gifle de Pinotto, dans Section spéciale de Costa Gavras, dans Je suis Pierre Rivière, d'ailleurs il interprétera le rôle titre, dans La Victoire en chantant de Jean-Jacques Hano, dans La Truite de Joseph Losey. Il tournera aussi chez Lelouch, chez Salvadori, chez Lecomte par exemple pour Mon meilleur ami. Bref, beaucoup de second rôle, mais une tête qui nous dit quelque chose, sans qu'on puisse forcément mettre un nom sur ce visage. Bon, pas vraiment si on est aficionado ou cinéphile. Ce sera aussi un homme de théâtre, surtout dans les années 90, et surtout, il a une énorme télégraphie, bon, ça c'est moi qui invente le terme, de 74 à nos jours. On le retrouve par exemple dans l'affaire Seznec, dans Les filles du maître de chez, dans La bicyclette bleue avec Laetitia Casta, dans Les Thibauds, dans Jean Moulin avec Charles Berning, dans l'affaire Dominici, celui avec Michel Serrault et Michel Blanc, dans Zodiac, la saga de l'été avec Francis Huster, ou encore dans Scalp. Donc voici, comme promis, c'était le plus court possible, la présentation de l'équipe technique et les acteurs du casting qui méritaient un plus grand développement. Donc pas que les autres déméritent, mais leur rôle était peut-être un peu plus court. Donc ils seront développés dans le déroulé du film. Je tenais aussi à préciser rapidement que la production revient à Ariel Zeytoun, qu'on ne présente plus. Également Patrick Godot, dont Baxter était la première production, et qui par la suite va continuer à suivre Jérôme Boivin, puisqu'il a aussi produit Confession d'un Barjot. Les Dany Chabrol, L'Ivresse du Pouvoir par exemple, Bellamy, le Dany Chabrol, La Demoiselle d'Honneur. Également Benoît Jacquot, comme Sade par exemple, Les Campings, ou encore dernièrement Barbara. Sur ce, nous passons donc au déroulé du film, après vous avoir passé ce qui constituera le générique de fin de Baxter. C'est un peu bizarre de commencer par la fin, mais il est un peu plus joli que le générique d'ouverture. Donc je me permets ce détour. Ah. Le film Baxter commence par un générique avec un fond noir dont se détachent museaux, grillages, des crocs, des aboiements divers. On voit que ça correspond à l'ancienne vie de Baxter, destinée plutôt à l'élevage et au combat à la base, avant qu'on ne remarque sa tare génétique. On commence aussi avec un monologue de Baxter après le générique, dont vous avez pu entendre quelques extraits juste avant, une évocation. C'est une vie d'avant qui va se présenter dans n'importe quel ordre, ce qui va justifier la construction du film, qui va se différencier du récit chronologique du roman. En même temps, on peut se poser la question, qui est celle de savoir si le temps d'un chien peut être envisagé comme celui des humains, la relation au temps. C'est une question qui se pose, car on fait de Baxter un chien qui pense, tout en restant dans un esprit de chien, d'où des incompréhensions avec les humains et vice-versa. Il cherchera tout au long du film et du roman à essayer de les comprendre, notamment à savoir pourquoi ils ont telle ou telle réaction et qu'est-ce qui pousse à faire telle ou telle chose. Dans le premier monologue, c'est comme ça que j'appellerais les pensées intérieures de Baxter, c'est le mot qui m'était venu naturellement même si c'est pas le plus juste. Donc pour ce premier monologue, on voit la caméra se rapprocher peu à peu de Baxter qui se trouve sur un fond rouge qui correspond à la bande-annonce, au teaser. Et dans ce monologue, Baxter nous dit qu'il n'aimait pas sa vie d'avant, sa vie avec ses semblables dans les cages. C'est un monologue qu'on retrouve dans le premier quart du roman. Voilà, enfin, si on veut faire simple, c'est la page 39 d'un roman qui en comporte 248. On s'aperçoit qu'il accorde une importance aux odeurs, à la nature, à l'alternance entre le jour et la nuit. Il a surtout une envie d'être avec les humains qui, selon lui, ont beaucoup à lui apprendre. Et donc, pour ce premier monologue du film, on s'aperçoit qu'il mélange beaucoup de monologues du livre. C'est une sorte de compilation. Déjà qu'il y a beaucoup de pensées intérieures, de passages où Baxter nous livre ses réflexions. Si le film était fidèle au roman mot pour mot, il y aurait vraiment un long défilé de pensées qui serait, au bout d'un temps, assez indigeste. Par contre, je vous propose pour cet épisode que Baxter nous accompagne tout au long du déroulé du film. Et donc, je vous passe l'extrait du premier monologue qu'il nous livre. Encore une journée qui passe. Bientôt, la nuit va arriver. Quand la nuit sera là, ça sentira l'arbre et la terre. C'est à ce moment-là que les images reviennent. Des images de ma vie d'avant. Qui remonte sans prévenir, dans n'importe quel ordre, ça me met mal à l'aise. J'étais pas heureux quand j'étais en cage avec ceux de ma race. J'avais déjà qu'un seul désir, vivre avec les humains, les voir, les sentir, et essayer de comprendre ces choses étonnantes qu'ils font parfois. J'ai toujours pensé que j'avais beaucoup à apprendre des humains. Voilà, on remarque au passage le doublage de Maxime Leroux qui va prêter sa voix à Baxter. Pour ma part, je lirai quelques réflexions tirées du roman qui vont compléter certaines pensées pour vraiment que vous ayez le plus de nuances possible et voir où se cachent les incompréhensions ou les ressentis de Baxter à différents moments du récit qui ne sont pas forcément ceux que les humains peuvent lui attribuer. Ce qui va entraîner beaucoup d'incompréhension. Une fois ces premières pensées de Baxter évoquées, il y a un écran noir avec la partie qui nous annonce la partie 1 du film, à savoir les humains, au bout de 2045 de film. La première scène donc s'ouvre avec un plan sur l'institutrice, qui sera Madame Cuseau, Marie Cuseau, qui dans le film va être la maîtresse d'école de Charles, mais aussi la maîtresse tout court de son père, Michel Ferrer. Et elle commence par un avertissement aux enfants, qu'on ne voit pas, on ne voit que son visage à elle. « Ne mettez jamais une pièce de monnaie dans votre bouche et n'embrassez jamais un chien, il se sert de sa langue comme papier toilette. » Dans le roman, c'est l'ancienne institutrice de Madame Prescott qui correspond au personnage de Madame Deville dans le film, c'est-à-dire la vieille, entre guillemets, et la première propriétaire de Baxter, celle qui se rappelle à un moment donné du roman de sa maîtresse de l'époque, Madame Rosen, elle s'appelait comme ça, et qui avait donné cet avertissement. Bon, là, cette fois, on le prête à Marie Cuseau. Alors, dans le film, Marie Cuseau est interprétée par Evelyne Didi, qui notamment a dans sa filmographie Eau profonde de Michel Deville en 1981, L'été meurtrier de Jean Becker en 1983, Une affaire de femme de Claude Chabrol en 1988, et on la retrouvera notamment pour quelques rôles chez Étienne Châtillier dans Tati Daniel ou dans La confiance règne, et ainsi que dans le cinéma d'Aki Kaurismäki, La vie de Bohème par exemple, ou Le Havre. Et sinon, elle a une grosse carrière au théâtre, notamment entre 1975 et 2010. Donc voici pour ce premier court extrait et la petite différence avec le roman, qui va recycler plusieurs passages. Et donc c'est là qu'on voit le gros travail d'adaptation de Boivin et d'Audiard, puisqu'ils arrivent à reprendre des passages par-ci par-là du roman, en les replaçant dans des endroits totalement différents du récit, ou en attribuant tel ou tel caractère à un personnage qui ne l'a pas dans le roman. Comme ça va être le cas notamment pour Marie Cuzot, qui va être une Marie Cuzot différente de celle du roman. On passe donc à la scène suivante. Sur le plan suivant, on se retrouve donc avec Charles, l'adolescent qui sera le dernier maître assez, voire même très sadique de Baxter, et son camarade Jean-Jean, ici que l'on retrouvera à la fin du film, et qui dans le roman, on ne voit que pour la scène de la fosse, on y reviendra aussi. Donc ces deux-là se trouvent dans le bus scolaire. Jean-Jean, on voit que c'est quelqu'un qui aime se faire de l'argent de poche, en faisant des petits boulots, tondre le gazon, laver les voitures. Il est assez mégoteux sur le moindre centime. Et au soir, il dit ne pas pouvoir jouer ou aller voir Charles, puisqu'il bosse chez l'ami de son père, qui paye bien. On peut s'imaginer que Jean-Jean est à peu près le seul ami que Charles ait. Et le fait qu'il ne soit pas dispo va amener Charles à plus de solitude et à s'enfermer dans le monde qu'il va se construire, ou qu'il a déjà commencé à se construire. Et cela d'ailleurs ne lui déplaît pas tant que ça de se retrouver seul. On voit que c'est une scène spéciale pour le film, puisque Jean-Jean n'est pas aussi proche de Charles dans le livre. Ils ont certes joué ensemble durant l'été précédent, mais Jean-Jean, alors qui dans le roman va s'appeler Jimmy Benson, bon, j'y reviendrai aussi, a été quand même assez échaudé par le comportement de Charles, qui s'appelle Carl dans le roman aussi, et cherche de plus en plus de toute façon à s'en éloigner. Il s'en méfie beaucoup. Un petit détail perso pour moi, je m'en suis aperçu tout à fait au hasard. Un des enfants qui est derrière dans le bus scolaire sort de son sac un très gros livre de Philippe Durand sur Belmondo, un livre de 1984 qui était une somme pour l'époque sur l'acteur. Voilà, ça m'a fait sourire. Étant fan de Belmondo. Par rapport au roman, la différence, c'est qu'on ne fait connaissance avec Charles qu'à partir d'une petite moitié de roman. Il est absent de la première partie du récit, puisqu'il est chronologique dans le roman. Là, au contraire, dès le début du film, on a une mise en parallèle du parcours des deux personnages, Baxter d'un côté, Charles de l'autre. Pour la suite, Charles va donc à la décharge, où sera construit son futur bunker. Il fait un aller-retour à vélo de la décharge à chez lui, et on découvre que son père, donc Michel Ferrer, joué par Jacques Spissière, voit en douce, dans sa voiture, Marie Cuzot, qui est donc la maîtresse d'école de Charles, dans une voiture où elle demande de l'amour vache. Ce trait de caractère, on ne l'a pas chez la Marie Cuzot du roman. Et donc, il y a une ambiguïté, puisqu'on ne sait pas si Charles est au courant. Il passe à côté, mais il ne regarde pas. Donc, est-ce qu'il est au courant depuis longtemps de la situation, ou est-ce qu'il l'ignore totalement ? Ça, on ne le sait pas. Et donc, pendant que ces deux sont en train de flirter, on voit derrière un buisson amateur, qui va être Joseph Parsky, comme personnage, qui va être le père de Stéphanie, qui sera la jeune fille intéressée par Charles à un moment donné. Dans le film, Joseph Parsky est joué par Jean-Paul Roussillon. Alors juste pour info, il y a beaucoup de connexions entre les acteurs, à savoir qu'ils vont se retrouver ou qu'ils se connaissent d'avant. Et par exemple, pour Jean-Paul Roussillon, c'est le mari à la ville de Catherine Ferrand, sœur de Pascal Ferrand, la réalisatrice, qui jouera la femme dans le jeune couple qui va adopter Baxter après Madame de Ville. Donc ce Joseph Barsky, il est mat, il est avec sa chienne, qui s'appelle Princesse dans le film, qui s'appelle Queenie dans le roman. Et donc Jean-Paul Roussillon, il a une carrière très développée. Au cinéma, par exemple, on a pu le voir dans Voici le temps des assassins, de Duvivier en 1956, dans Weekend à Zutcotte, avec Belmondo et dans Verneuil, dans Une affaire d'homme, dans La truite, de Lossé, dans On ne meurt que deux fois de Jacques Deray, dans Twist Again à Moscou, dans Chirouki avec Daniel Rialé qui jouera Jean, l'homme du jeune couple, dans La fille d'Artagnan de Tavernier, dans On connaît la chanson, dans Roi et Reine de Desplechin, dans Un conte de Noël en 2010 qui lui permettra d'obtenir le César du meilleur acteur dans un second rôle, et c'est aussi un homme de théâtre puisqu'il a eu une énorme carrière, il a débuté dans les années 60 et il a obtenu donc 3 Molières, 2 pour un second rôle en 91 et 92 et un pour premier rôle en 2002. Donc c'est quelqu'un qui a quand même un cursus assez rempli. Par rapport au roman, la scène d'amour vache entre Michel Ferrer, le père de Charles, et Marie Cusot est absente, puisqu'ils n'ont tout simplement pas de liaison dans le roman. Une des différences par rapport au roman, si on reprend le bunker, c'est que Charles apparaissant au début de la deuxième partie, son bunker est déjà construit. Il a découvert le côté incongru de la décharge l'été précédent. Pour lui, ce n'est pas une casse, puisqu'elle n'a pas de caractère commercial, elle n'appartient à personne, ni vraiment une décharge publique. C'est une sorte d'endroit sans existence officielle où l'on jette les choses et qui est propice aux chasses au trésor. Pour Karl, puisque Charles dans le roman s'appelle Karl, c'est pas une grosse différence, mais bon, c'est quand je dirais Karl, Charles, ce sera la même chose. Ça constitue le cœur de la ville, cette décharge. Un lieu où les secrets des autres se révèlent et où les siens se cachent, à savoir son futur bunker, et qui cache son caractère réel. Et il préfère y venir au soir, puisque le soir, l'endroit est désert. Si on revient au film, Charles donc rentre chez lui, on voit qu'il tient un journal intime où il écrit ce qu'il expérimente comme sensation. Par exemple, on peut voir qu'il écrit « ce mercredi 23 » et qu'il met un mot « douleur ». Et comment il la teste, comment il l'expérimente, en mettant sa main au-dessus d'une punaise et en la claquant dessus. Ensuite, sa mère, qui est une mère douce, et qui va passer son temps à faire des tâches domestiques, que ce soit le ménage, que ce soit le dîner. On voit qu'elle lui a fait, à manger du poisson, qu'elle lui dit « mange lentement, mais véritablement sans âme ». Pour info, la mère donc est jouée par Jeannick Gastaldi. Alors son rôle, c'est Anne Ferrer, qui au total est créditée de 16 apparitions, beaucoup de télévision, et une carrière, on va dire, éparse avec un rôle tous les 5 ans à peu près. Donc dans le film, le personnage de la mère de Charles est appelé Anne Ferrer. Le père, c'est Michel Ferrer. Et dans le roman, c'est la famille Fine, F-I-N-E. Et le père s'appelle Jason, la mère s'appelle Sarah. J'y reviendrai aussi. Et donc pendant que la mère donne à manger à son fils, on voit que le père est en retard, qu'il s'excuse en disant qu'il avait une réunion, alors qu'on le voyait juste avant avec sa maîtresse. Et on s'aperçoit aussi, si on écoute bien, si on est attentif, qu'il y a toujours une musique assez lugubre en fond dans le film, qui fait que même les scènes, on va dire normales, prennent une tournure menaçante, une tournure oppressante. On n'est jamais serein devant ce film-là. Et ça renforce aussi la sensation d'avoir en face de nous des personnages fantomatiques qui ont des semblants de relations normales, alors qu'il y a beaucoup de mensonges, les parents de Charles qui ont peu de caractère, qui sont pas trempés, qui sont transparents, alors que lui, justement, va peut-être demander du répondant en face de lui, pour l'empêcher de se développer, pour développer une résistance qui est les conflits. Et justement, on voit qu'une des qualités qui serait la gentillesse, la bienveillance, etc., toutes ces qualités vont être détournées pour montrer que les bonnes intentions ne suffisent pas. Et qu'au contraire, elles sont signes de faiblesse qui, si on a quelqu'un qui est en face de nous, a une intelligence qu'il va utiliser à mauvais escient, va profiter de cette bienveillance pour s'immiscer dans les failles et accomplir le mal. Dans le roman, on s'aperçoit que Karl ou Charles, donc l'enfant, n'éprouve aucun intérêt pour la nourriture et pas d'intérêt non plus pour ses parents. Il tolère le moment du dîner avec gêne et silence et il se dépêche de manger très vite et encore pas tout, il laisse souvent la moitié de sa nourriture, de son assiette, pour sortir de la maison tous les soirs juste après, faire un tour, errer dans la ville et revenir assez vite. Pour le film, on a l'effet miroir avec Marie Cusot qui, elle, rentre chez son père, puisqu'elle vit avec lui. Donc le père, Monsieur Cusot, qui est joué par Jean Mercure, que j'ai déjà évoqué dans la présentation de l'équipe au début de l'épisode. Et elle, pareil, elle lui ment en disant « j'avais un conseil de classe », alors que pareil, elle était avec Monsieur Ferrer. Donc on nage en plein mensonge, même pour les gens qui représentent la sagesse supposée, l'institutrice, l'enfant qui supposait innocent, pas corrompu par les désirs malsains. Bah là, on voit que le film prend plaisir à détourner ces figures pour les montrer sous un mauvais jour ou avec de mauvais plans. Il y a donc une perte des repères moraux qui est annoncée dès le départ du film. La scène suivante enchaîne avec justement Monsieur Cusot, André de son prénom, qui drague avec classe celle qui sera la première propriétaire de Baxter, c'est-à-dire Madame Deville, qui dans le film s'appelle Marguerite Deville. Dans le roman, ça sera Eileen Prescott. Et quand on l'apprend dans le roman, elle a 63 ans et il y a déjà 6 mois de relation avec Baxter. Ça fait 6 mois qu'elle est sa propriétaire. On revient à Monsieur Cusot, qui est quelqu'un de subtil, qui organise et invite Madame Deville à des activités du troisième âge, un tournoi de bridge, des conférences, pour ne pas se laisser aller, justement. justement, pour continuer à être digne. Justement, une question très forte de la dignité de la vieillesse dans le roman et dans le film. Pour ces personnages qui commencent à avoir déjà un certain âge ou un âge certain, la question d'être digne dans la vieillesse est très importante. D'ailleurs, dans le film, les deux évoquent le cas d'une certaine Françoise Gentilhomme qui aurait perdu cette dignité du fait de son caniche. À partir du moment où elle a eu un caniche, elle a commencé à être gâteuse et à être moins dans la représentation. On voit donc une madame de ville qui est hautaine, qui se pense au-dessus de tout le monde. Le fait par exemple qu'elle rabaisse gentiment monsieur Cuzot en lui demandant pourquoi est-ce qu'il fait tout ça, alors que normalement c'est une bonne action d'être à la source d'initiative pour ne pas laisser mourir ou ne pas laisser s'isoler les personnes âgées, alors qu'elle ne fait rien pour ça, elle ne fait juste qu'assister, et ben elle se pense au-dessus de tout ça. Finalement, elle dit que toutes ces actions, c'est très peu de choses. Elle minimise les bonnes actions de monsieur Cuzot. Et il y a aussi le fait, en reprenant le cas de François Gentilhomme, qu'elle dit que la classe, on l'a ou on l'a pas, que ce n'est pas une question d'âge. Là aussi, elle se place au-dessus de tout le monde. Et ça, c'est avant que Baxter arrive dans sa vie. Donc les deux, durant leur discussion, pensent à leur enfance, puisqu'ils ont vécu à deux dans cette rue. Ils n'ont pas bougé. Elle se souvient, dans sa jeunesse, du goudron qui fond, des arbres qui ont poussé depuis, et qui fait que le goudron ne fond plus. Donc cette rue, dans le roman, c'est Hayley Street, alors c'est H-A-W-L-E-Y, et au départ je ne sais pas s'il y a une faute de frappe dans le roman, mais c'est marqué Hayley Street, H-A-L-E-Y, qui est en fait, le lecteur le découvrira plus tard, le nom de jeune fille de Madame Prescott, Madame Deville, si vous préférez, Prescott dans le roman. Donc on peut se demander si c'est une faute de frappe, puisque comme elle y a vécu tout le temps, c'est un peu sa rue. Bon, après plus tard, quand le nom de la rue sera cité, ça sera toujours Hayley, H-A-W, voilà, qui manquait, L-E-Y. Et dans le roman, on s'aperçoit qu'elle est attachée aux maisons de la rue, mais pas à ses habitants. Et dans le roman aussi, pour ce qui est de son rapport avec Monsieur Cuzot, elle ne l'aime pas, mais elle le respecte, car par exemple, il emploie des jeunes pour peindre et réparer sa maison, pour tondre la pelouse, pour planter des fleurs. Il est décrit comme ayant une canne. On suppose à la lecture, et à un moment donné, une petite allusion, mais une seule, qu'il est obèse, contrairement au film, où Jean Mercure, justement, quelqu'un qui soit plutôt mince, soit d'une silhouette normale. Quelqu'un donc qui se déplace lentement, bruyamment, avec sa canne, dans la rue tous les matins. Et dans le roman, il a 2 ans de plus que Madame Prescott, et on s'apercevra assez vite que par rapport au film, Monsieur Cuzot est beaucoup moins affectueux avec Madame Prescott, Madame Deville, qu'il y a une sorte de rancune et de vengeance personnelle qu'il veut accomplir. Après la discussion au jardin entre Monsieur Cuzot et Madame Deville, on a un fond d'yeux noir qui nous permet d'adopter le point de vue de Baxter qui sort d'une boîte. On voit que c'est une scène d'anniversaire, l'anniversaire de Madame Deville, et donc s'y trouve sa fille, Florence, qui est jouée par Catherine Ferrand, donc sœur de la réalisatrice Pascale Ferrand, notamment Petit arrangement avec les morts comme film. Et Catherine Ferrand, donc rapidement, c'est principalement une actrice de théâtre. Elle est donc femme de Jean-Paul Roussillon qui interprète Joseph Barsky, le père de la jeune adolescente, qui sera ami un temps avec Charles. Catherine Ferrand est donc une sociétaire de la Comédie Française depuis 1971. À la télé, il y a beaucoup de théâtre filmé, il y a aussi une participation à Rastignac en 2001. Baxter a été un de ses premiers rôles au cinéma. Il y avait aussi Elsa Elsa avant, en 85, où a participé également Jean-Paul Roussillon. Elle était au casting du Cyrano de Jean-Paul Rapneau en 1990. Petit arrangement avec les morts de sa sœur, donc en 1994. Anna Ose en 96. Ou encore Les Deux Mondes avec Poulvorde en 2007. Si on revient à scène, il y a aussi son gendre, enfin le gendre de Madame Deville, Roger Morel, qui dans le roman s'appelle Jim Rapp, R-A-2-P, alors qui est joué par Rémi Carpentier dans le film. Donc on a pu apercevoir dans Le Maître d'école en 81, dans Un chien dans un jeu de quilles en 83, dans La Bête Noire, un polar avec Richard Bohringer, dans Police de Maurice Pialat, dans IP5 de Jean-Jacques Benex, dans des films de Lelouch comme Tout ça pour ça ou encore Les Misérables, et enfin Darling en 2007 avec Marina Foïs. Il y a aussi une carrière à la télé, notamment dans la série Médecin de nuit entre 78 et 86. Et ensuite on le retrouve dans beaucoup de séries télévisées de TF1, dans le téléfilm Sac ou encore dans Le Grand Charles. Donc si on revient à cette scène anniversaire, il y a donc Florence, la fille de Madame Deville, dont on va s'apercevoir des rapports très tendus, d'un rapport assez compulsif à la nourriture, puisque la première image qu'on a d'elle, quand Baxter sort de la boîte, elle mange du gâteau. À peine Baxter sort de la boîte qu'il monte tout de suite à l'étage, qu'il saccage les affaires, les vêtements, notamment les bas et les autres habits de Madame Deville pour sentir son odeur. Bien sûr, Madame Deville est mécontente. Elle poursuit Baxter pour lui interdire cela. Et voici la réaction de Baxter. Je vous passe très rapidement sa pensée qui est assez vive. Au début, je ne savais pas comment faire. La vieille m'aimait pas. Elle avait peur de moi. Je l'ai tout de suite senti, rien qu'à son odeur. Oh, mes affaires! Donc dans le roman, Madame de Ville, ou Madame Prescott si vous préférez, panique quand elle reçoit Baxter au départ. Elle lui inspire une forme de dégoût du fait de son apparence bizarre, une tête en forme de hache, larmes, bien sûr, des yeux bleus malveillants, des yeux trop petits, trop rapprochés. Elle est aussi choquée par les indiscrétions de Baxter qui se balade partout dans sa maison. Elle a l'impression qu'un étranger s'est introduit dans la demeure où elle a toujours habité et qu'il renifle les différents objets. Elle a même pleuré quand Baxter est monté à l'étage. Quand elle revient dans son fauteuil dans le salon en pleurs, eh bien Baxter vient la consoler. Notamment, il lui lèche la joue. C'est là qu'elle se souvient dans le roman des conseils de Miss Rosen, sa institutrice, ou qui rappelait aux élèves que les chiens se servaient de leur langue comme papier toilette. Et elle-même, Madame Prescott, Madame Deville, l'avait répété à ses enfants. Et donc elle constate, après cette action, que Baxter lui apporte de la chaleur réconfortante, ce qui va stopper ses pleurs. Et cela amène donc à premier compromis entre les deux. D'un côté, elle accepte l'amour supposé de Baxter, mais elle ne peut l'aimer en retour. Elle va le tolérer. Puis, plus on avance dans le roman, plus elle commence à l'intégrer peu à peu à son quotidien. Ce qui fait que sa carapace, qu'elle a mis tant de temps à développer, va commencer à se fendre progressivement. Si on revient au film, à peine elle reçoit Baxter, ce que vous avez entendu comme dialogue, où elle est dépitée puisqu'il a mis le nez dans ses affaires, on a une petite suite aussi dans le film, puisque ça sera quand elle sera en train de se faire coiffer qu'elle va se plaindre. Il fourre son nez dans la lingerie, m'offrir un chien pour qu'il me prenne. Et donc Monsieur Cuseau, plus tard, lui conseillera de s'en débarrasser, de le rendre à sa fille. Mais Madame Deville ne le sent pas, il y a encore trop de brouille entre elles. D'ailleurs, Monsieur Cuseau lui dit même qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé puisqu'il vient de perdre son chien et qu'il en veut un autre. Donc il est prêt à rendre ce service. On voit quelqu'un de très, dans le film, de très attentionné vis-à-vis de Madame Deville, qui le mérite peut-être pas. Mais on verra aussi que Monsieur Cuseau, dans l'affaire, n'est pas tout à fait clair. Alors ça sera pas forcément de la psychologie à 2 euros, mais qu'il a un rapport où finalement, j'y reviendrai, donc je pas trop en parler pour l'instant. Mais bref, ici par exemple, on peut juste dire par exemple si que Monsieur Cuseau la complimente encore une fois sur sa nouvelle coupe par exemple, et qu'elle n'y prête pas attention, il y a un caractère vraiment hautain. C'est là que se termine la première partie du film, qui est très rapide hein, puisqu'on est à peine à 9 minutes après le début, et on est donc dans la partie 2 qui s'appelle Après les humains, ma vie avec la vieille femme, et qui va commencer par cette pensée de Baxter. Les chats et les oiseaux n'ont pas besoin de la compagnie des hommes. Rien ne les attache. Surtout les oiseaux. Ils m'ont toujours étonné, les oiseaux. Peut-être qu'un jour j'en tuerai un. Les seuls moments où je suis heureux, c'est quand elles me laissent sortir dans le jardin. Mais ça dure pas longtemps. Elle veut que je reste avec elle. Baxter ! Alors, pas grand-chose de plus à ajouter à cette pensée. Juste dire que dans le roman, en effet, Baxter aime aller dans le jardin tous les soirs pour ses besoins, première chose, mais pour sentir notamment les odeurs, il est très, très sensible. Il parcourt le terrain qu'il dit parfumé et plein d'herbes folles, qui est différent donc de la maison qu'il trouve sans odeur, et que c'est un espace très grand à explorer par rapport au temps que lui laisse Madame Prescott, Madame Deville, et donc c'est un temps qu'il ne trouve jamais suffisant. Mais cela lui permet quand même de passer la nuit, du moins au départ, puisque ça lui amène des pensées, justement, une envie d'y retourner, et donc il se souvient des instants où il s'y trouve. Mais assez vite, on verra que ça sera insuffisant et que d'autres plans lui viendront à l'esprit. De retour du jardin dans la maison, Baxter se voit bloquer le passage pour monter à l'étage par la vieille. Elle le tape avec sa pantoufle qu'elle perd. C'est la première fois que la vieille a peur de Baxter. D'ailleurs, il y a tout de suite une pensée, un passage que je vous passe pour illustrer cela. Quand les gens ont peur, ça me met mal à l'aise. Alors j'ai fait un effort et ça s'est arrangé. Tu mords pas, hein? Je peux toucher. Tu mords pas? Gentil. Gentil. s'est arrangé pour elle, mais pas pour moi. Cette scène est donc une scène clé du basculement dominé-dominant. Jusque-là, on était dans un compromis. Là, avec cette menace, Baxter commence à poser des jalons pour prendre le contrôle quand son vécu ne va plus lui convenir. Alors, c'est une scène absente du roman telle quelle. Elle pourrait correspondre au moment où Madame Prescott va taper, enfin, Madame Deville, je dis toujours les deux noms, comme ça vous n'êtes pas perdus, ce qui correspond à la vieille personne, tape Baxter donc avec le journal après qu'il se soit sauvé chez le jeune couple. Ce n'est pas une scène qu'on voit dans le film, justement, cette scène où il s'en va chez le couple, cette scène où il profite d'un moment d'inattention de Madame Prescott, enfin de la vieille personne, pour sortir, parce qu'il en a vraiment ras-le-bol, et qu'il fonce chez le jeune couple qu'il observe depuis un certain temps. Donc Madame Prescott tape Baxter, il ne ressent aucune douleur, et d'ailleurs lui prend assez vite le journal avec ses mâchoires. Après cette scène, donc justement, elle lui pardonne et lui demande pardon. J'en dirai un peu plus concernant cette scène dans la deuxième partie de l'épisode, dans la partie supplément. Mais ça montre donc que l'adaptation faite par Boivin et Audiard a su mixer ou transformer différents éléments du roman et ainsi montrer que Baxter pouvait être une source de danger autre que les deux chutes qu'il va faire subir à Madame de Ville. Donc il y a vraiment eu un gros boulot de digestion du roman pour se l'attribuer et replacer différents événements dans le récit du film pour le rendre beaucoup plus incisif. Une fois passée cette scène où Madame Deville a peur de Baxter pour la première fois, on passe à un moment où on se trouve dans le club du troisième âge, où on est en train de faire une partie de bridge. On a notamment Monsieur Cusso qui demande à Madame Deville si elle a rendu Baxter à sa fille. Monsieur Cusso va même se proposer de rendre Baxter à Florence, à la fille de Madame Deville, ce qu'elle refuse puisqu'elle prend comme prétexte qu'elles se sont déjà fâchées à Pâques et qu'elle ne veut pas contrarier sa fille. C'est là aussi où il propose l'alternative de le donner justement à la personne qui a perdu son chien et qui se ferait un plaisir d'adopter Baxter pour avoir à nouveau une compagnie. Donc elle lui répond encore une fois qu'elle ne veut plus le redonner et c'est là qu'elle se sent en danger puisque il y a toujours cette question de la dignité de la vieillesse et donc elle se justifie. Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir un chien? Mais elle s'emporte et justement elle reporte la faute ou entre guillemets l'infamie sur Monsieur Cusso. Pourquoi êtes-vous aussi altruiste? Et c'est là le début du repli sur elle-même. Le club du troisième âge qui lui permettait d'avoir une certaine sociabilité, elle va s'en écarter pour ne pas avoir affaire aux remarques sur le chien qu'elle vient d'acquérir. Donc c'est ce qu'on voit, elle dit voilà, j'ai plus envie de jouer, ce qui va annoncer qu'elle s'enfermera un maximum dans sa maison. Et d'ailleurs, elle va rétorquer à Monsieur Cusso, est-ce que je vous parle de votre fille? Donc Marie Cusso l'instite dans le film, elle a vraiment une réputation de Marie couche-toi là, ce qu'elle n'a pas forcément dans le roman. Le roman, c'est plutôt quelqu'un de discret. Enfin, cette scène se termine par Monsieur Cusso qui essaie d'arrondir les angles, comme si c'était lui le fautif, alors que c'est elle qui ne veut pas faire face à ses contradictions et à sa descente progressive vers la sénilité et la dépendance affective à Baxter. Pour cette scène, on voit que dans le roman, après son accident, Madame Deville ou Madame Prescott voit pour ne plus recevoir de visites ni de coups de téléphone. Dans le film, il y a un dernier sursaut pour être encore présente et voir qu'elle préfère la compagnie de Baxter à celle des humains. Cette scène résume tout. On n'a pas un repli impulsif. Il est réfléchi. C'est ce que nous dit le film par rapport au roman. Il y a aussi beaucoup de choses à dire dans le livre. Comme j'ai commencé à l'évoquer, dans le roman, Monsieur Cusso porte beaucoup moins d'estime à Madame Prescott, à Madame Deville. Ce personnage de Monsieur Cusso, on le voit moins au début du roman qu'au début du film, mais on le suit quasiment jusqu'à la fin du roman, alors qu'on va le quitter au milieu du film. Il y a donc là aussi une très belle réécriture du personnage qui est à mettre au crédit du film. On va voir selon les différents personnages, des fois c'est le roman quand même qui l'emporte, des fois c'est le film. Là, pour ce qui est de Monsieur Cusso, le personnage donné à Jean Mercure est vraiment très bien dessiné et beaucoup plus fin. Dans le roman, par exemple, il trouve Madame Prescott laide, quelqu'un de bien portant, alors qu'elle déteste la maladie. Il lui reproche de ne l'avoir jamais laissé l'aimer. Il a un souvenir d'ailleurs qui le traumatise, un souvenir où ils étaient à deux quand ils avaient 10 ans, dans un garage, où il lui a montré justement sa partie intime et qu'elle s'en est moquée. depuis, donc, il surveille l'apparition de signes éventuels de déclin chez Madame Prescott, chez Madame Deville. Donc c'est un personnage beaucoup plus aigri, beaucoup plus avide de revanche ou rancunier que dans le film. D'ailleurs, c'est ce qu'on lit dans le roman. Il passe dans la rue tous les matins et essaye d'écouter si elle tousse. Il essaye de voir si elle développe des plaques sur son corps, si elle a des pertes de mémoire éventuelles. D'ailleurs, pour lui, l'arrivée de Baxter représente une première lézarde, c'est ce qu'il dit dans le roman, dans l'indépendance, dans son indépendance, dans l'indépendance de Madame Prescott. Par contre, on voit que c'est quand même une méchanceté de façade, puisqu'il est profondément meurtri par cette absence d'amour que lui livre, ou cet amour que ne lui livre pas Madame Prescott, puisqu'il aura comme réflexion, par rapport à Baxter, que c'est un chien affreux, et que voilà la créature dont elle tolère l'amour. Il aura donc les larmes aux yeux à cette pensée. Sur ce point, les deux Monsieur Cuseau se rejoignent. Celui du roman, celui du film se rejoignent. Pour la scène suivante, tout sera dit dans le monologue de Baxter. Juste dire qu'elle commence par Madame Deville qui présente le nouveau panier pour Baxter. La suite est dans les pensées intérieures du chien que je vous passe tout de suite. Ça, c'est un beau panier. Sa main est sèche. J'espère qu'elle sent rien. Ou juste ce qu'elle a touché. Et puis maintenant, elle veut toujours me tripoter. Quand elle fait ça, elle prend une voix spéciale. Une voix spéciale pour moi. Je crois que je préférais quand elle avait peur. Je sais pas ce qu'elle me veut. Elle me donne pas d'ordre. Elle me demande rien ou des choses sans intérêt. Comme d'être là, près d'elle. J'ai cru un moment que c'était pour me manger qu'elle me gardait. Je crois que ça pourrait encore arriver. Parce que je sais maintenant qu'elle peut avaler n'importe quoi. Et puis après, elle monte se coucher. Et elle s'enferme pour faire des choses que j'ai pas le droit de voir. Pendant ce temps-là, moi, je vais à la fenêtre et je pense aux odeurs du jardin. Aujourd'hui, dans la rue, il s'est passé quelque chose. Des gens que je connaissais pas sont arrivés. Ils étaient jeunes et ils riaient. On peut enchaîner avec ce que dit le roman de cette situation. Alors, dès le début du roman, Baxter se plaint de la nourriture soit donnée, soit mangée par Madame Deville, par Madame Prescott. Un petit paquet de viande immangeable et d'odeur fade qu'elle va rendre encore moins appétissante en la faisant frire dans de la graisse insipide. Ça montre le penchant de Baxter pour de la viande crue, alors que pour un humain, c'est l'inverse. C'est plutôt une viande cuite qui est préférée. Mais même comme ça, donc même cuit, ce type de repas cuit est beaucoup plus engageant que la pâtée dégoûtante qu'elle lui force à manger. Il prend ça pour des petits morceaux durs d'une substance qu'il ne parvient pas à identifier. Est-ce que ce sont des excréments desséchés de quelque animal inconnu, des bouts de végétaux morts, il ne sait pas. Par l'alimentation donc qu'elle lui donne, Madame Deville montre qu'elle ne comprend pas Baxter. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il le ressent. Il y a aussi d'autres passages où on lit comment elle ressent les choses. Il y a tant d'amour chez Baxter alors que c'est l'inverse. Pour ce qui est de ce monologue de Baxter, qui correspond aussi à l'arrivée du jeune couple dans le quartier, il est en fait évoqué dès le début du roman. C'est le premier monologue qu'on entend. Baxter donc qui observe le jeune couple à la fenêtre. Dans le roman, ce couple se nommera les Grafton, John et Nancy. Dans le film, ils n'ont pas de nom de famille. Il y a juste donc Jean et Noël au féminin. Et donc là, pour le film, cette évocation est donc replacée dans une temporalité assez chronologique, alors que dans le roman, on se prend cette révélation de Baxter dès le début. Et donc la scène suivante, on voit donc arriver ce jeune couple, qui est donc, pour ce qui est de Jean, qui est joué par Daniel Rialet, alors qui est connu surtout pour son rôle dans Père et Mère, la série sur TF1, qui nous a quittés en 2006, assez jeune, à 46 ans. Au cinéma, il avait participé à Zone Rouge de Robert Enrico en 86, Au Grand Chemin de Jean-Loup Hubert en 87, à Fréquence Meurtre d'Elisabeth Rapneau en 88, et après Baxter, il arrête sa carrière au cinéma. On le retrouvera surtout à la télé, dans David Lansky avec Johnny Hallyday, dans Navarro, il jouera Blomé entre 89 et 2006, dans Les Monos aussi entre 99 et 2003, et enfin donc Père et Mère entre 2002 et 2006. Pour ce qui est de Noël, la femme du jeune couple, elle est jouée donc par Sabrina Lurquin, dont Baxter est le premier long métrage, qui jouera aussi dans Petit arrangement avec les morts de Pascal Ferrand et dans Le Huitième Jour avec Daniel Auteuil. Et elle fera aussi des apparitions dans des séries télé. Dans le film, on voit donc qu'ils emménagent et que Joseph Barsky, donc joué par Jean-Paul Roussillon et qui est encore une fois le père de Stéphanie, qui sera donc la copine de Charles, les débarrasse du trop-plein qu'ils ont pour aller le jeter à la décharge. Et ça, c'est donc pour faire la transition avec l'espace où Charles se trouve, puisque il n'y a pas d'interaction dans le roman entre Barsky, qui s'appelle Bartnik dans le roman, et les Grafton, ou le jeune couple. Et donc, dans la scène suivante, on retrouve Charles à la décharge, où il est arrivé donc à vélo. Monsieur Barsky est là, en train de décharger le trop-plein du jeune couple. Et donc, Charles tombe sur des numéros de Signal, ou du Patriote Illustré, qui était un journal belge durant l'occupation, et Signal, qui est un magazine assez connu de propagande allemande et nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il les prend pour ramener chez lui, et on va voir qu'il va développer un certain intérêt. Pour ce qui est du roman, donc, Karl ou Charles, n'apparaissant qu'à une petite moitié du récit, son bunker, donc, comme je l'ai déjà dit, il est déjà construit, et il a déjà, entre guillemets, constitué son dossier documentaire avec des photos d'Hitler et des photos d'Eva Braun, qui ont été découpées dans des livres, dans des magazines. On apprend aussi dans le roman qu'il, entre guillemets, encore une fois, s'auto-satisfait avec une image d'Eva Braun en maillot de bain et qui lui parle même. Voilà, qui lui dit en gros, t'en fais pas Eva, on est à l'abri ici dans le bunker. Il est encore dans l'imaginaire et dans les fantasmes que pourrait avoir un ado de cette époque. On va dire qu'il est intrigué par cette période des derniers jours de Berlin, mais qu'il n'adhère pas au départ forcément à une idéologie. C'est peu à peu qu'il va encore une fois glisser dans les rapports de soumission, d'ordre, et qu'il va totalement dériver vers une intelligence utilisée à mauvais escient. Mais je reviendrai sur ce point. Si on revient au film, Charles rentre chez lui, on voit que sa mère fait une réunion tupperware et présente un petit peu comment être une bonne maîtresse de maison avec les petits plats préparés pour son mari et que s'il n'est pas rentré à temps, la façon de lui faire conserver son bon repas au frigo. Donc on a une mère de famille qui est totalement dans le déni de la situation, qui se réfugie derrière ses tâches domestiques pour se voiler la face, le fait que son mari est absent et qu'elle soupçonne certainement qu'il a une aventure. Donc quand Charles rentre à la maison, il doit saluer les dames présentes. Sa mère est consciente qu'il a traîné dans un endroit sale, mais lui en fait juste la remarque sans le disputer. Elle lui dit juste que voilà, papa va rentrer tard, mais on dînera de bonne heure. Il y a donc une absence fréquente du père, un père qui plus est qui, quand il est là, n'est pas charismatique. Il est gentil, bienveillant, mais ce n'est pas ce que va demander Charles. Pareil pour sa mère, qui est aimante, mais qui n'est pas ferme, que ce soit avec son enfant, puisqu'elle ne le dispute pas quand il est sale, etc., à savoir ce qu'il a pu faire à ses vêtements, mais qui ne reprend pas non plus son mariage en main, sur le point essentiel de la fidélité. Elle est gentille tout simplement, mais la bonté n'est pas un sentiment suffisant, une attitude suffisante dans le film, et pour Charles, car il va assimiler cette bonté à de l'indifférence. Donc finalement, il monte dans sa chambre et va être fasciné par ses lectures, dans les journaux Signal et Le Patriote Illustré. Il y voit d'ailleurs des enfants de son âge sur des photos, on suppose que c'est les Hitlerjungen, les jeunesses hitlériennes, avec des enfants obéissant au Führer, et adhérent à son discours. C'est l'embrigadement de l'époque, tout simplement. Donc nous quittons Charles et nous retrouvons Baxter qui nous livre de nouvelles pensées. Tous les après-midi, je me couche dans la chambre. Je regarde la maison d'en face. Je pense au couple. J'essaie de penser à autre chose, mais je peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. L'autre jour, l'infâme est entrée dans le jardin. Son pied était nu. Et elle m'a touché la tête. Elle sentait l'arbre. Et derrière son odeur, il y avait autre chose, encore plus fort, qui m'a rappelé certaines envies. J'ai rarement connu un tel plaisir. Alors, plus tard, quand le silence sera retombé, en concentrant toute mon attention, j'entendrai sa voix à elle. J'imaginerai le bruit du tissu contre leur peau quand ils se déshabillent et les odeurs de leur corps. Et après, quand la lumière s'éteindra, je guetterai les bruits qu'ils font dans le noir. Et puis la vieille viendra me chercher, ça peut plus durer. Faut que je lui fasse comprendre que c'est dangereux de rendre une créature malheureuse, surtout si cette créature est plus forte que vous. Baxter, viens mon grand. Je ne vais donc pas paraphraser ce qu'a dit Baxter, je reprends juste, ou je retiens juste, une phrase qu'il a dite, à savoir par rapport à la vieille, le fait qu'il en ait marre, qu'il dit justement « c'est dangereux de rendre une créature malheureuse, surtout si elle est plus forte que vous ». Il y a une idée de la conscience de Baxter d'être le dominant, de pouvoir disposer de la vieille comme il veut. D'ailleurs, la fin de l'extrait finit par un plan sur les marches d'escalier, avec la suggestion, après cette phrase, « est-ce que Baxter a fait quelque chose ?» Et le film va être beaucoup plus ambigu que le roman, qui pour sa part est assez explicite sur la culpabilité du chien dans la première chute. Dans la seconde, ça sera pareil, mais pour la première chute, il y a un fondu qui fait qu'on peut se demander s'il faut croire justement Madame Deville, qui va dire « il m'a sauvé la vie alors que j'allais tomber dans les marches », ou est-ce qu'il y a eu un début de responsabilité de Baxter dans la chute et qu'il s'est rattrapé au dernier moment. Alors pour ce qui est du roman, le roman justement débute par cette scène, par ce monologue qu'on vient d'entendre. Quand il est chez la vieille, Baxter est obsédé par le jeune couple dont le foyer représente une sorte de paradis pour lui, un paradis rêvé, et qui contraste avec la maison de Madame Deville, de Madame Prescott. Pour lui, le couple amène de la vie au quartier contre une vie monotone chez la vieille. Cela lui procure justement des sensations, une contraction des pattes, un frémissement des poils de ses oreilles. Quand il pense justement à ce couple, quand il rentre chez eux, il reconnaît le son de leur voiture qui arrive. Cela permet justement de comprendre le décalage entre Baxter et les humains, notamment les choses auxquelles il est sensible et qu'ils font avancer. Le son, les odeurs qui entraînent des réactions. Il se concentre justement pour entendre les bruits chez le couple, ce qu'un humain ne ferait pas forcément, ou vraiment, ce ne serait pas un réflexe immédiat. On a aussi donc le passage, comme dans l'extrait, je ne le répète pas, mais sur la sensation qu'il a ressentie quand la jeune femme du couple s'est baladée pieds nus, qu'elle lui a touché la tête, que son parfum était exquis. On a juste quelques suppléments sur le parfum de la femme, où domine justement une senteur âcre qui s'apparente à l'envie sexuelle. Et donc le jeune couple va être facteur d'imagination pour le chien, pour Baxter. On va voir que l'imagination chez Charles, chez Carl, va avoir un rôle important chez l'enfant, qui va parfois préférer l'imagination aux actes. Et donc à sa fenêtre, Baxter fantasme sur ce que peut être la vie du jeune couple derrière les murs, derrière les rideaux. Et d'ailleurs, il va apprécier le désordre de la maison et veut y vivre ardemment. On a le cas dans le monologue, dans ce passage, « Je désire être dans leur maison, je désire être assez proche pour entendre le frôlement du tissu contre leur peau quand ils se déshabillent. Je désire coller mon nez contre ces vêtements abandonnés pour y discerner les légères odeurs de plaisir et de peur laissées par leur corps. » À la place, j'attends la vieille. Elle rentrera bientôt, épuisée et sans aucun intérêt. Donc, par la suite, Baxter va quitter la chambre de la vieille la nuit pour aller à la fenêtre du salon et regarder la maison d'en face, jusqu'à ce qu'elle soit plongée dans l'obscurité. Il se couche sur le canapé, il pense au couple. Notamment, il se dit « Si je vivais avec eux, je crois qu'il n'y aurait aucun acte qu'on m'interdise de regarder. » Référence à Madame Prescott, Madame Deville, qui lui ferme la porte de la salle de bain pendant qu'elle se baigne, du moins au début. Après, elle ne le fera plus. Et ensuite, donc, il remonte l'escalier, il s'assoit au pied du lit et attend le matin que Madame Prescott, Madame Deville se réveille. Pour ce qui est de la force, dès le début du roman, Baxter envisage de l'utiliser à un moment donné contre la vieille. Il ne sait pas comment, mais il faudra un jour qu'il fasse un test. C'est une question de moment. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, hein. Ce qui le révolte, c'est le fait qu'il n'y a jamais de rire dans cette maison. Seuls les sons assourdis du vieil âge et de la faiblesse. Mais moi, je ne suis pas faible, c'est ce que dit Baxter. J'ai une force et des ressources que la vieille n'a sans doute jamais eues. Et donc il poursuit, quelles sont les possibilités de ma force? C'est une pensée qui ne m'est jamais venue auparavant. Que se passerait-il si un beau matin, debout en haut de l'escalier, elle sentait soudain mon poids peser derrière ses jambes? Que se passerait-il si elle tombait dans le vide, en battant l'air de ses bras, en heurtant son crâne fragile contre les marches? Qu'adviendrait-il de moi si on la retrouvait inanimée au bas de l'escalier? Quelqu'un d'autre m'aimerait, comme elle m'a aimé, j'en suis certain. Les gens portent beaucoup d'intérêt à l'amour. Ils le voient partout, même en moi sans doute. Et donc ce dialogue, il est tout à fait un effet miroir avec la scène finale, avec ces mots qui vont être quasi identiques, mais cette fois dits par Carl. Et c'est encore plus frappant dans le roman, puisque ces mots sont quasiment les premiers mots de Baxter, et le roman se termine quasiment par ces mêmes mots. J'y reviendrai. Il y a aussi, donc, un peu plus loin dans le roman, un autre monologue qui correspond à cette scène, où il nous dit, donc justement, où Baxter nous dit « Je commence à comprendre que le malheur n'a pas de limite. J'aimerais mieux ne pas penser au passé, mais quand le présent est intolérable, on est bien forcé d'avoir des idées contre nature. Pendant que la vieille radote et me tripote, je pense au temps où j'étais en cage avec ceux de ma race. Je n'étais pas heureux alors. Je désirais ardemment vivre avec des humains pour arriver à les comprendre. Pourquoi donc veulent-ils nous garder en captivité, moi et ceux de ma race? Nous ne travaillons pas pour eux. J'ai pensé un temps qu'ils finiraient par nous manger. Ça pourrait arriver car ils mangent pratiquement n'importe quoi. J'ai senti et maintenant je suis obligé de partager les repas de la vieille. Je n'arrive pas à imaginer d'où vient cette nourriture. Qui dégage des odeurs d'une collection de substances, des choses qui poussent dans la terre, des animaux qui doivent avoir été grotesques durant leur vie, des choses qui n'ont jamais vécu, mais qui peuvent être de l'air même. Pourquoi nous garder en liberté surveillée? Quel intérêt ai-je pour cette humaine? Pourquoi veut-elle me faire mener une existence contre nature? Les humains peuvent se tenir compagnie entre eux, les animaux répondent donc à un besoin qui est une faiblesse. La vieille est faible, elle ne me comprend pas et dénie ma nature. Je crois que je la rends heureuse, mais elle réalise son bonheur aux dépens du mien. Et donc, on a cette phrase encore qui revient. Se rend-elle compte qu'il est dangereux de rendre une autre créature malheureuse, surtout quand cette créature est plus forte que vous? Donc tout ce monologue, il se place avant le premier essai de Baxter dans le film, mais pour ce qui est du roman, il se place avant le second et dernier essai qui va amener la chute, justement, mortelle pour Madame Prescott. Donc c'est vraiment un ras-le-bol. Et ensuite, vous avez pu voir qu'il y a d'autres passages qui correspondent à des monologues déjà évoqués précédemment dans cet épisode. Donc si on revient au film, on est sur un doute, savoir si Baxter a ou non fait tomber Madame Deville dans les escaliers. On a Roger, le gendre de Madame Deville, qui a son élevage de chiens, c'est ce qu'on voit, de bulles terriers, et qui reçoit un coup de téléphone. C'est donc Madame Deville qui demande à parler à Florence, sa fille, qui va accourir de suite au chevet de sa mère, qui est tombée dans les escaliers. C'est donc un premier test de Baxter qui va se faire hors champ, on ne le verra pas à la caméra, il sera suggéré, mais est-ce qu'il est responsable ou pas, ça on ne le sait pas. C'est beaucoup plus ambigu dans le film. Dans le roman, c'est Florence qui répond à l'appel. On voit d'ailleurs qu'elles ont un code entre elles, que l'une et l'autre font semblant d'ignorer, à savoir que, pour Madame Deville, si Florence met du temps à répondre, c'est que le nombre de sonneries, c'est qu'elle est alcoolisée et qu'elle a du mal à réagir. Au contraire, Florence, parfois pour embêter sa mère, laisse sonner volontairement. Bref, ce sont des relations assez tendues. Dans le roman, on voit Madame Prescott, Madame Deville, qui se réjouit de cela, de l'alcoolisme de sa fille, car elle ne veut pas que sa fille connaisse une belle vie que elle n'a pas vécue de son côté. Et donc, dès qu'elle décroche le téléphone, la première phrase qu'elle a, Madame Prescott, c'est que Baxter l'a sauvée. Dans le livre, encore une fois, ce premier test apparaît assez vite. Page 24, hein, donc c'est 10% du roman. Lorsque Madame Deville vient de se lever et se trouve en haut de l'escalier, elle sent donc le poids de Baxter derrière elle, ce qui va la déséquilibrer. En croisant les yeux de Baxter, elle ne sait pas si elle doit donc y voir de la stupidité ou de la trahison. Des pensées lui traversent l'esprit. Elle sent peut-être une fin proche. Voilà, le fait qu'elle a toujours aimé cette maison, qu'elle va mourir. Et elle trouve justement sa mort soudaine et inacceptable. Dans le début de sa chute, elle se foule la cheville droite et sent soudain Baxter la retenir par le bas de sa robe de chambre, qui va être solidement coincée entre ses dents. Selon elle, donc, Baxter lui a sauvé la vie, comme dans le film. Elle a glissé, il l'a rattrapé, maintenant elle en est sûre. Dans le roman, elle hésite à savoir si Baxter est ou non responsable, mais elle va juger au résultat. S'il l'a retenu, c'est qu'il n'est pas coupable. D'ailleurs, elle a senti que Baxter avait fait un effort assez important pour supporter une grosse partie de son poids pour la retenir. À cet instant, il est décrit comme le plus désespéré et le plus émotionnellement ambigu de la vie de Madame Prescott, de Madame Deville. Baxter l'avait-il poussé au départ? Elle n'en aurait pas juré. Accident, là aussi, seul le résultat compte. Durant sa chute, sa robe de chambre s'est ouverte. C'est là qu'elle a eu sa réflexion sur son corps, qui ferait la jalousie de femmes de 40 ans, comme par exemple sa fille Florence. Alors que dans le film, c'est quand elle veut mettre Baxter dans son bain qu'elle a sa réflexion, qu'elle a des propos assez sinistres, assez scabreux vis-à-vis de Baxter. Là, c'est plutôt dans le roman et durant sa première chute qu'elle a cette réflexion sur son corps et sur son rapport à sa fille. Et donc Baxter va se coucher à ses pieds alors qu'elle téléphone à sa fille. Voilà, donc elle a, Madame Prescott, Madame Deville, a comme pensée, il veut m'aider. En même temps, elle se rappelle des propos de sa fille Florence qui lui disait qu'il ne faut pas attendre d'aide des chiens car ils sont égoïstes et instables. Donc après cet accident, elle s'aperçoit qu'elle n'arrive pas à déchiffrer les expressions de Baxter. Est-ce qu'il est impassible? Est-ce qu'il est malveillant? Est-ce qu'il est ingrat? Mais elle lui parle. « Tu m'as sauvé, tu sais, Baxter. Tu m'aimes. » Et elle continue. « Et ça ne fait rien si tu ne manifestes pas toujours ton affection. Je comprends ça. Et je voudrais que tu me puisses me parler. » C'est aussi une pensée qu'aura Charles, qu'aura Carl. « Je voudrais que tu puisses me parler. » Et donc pour Madame Prescott, pour Madame Deville, c'est un déclic. Elle voit désormais un interlocuteur autre qu'elle. Elle en avait pris conscience à la mort de son mari, à savoir qu'elle avait tendance à parler toute seule. C'est pour ça qu'elle téléphonait beaucoup et qu'elle sortait beaucoup. Là, au contraire, ça va l'amener à se replier et à ne dépendre que de Baxter. Dans le roman, Florence et Jim, ou Roger dans le film, l'ont emmenée à la clinique où elle s'est fait bander la cheville. Et que ce soit dans le roman ou dans le film, on voit tous les reproches que la mère et la fille ont dû s'envoyer, on les imagine. Et il y a une forme de paix ou de résignation chez Florence qui va dire « C'est ma faute pour le dimanche de Pâques, les incidents, etc. Ben, je m'excuse. » En gros, Madame Deville profite de, entre guillemets, faire pitié pour remporter un match qui est joué depuis longtemps et dont, à force, on se fout du résultat, à part elle, pour dire d'avoir l'ascendant sur sa fille. Et donc, c'est cet épisode qui va faire plonger complètement Madame Deville et l'entraîner dans la dépendance totale vis-à-vis de Baxter. En croyant faire son bonheur alors que c'est tout l'inverse qui va arriver. C'est la fin du compromis. Dans la scène du film, on voit donc que le gendre va assister Madame Deville avec les béquilles pour l'aider à s'en servir, qui va l'aider justement en la tenant. Et dans le roman, on voit que Madame Prescott, Madame Deville, aime être l'objet des attentions. On voit aussi ses sentiments vis-à-vis de son gendre, quelqu'un face à qui elle a une attitude paradoxale. En même temps, elle ne l'aime pas trop, elle s'en méfie, mais elle aimerait quand même lui sourire. C'est-à-dire que voilà, il suscite en elle des sentiments paradoxaux. Comme dans le film aussi, Roger demande où se trouve Baxter et rappelle à Madame Deville les règles de base du rapport maître-animal qui sont respectées. Ces chiens ont besoin d'obéir à un mâle dominant. Baxter se cache car il pense que Roger l'a trahi en le donnant. Il rappelle aussi qu'il ne faut pas trop le gâter, ne pas le traiter comme un être humain. Et ça va donner lieu, d'un côté dans le film, à Florence qui va dire « il n'y a pas de danger qu'elle traite quelqu'un comme un être humain puisqu'elle ne l'a pas fait avec elle-même ». Dans le film, c'est une phrase qui est dite, dans le livre, c'est une phrase qui est pensée. Elle va commencer à la dire, puis elle s'arrête, elle s'auto-coupe, entre guillemets, elle s'auto-censure, en plein milieu de sa phrase. Dans le roman, on voit aussi que Madame Deville, Madame Prescott, apprécie être, comme je l'ai dit, au centre des attentions, que sa fille la visite rarement, encore plus en compagnie de son mari. Et donc Madame Prescott n'aimait pas son gendre, car elle ne l'a jamais compris. J'y reviendrai dans les suppléments lorsque je ferai un point sur Jim. Ensuite, on sait que Baxter est le fils d'un des étalons du gendre, qui le surnomme d'ailleurs « yeux bleus », car ce sont eux qui ont disqualifié Baxter pour les compétitions. C'est une tare génétique. À la base, il devait être nommé « Ange Baxter », fils de Lord Baxter et descendant lui-même d'Ange Brillant. Mais il est devenu simplement Baxter, chien d'appartement, du fait de sa tare génétique. Il prévient aussi sa belle-mère que ce sont des bêtes qui aiment vivre en bande et que les chefs coriaces leur plaisent. Sinon, ils ne savent plus où ils en sont. Lors de l'exercice des béquilles, entre son mari et sa mère, Florence est maussade. Elle se souvient qu'avant, c'était elle que Jim soulevait. Maintenant, elle est trop lourde pour ça. Il y a aussi un autre événement qui va gêner Florence, qui va nous permettre de voir pourquoi elle est aigrie et triste. C'est notamment quand elle constate que son mari comprend mieux les bêtes que les humains. Et que d'ailleurs, il se comporte avec les humains comme avec les bêtes. Et ça nous est notamment dit par un dialogue de Florence où elle parle de mâle dominant comme évocation déguisée de son mari. Normalement, quand on dit ça, mâle dominant, c'est pour un chien, pour un animal. Là, elle applique cette expression à son mari. Que ce soit dans le roman ou dans le film, Madame Deville va dormir au rez-de-chaussée, alors qu'elle a l'habitude depuis toujours de dormir à l'étage. Et on va voir justement que Madame Deville, Madame Prescott, va avoir un changement dans la perception de sa maison. C'est plus explicite dans le roman. Juste pour terminer sur cette scène, il manque la partie où Florence monte à l'étage et se rappelle de son enfance. Dans le film, on la voit directement redescendre. Mais cette partie-là, je l'évoquerai dans les suppléments, où je ferai un petit point sur comment le personnage de Florence a été développé dans le roman, qu'est-ce qu'il nous apporte en plus comme précision. Ça sera dans les suppléments. Donc on passe à la scène suivante où Baxter essaye de prévenir, entre guillemets, la vieille du danger. Et donc ce monologue ou ses pensées correspondent au début du roman. Je vous laisse écouter, vous allez retrouver aussi des passages que j'ai déjà lus, que j'ai déjà évoqués, mais c'est pour vous montrer aussi les mélanges et la synthèse que les scénaristes ont effectué, un travail assez colossal pour donner du lien et refaire un puzzle avec les différents éléments, pour en retenir la substantifique moelle. Donc je vous passe tout de suite le monologue, et je rajoute tout de suite après ce qu'il y a en plus dans le roman. La vieille n'a pas compris mon avertissement. Elle est trop faible et pas intelligente. La nuit, elle entend rien, ni le bruit des feuilles, ni les cris, ni les oiseaux qui bougent en dormant. Elle se croit en sécurité. Elle a tort. Plusieurs fois, pour l'aider, j'ai essayé de la prévenir. Mais ça ne l'intéresse pas. Alors, quand elle dort, comme ça, moi je monte dans la chambre. Je vais à la fenêtre. Je regarde la maison d'en face. Et j'attends qu'ils fassent leur bruit dans le noir. Alors, dans le roman, on voit que Baxter dit être mal à l'aise la nuit. Il se méfie de tous les sons dont la vieille ne se préoccupe pas. Pour lui, c'est une créature insensible. Elle n'est pas fine au niveau des odeurs et des bruits, d'où une certaine incompréhension des humains, et c'est ce qui va entraîner les décalages de Baxter. C'est une des clés de lecture pour le comprendre. Surtout cette sensibilité aux odeurs et aux sons. Pour ce qui est des odeurs, par exemple, il perçoit même celle des occupants précédents de la maison. Et pour ce qui est des créatures de la nuit et de la sécurité relative dans laquelle croit vivre Madame de Ville, Baxter est assez clair. On ne peut pas faire confiance aux créatures de la nuit. Et c'est là aussi où il va commencer à trouver insuffisants les souvenirs que lui apporte le jardin. C'est sa phrase, c'est sa pensée. Il y a un temps où les expériences du dehors me tenaient compagnie toute la nuit. Là, ce n'est plus le cas. Donc c'est pour ça notamment qu'il va voir le couple à la fenêtre. Pour la scène suivante du film, on retrouve Charles qui regarde des documentaires sur la fin du Troisième Reich. On voit aussi qu'il photocopie les plans du bunker. Et cela donne l'idée de son enfermement progressif pour faire son propre monde, pour être maître de son propre espace. Donc le fait d'introduire plutôt son personnage dans le film, de l'introduire dès le départ, ça permet de montrer aussi cette progression. Alors qu'il nous est livré comme étant déjà travaillé par ses questions lorsqu'il prend le train en marche du roman. Baxter a déjà agi, il a déjà eu la vie chez la vieille, entre guillemets, chez aussi les jeunes couples. Donc c'est normal que l'auteur, Green Hall, nous livre déjà Charles avec un passif. Là, le film, ça nous permet de voir sa progression et l'évolution de sa pensée. Pour la suite, on se trouve avec Monsieur Cuseau qui va voir le coiffeur pour savoir s'il y a des nouvelles de Madame de Ville. Et il lui apprend que ça fait un bon moment qu'elle n'est pas venue, 3 semaines. Il va donc chez elle, mais elle ne répond pas. On voit aussi qu'elle commence à se négliger. Par la suite, on a les aventures de Baxter qui commence à en avoir marre des libertés restreintes. Vous allez voir en effet la liste des différentes évolutions que va lui faire subir Madame de Ville et de ce que cela va entraîner sur le quotidien de Baxter qui finalement va perdre tous les plaisirs ou tout ce qui pouvait le faire un petit peu survivre ou apprécier le quotidien, des solutions de secours, mais qui ne vont plus exister et qui vont faire que Madame de Ville va se retrouver en grave danger puisqu'il va se trouver terriblement malheureux. Donc tout de suite, l'extrait en question et je rajouterai quelques petites choses par la suite. J'ai plus le droit d'aller à la fenêtre regarder le couple. Même plus le droit de sortir dans le jardin. Je sais pas ce qu'elle a. Elle regarde de plus en plus la lumière bleue. Maintenant, elle parle aux ombres qui bougent dedans. Elle laisse les choses en désordre. Notez sur une fiche. Et puis maintenant, son odeur est plus forte. Je préférais avant. La paille. Quand elle sentait la peur. L'orange. Après, elle se lève et il faut que je la suive. Chaque cuisse. Encore. Quand je veux pas, elle m'attache. Maintenant, je sais ce qui se passe derrière la porte. Parce qu'elle la ferme plus. comment elle peut rester dans l'eau comme ça, à remuer les mains sur son corps. Personne la force. Moi, je le supporterai pas. Je crois que je deviendrai fou. On est bien. Dites-moi. On va plus aller là-haut. On va rester en bas. Rien que nous deux. J'ai raison, non? Donc il faut ajouter quelques petites choses, comme le fait que dans le livre, dès qu'elle est au rez-de-chaussée, Madame Deville, Madame Prescott, parle à Baxter et l'appelle mon petit homme. Là, on a pu l'entendre, dans l'extrait également, et c'est là qu'on connaît l'origine de l'expression petit homme. Le fait que c'était comme ça qu'elle désignait l'entrejambe de son mari. Et elle lui parle aussi. Est-ce que Baxter veut sortir? Peut-être qu'on fera du mal à Baxter au dehors. Et donc Baxter n'est plus autorisé à sortir. On s'aperçoit donc qu'au départ, il y a des attentions bienveillantes vis-à-vis de Madame Deville, mais qui ne sont pas forcément sensées et qui vont entraîner sa chute, son malheur. Il y a d'autres attentions, le fait qu'elle le lave pour que son petit homme garde sa belle robe blanche tous les jours. Alors qu'elle-même commence à se négliger, c'est ce qu'on entend aussi dans l'extrait, le fait qu'elle ait une odeur de plus en plus forte. Il y a aussi le fait qu'elle commence à lui faire la même nourriture qu'à elle. Et de son côté, elle commence à manger des biscuits pour chien avec son thé. Il y a toujours d'autres choses. Est-ce que Baxter n'aura pas froid cet hiver? Et elle lui fait des tricots en ayant pris ses mesures. Et donc c'est en étant exclusive avec Baxter que Madame Deville, Madame Prescott, pense faire son bonheur. Elle est heureuse ainsi et pense que le chien l'est également. Et donc elle voulait que Baxter partage son lit aussi. C'est pour ça qu'elle condamne le premier étage. Les escaliers ici, on voit qu'elle barricade pour empêcher le passage. Et donc ça va être source d'ennui assez grave. Si on passe à la scène suivante, on voit Monsieur Cuseau qui revient chez Madame Deville, qui lui crie au dehors « Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous ne répondiez plus ?» Et elle ne veut pas répondre. Elle dit même à Baxter de ne pas aboyer pour ne pas trahir leur présence. Elle va rechigner contre Monsieur Cuseau et sa fille. Il y a donc un côté misanthrope et totalement asocial qui ressort. On qualifierait aujourd'hui Madame Deville de personnalité toxique ou de pervers narcissique, notamment vis-à-vis de sa fille et de Monsieur Cuseau. Et donc cette scène, elle est spécifique au film, on ne la retrouve pas dans le roman, puisque je vous ai dit, Monsieur Cuseau dans le roman est beaucoup plus rancunier vis-à-vis de Madame Prescott, Madame Deville. Dans le film, il s'inquiète et pense qu'elle est malade. Sa fille lui dit d'ailleurs de ne pas s'en inquiéter, qu'elle doit aller bien. Mais lui, ça choque, puisqu'il va dire « Personne ne s'occupe de personne, tout le monde peut crever ici. » Il va prendre le téléphone pour l'appeler, elle ne répond pas. Là aussi, c'est une scène donc spécifique au film. On voit donc que la maison est en foin total, avec des ordures qui jonchent le sol. Au final, Madame Deville s'aperçoit qu'elle n'a jamais aimé la maison. Dans le roman, on s'aperçoit d'abord qu'elle n'a pas aimé le premier étage, puisqu'il est raccroché à sa famille. Donc finalement, elle le rattache à des choses qui l'a gêné, des mauvais souvenirs. Puis elle dit à Baxter qu'elle a cru aimer son mari Antoine, un peu au début, sa fille également, et que par la suite, son mari Antoine en est allé voir d'autres, notamment cette François gentilhomme dont elle parlait au départ avec Monsieur Cuseau, et dont elle disait qu'elle n'avait pas la classe. Donc il y a aussi une rancune derrière qui se cache dans les propos. C'est dans cette scène aussi de la salle de bain qu'on a ce passage avec « Je suis encore bien pour mon âge, beaucoup de femmes de 40 ans aimeraient avoir un corps comme le mien. » D'ailleurs, Florence n'a pas encore 40 ans et regarde comment elle est. Elle n'a donc aucune remise en cause sur le mal qu'elle a pu lui faire à sa fille, et ce qui a donc pu causer sa dégradation physique et son alcoolisme. Par la suite, elle parle donc de tout nettoyer, un petit peu à l'image de la tornade blanche qu'on utilise quand on a beaucoup de foin chez soi et qu'on promet qu'un jour on s'y mettra et que tout redeviendra propre comme avant. Et c'est dans cette scène où elle veut mettre Baxter dans le bain, où elle parle à Baxter comme à un homme, de choses assez sordides comme l'origine de l'expression « petit homme » pour désigner l'entrejambe de son mari, et Baxter qui donc, une fois dans le bain, fait tout pour s'en aller et il s'en va donc à l'étage. Dans le roman, ce passage il correspond en fait à la suite du monologue qu'on a pu déjà lire. À partir de là, on a donc quelques pensées comme idée. Voilà ce que Baxter dit en substance. Il faut que je me débarrasse de la vieille, mais elle ne va plus dans l'escalier. Je pourrais facilement la maîtriser et il y a des moments, surtout quand elle m'immerge dans cette eau dégoûtante et dangereuse, où j'imagine son cou flasque entre mes mâchoires. Donc là, il fait référence au bain qu'elle lui fait prendre, mais quand il est tout seul. La scène du bain, c'est elle rentre dans le bain aussi avec lui. Mais les autres, donc pour la suite, s'il prend son cou dans ses mâchoires, mais les autres n'auraient plus confiance en moi si je la tuais si ouvertement. Et j'ai besoin de confiance. Donc on voit que Baxter est capable de nuances. Peut-être devrais-je tout simplement m'évader. Cette maison est devenue ma prison. J'ai envie de retourner dans le monde, même si c'est qu'un peu tous les jours, de me dresser dans le vent pour savourer l'infinie variété des odeurs qu'il transporte. il faut que je m'évade. » Et en effet, il partira chez le jeune couple en profitant de l'ouverture de la porte, ce qui va attrister profondément Madame Prescott, Madame de Ville, mais qui est absente du film. Et c'est un passage que j'évoquerai plutôt dans les suppléments. Pour ce qui est de l'épisode du bain collectif, c'est-à-dire avec Madame de Ville, il est aussi dans le roman, après que Baxter soit revenu de son escapade chez le jeune couple qui habite en face de chez Madame de Ville, de chez Madame Prescott. D'ailleurs, elle dira... C'est l'heure d'un bain tout à fait spécial et elle se déshabille. On voit que Baxter résiste plus qu'avant pour les bains, surtout que cette fois, elle rentre dans la baignoire. Il montre les dents. C'est la première menace de Baxter, mais cette fois, Madame Prescott est en colère. Elle ne supporterait pas de rébellion dans la même journée et elle va lui nouer sa culotte autour de la mâchoire de Baxter. Ce dernier va donc presser la cheville blessée, la cheville droite de Madame Prescott, qui va s'écrouler de douleur dans la baignoire. Lui va s'en aller et s'enfuir au premier étage, sous le lit. Et donc Madame Prescott va avoir une double douleur, sa cheville et l'humiliation qu'elle vient de ressentir. C'est là que lui vient l'idée qu'elle a perdu l'esprit et qu'elle a perdu aussi sa dignité. Elle va sortir du bain, elle va se sécher, et elle décide que le lendemain matin, elle ouvrira la porte à Baxter pour qu'il s'en aille. Lui est parti se réfugier au premier étage sous le lit, et dans le roman, on voit que la culotte mouillée qui lui servait à le museler est sur le palier, donc il a réussi à s'en défaire. On va donc voir ce qui va advenir de Madame Prescott, de Madame Deville, et que malheureusement, dans le roman, cette prise de conscience et ses bonnes intentions viennent malheureusement trop tard. Et encore une fois, il y a une source d'incompréhension et un ras-le-bol de Baxter qui va à tout prix parvenir à ses fins. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec la scène suivante. Dans le film, on a donc là aussi Madame Deville qui remonte l'escalier en haut duquel se trouve Baxter avec de meilleures résolutions. Puis il y a un gros plan sur les yeux de Baxter et par la suite un petit plan avec un petit oiseau qui s'envole qui représente la mort de Madame Deville. Avant toute chose, je passe l'extrait et je complète juste après. Les images du passé sont revenues. Quand le présent est intolérable, on est bien obligé d'avoir des pensées contre nature. Bien, mon petit homme. Bien. Pardonne-moi. Je vais te faire à manger. Un bon 4 heures. Hein? Si tu veux. Je te laisserai sortir dans le jardin. Tu me pardonnes. Alors déjà, première chose, il faut revenir sur ce que Baxter pense juste après être sorti du bain et qu'il se cache la nuit sous le lit du premier étage dans l'ancienne chambre de Madame Prescott. Donc il dit ceci. Je l'entends remuer en bas. Elle ne s'est pas noyée comme je l'espérais. On se serait peut-être noyés tous les deux si j'étais resté pendant qu'elle essayait de faire entrer son vilain corps chancelant dans l'eau avec moi. Elle est complètement idiote. Elle a ignoré mes avertissements et elle a refusé de me laisser m'évader. Je n'ai pas le choix. Il faut que je me débarrasse d'elle. Demain matin, elle montera ici voir ce que je fais et elle mourra. Manquera-t-elle à quelqu'un ? J'en doute, car personne n'a assez besoin d'elle pour désirer vivre avec elle. J'ai eu besoin d'elle, je suppose, mais seulement en ce sens que j'ai besoin de quelqu'un. J'ai pensé un moment qu'elle faisait un effort pour me comprendre. Son corps s'était mis à émettre une odeur plus riche et elle m'a accordé plus d'attention. Mais ce n'était pas le genre d'attention qu'il me fallait. Bain terrifiant, nourriture immangeable, caresses. J'échangerai de bon cœur tout le temps que j'ai passé avec la vieille pour les courts moments de joie que j'ai partagés avec le jeune couple. Ce n'est pas seulement qu'il me donnait de la joie, tandis que je bondissais comme un fou au milieu de tous ces bruits bizarres. Ils partageaient leur joie avec moi, j'ai besoin de leur joie. Peut-être ma vie serait-elle plus satisfaisante si je n'avais pas besoin de la compagnie des humains. Je pense aux chats solitaires qui rôdent la nuit dans les rues et les ruelles. Je me demande si leur vie est plus satisfaisante que la mienne. Mais je n'ai pas le choix. Et même si j'avais le choix, je suis sûr que je préférerais vivre avec des humains, m'instruisant sur leur comportement étrange et complexe, et en leur donnant l'occasion d'apprendre à me connaître. Je crois que nous avons beaucoup en commun. Donc après ce monologue, on se retrouve au matin, où Baxter entend la vieille s'agiter en bas, puis elle monte dans l'escalier, et ce qu'avait prévu Baxter arrive, il la pousse dans les escaliers aussi, et elle meurt. C'est une fin d'autant plus tragique que dans ces derniers instants, Madame Prescott ou Madame Deville se rapproche de ce que Baxter était. Dans sa dernière nuit, elle est elle aussi attentive au son de la nuit. Elle dort mal puisqu'elle est perturbée par les créatures de la nuit. Elle commençait à comprendre indirectement Baxter. c'est quand elle va vers le bon chemin qu'elle se fait tuer. Elle comprend là aussi l'absurdité de son comportement et que son amour pour Baxter avait disparu. Elle décide donc d'ouvrir la porte le lendemain matin, comme je l'ai évoqué. Et donc, par rapport au film, là, la fin de Madame Prescott, de Madame Deville, est plutôt à mettre à l'avantage du roman, parce qu'elle est beaucoup plus tragique que dans le métrage, car justement, Madame Prescott allait donner à Baxter ce qu'il voulait, et de manière juste. Elle-même avait trouvé une forme de sagesse et retrouvé sa dignité. Par cela, Baxter l'avait transformée. Après l'étape qu'on a vue de dépendance affective à son égard, elle était sortie sans amour, mais en ayant pu faire un point sur elle-même. Elle avait connu même, durant cette période, des instants de nouveauté, des joies inconnues jusqu'alors. Mais hélas pour elle, elle s'est rendue compte trop tard de ses erreurs et de ses maladresses. Elle aurait dû être plus humaine et plus affectueuse avec son entourage, plutôt qu'avec son chien, car cela créait un déséquilibre. Elle avait trop d'amour en réserve, tout l'amour qu'elle n'avait pas adressé à sa fille ou à son mari. Elle l'a déversé sur Baxter, mais lui en voulait peu. Finalement, comme vous l'avez entendu dans l'extrait du film, à la toute fin, il y a un plan sur un petit oiseau, vous l'avez peut-être entendu si vous avez fait attention, qui s'envole. Et on a un enchaînement sur Monsieur Cuseau qui retourne chez Marguerite Deville. Baxter est à la fenêtre. Monsieur Cuseau casse la vitre de la porte d'entrée avec sa canne. Il ouvre la porte et Baxter s'en va directement chez le jeune couple qui est en train, on va dire, de faire la chose. Dans le roman, Monsieur Cuseau a du mal à aller à la maison. Il reste pétrifié. Il est donc plus limité que dans le film. Et donc, il appelle John, ou Jean, dans le film, l'homme du jeune couple, à l'aide. On voit d'ailleurs que John a de la considération dans le roman pour Monsieur Cuseau, notamment pour sa persévérance à se balader à son âge. Donc, Monsieur Cuseau lui dit, il se passe quelque chose chez Madame Prescott. Donc, John lui dit, reposez-vous un peu, je m'en charge. Et donc, dans le roman, c'est John qui découvre le corps de Madame Prescott, de Madame Deville. Alors que dans le film, c'est Monsieur Cuseau. Donc, quand il se balade dans la maison, qu'il découvre le corps, il s'aperçoit que la main de Madame Prescott est gracieuse et détendue, contrairement à son vivant, où elle avait toujours la main serrée. Ça donne l'impression que la mort, finalement, enlève la façade que se donnent les gens. Baxter donc est dans la maison, il saute par la fenêtre et va rejoindre Nancy. Et dans le roman, on a déjà vu que Baxter s'était évadé et qu'il s'était rendu une première fois chez le jeune couple, la veille justement de la mort de Madame Prescott. Et donc pour finir, dans le film, on voit que Baxter s'est réfugié chez le jeune couple, qu'ils sont en train de faire la chose, que le couple s'arrête quand il voit Baxter à la porte de la chambre. Il va dans le lit, il fait la fête à la voisine, à Noël, la jeune femme, voilà, il fait le foufou, quoi, c'est un peu ça. Et que l'homme, donc Jean, va à la fenêtre, qu'il voit Monsieur Cuseau appeler à l'aide, car Madame Deville est tombée dans les escaliers. Et on sent clairement Monsieur Cuseau attristé du fait qu'elle soit morte. Peut-être même s'en veut-il de ne pas être intervenu plus tôt pour éviter cela, de ne pas avoir insisté les fois précédentes où il est passé. On voit le plan, dernier plan, on voit donc Madame Deville dans les escaliers avec la nuque brisée et donc sa mort dans les escaliers. On passe donc à la scène suivante qui est celle de la veillée funèbre et du passage de relais de Baxter, de Madame Deville qui est désormais décédée, au jeune couple, Jean et Noël. Nous arrivons donc à cette scène de veillée funèbre où Florence, la fille de Madame Deville, dit aux voisins, au jeune couple, d'adopter Baxter car il a l'air de bien les aimer. La femme, donc Noël, demande si Florence ne veut pas garder Baxter en souvenir de sa mère. Et elle dit ne pas aimer les chiens. Donc, le jeune couple accepte d'adopter Baxter. Enfin, quand je dis jeune couple, il n'y a que la femme de présente dans le film. Ce qui n'est pas le cas dans le roman. Je vais y venir tout de suite. Cette scène de la veillée funèbre est également présente dans le livre. Et on voit donc que Florence Rapp, R-A-2-P, c'est son nom de femme, de son nom d'épouse, est lourdement étalée sur le canapé du salon. Et elle nous est décrite comme ayant les jambes croisées autant que ses cuisses volumineuses le permettaient. Elle a un verre de whisky à la main et elle est visiblement saoule. Comme je vous l'ai dit, contrairement au film, John ou Jean, l'homme du couple, est présent lors de ce passage, lors de cette veillée funèbre. Et il s'aperçoit que Nancy, ou Noël, sa concubine, a besoin d'une affection moins compliquée que celle qu'il lui propose. On verra un petit peu son caractère à Jean ou à John. Et une affection moins exigeante que celle du futur enfant qu'elle attend. On va voir qu'elle est enceinte. Il y a une scène dans le film pour qu'ils l'apprennent, je vais y venir juste après, mais dans le roman, Noël ou Nancy est déjà enceinte. Dans le livre aussi, ils ont une discussion sur les chiens, et John n'aime pas les chiens. Pour lui, ce sont des parasites qui inspirent des émotions de troisième ordre. De plus, c'est ce qu'il dit, ils défèquent, ils copulent, ils reniflent et ils lèchent en public. Si on avait un chien, c'est ce qu'il dit, il nous regarderait et penserait l'innommable pendant qu'ils font la chose. comme dans le film, on voit que Florence n'aime pas les chiens et que c'est son mari qui en élève. Elle dit que c'est une de nos différences entre son mari et elle, parmi beaucoup d'autres. Elle développe aussi un passage sur la tare génétique de Baxter en réaffirmant que ce sont ses yeux bleus qui l'empêchent de faire des concours, mais normalement ça n'atteint pas son psychisme. Cela change juste sa destinée, qui vire à l'extraordinaire si on se place du point de vue canin. Ça le sort de son destin de chien de concours. Mais elle dit que c'est un excellent spécimen de bull terrier à presque tous les critères, et que cette tare ressurgit certainement d'un passé lointain. Florence dira aussi au jeune couple « J'ai l'impression de vous devoir quelque chose. Maman aurait pu rester ici pendant des jours si vous ne l'aviez pas trouvé. » Concrètement, c'est Monsieur Cuseau qui a donné l'alerte. Et Florence, dans ses pensées, va dire « Prenez tout. Prenez la bête. Prenez les gens. Prenez les maisons. Prenez les arbres. Ayez autant d'enfants et d'idéaux que vous voudrez. Vous n'en sauverez aucun. Quelque chose ou quelqu'un finira par vous vaincre. » Et c'est là qu'on voit que John, ou Jean, l'homme du couple, arrive à être empathique et à ressentir le mal-être de Florence. Il a l'impression qu'elle a perdu quelque chose depuis bien plus longtemps que la mort de sa mère. Pour elle, on ne fait qu'enterrer l'enveloppe de sa mère. Elle a fait le deuil de sa bonté, de la bonté maternelle depuis fort longtemps. Enfin, pour terminer avec cette scène, Florence rappelle au couple que Baxter a besoin de discipline. Avant de partir de la maison, ça c'est dans le livre, ce dernier, donc Baxter, lâche un filet d'urine sur le tapis. Il n'y a que Florence qui le remarque. Et on peut prendre ça comme un signe de domestication, de domination de l'espace par Baxter. Ça peut être aussi une allégorie de la transition d'un foyer à un autre. Le fait qu'il passe à autre chose et qu'il dit adieu à une période où il était malheureux. Nous arrivons donc à la troisième partie du film intitulée « Les jours heureux » et Baxter nous expose son nouveau bonheur. Baxter ? La femme est presque tout le temps avec moi. Elle adore me toucher. Quand il fait chaud, l'après-midi, on se couche et on écoute les insectes et les oiseaux. J'attrape une créature et je la donne à la femme pour qu'elle me comprenne mieux. Et puis de temps en temps, je pense encore à la vieille, mais je lui en veux presque plus. Alors c'est ce qu'on voit dans ce moment qui est un moment de bonheur pour Baxter. Il y a déjà des moments qui, si on les analyse, sont des moments de décalage. On voit par exemple le fait qu'il se dit content d'écouter les insectes et les oiseaux l'après-midi avec la femme du couple. Mais c'est une vision décalée puisqu'ils sont au même endroit, mais pour eux, ils ne font pas la même activité. Pour la femme qui est enceinte, c'est de se reposer. Pour lui, il pense, c'est en effet écouter les sons. Comme si, elle, l'important pour elle, c'était également de partager cette activité d'écoute. Donc on voit aussi qu'il ramène des rats qu'il aligne sur le seuil de la porte pour se faire comprendre. Mais finalement, on s'aperçoit que pour la jeune femme, il va faire partie du décor, parmi tant d'autres choses. Elle, par exemple, on voit qu'il y a cette scène-là où elle prépare l'anniversaire de Jean, elle fait un gâteau, elle décore, elle met les bougies, et pour donner un spectacle à Jean, elle danse avec Baxter en ombre chinoise, qui porte un tutu, ce qui donne lieu à une scène bizarre où on donne une caractéristique humaine à Baxter. Mais de plus en plus, il est vu comme un simple élément utilisé pour faire plaisir. Donc il y a un côté gentiment égoïste, car c'est pas forcément conscient. Et finalement, le couple traite Baxter comme un animal, comme il doit être, pas comme un humain forcément, mais il lui apporte de l'attention selon le temps dont il dispose. Et en effet, quand le bébé va naître, Baxter va se sentir délaissé. C'est là où les problèmes vont commencer avec le couple. Et donc, c'est lors de la fête d'anniversaire que Noël annonce à son mari, Jean, qu'elle est enceinte. Et on voit qu'il est content, mais qu'il ne sait pas si c'est le bon moment. Ça va être un trait de caractère important, je vais développer ça tout de suite, parce que c'est beaucoup plus exposé dans le roman, on a beaucoup plus de nuances. Si je prends les compléments du roman par rapport à cette scène, première chose, pour ce qui est de Baxter, il trouve la femme attentive et assez intelligente. Elle lui donne de la viande crue et fraîche. Elle lui donne aussi de grands os qu'il brise avec fureur, fierté et joie. notamment pour ses dents, pour ses mâchoires. Ça lui permet aussi de s'exprimer, de s'occuper, comme si c'était elle qui lui donnait un ordre. Ensuite, elle ne lui cache aucun secret, contrairement à Madame Deville ou Madame Prescott qui, par exemple, fermait au départ la porte de la salle de bain. Et pour l'homme, il a aussi une sensation positive, même s'il s'intéresse moins à lui, enfin, l'homme s'intéresse moins à Baxter, il honore ses talents, notamment la chasse aux rats, où l'homme semble féliciter Baxter pour cela. Comme on l'a entendu, Baxter pense encore parfois à la vieille. Il a des pensées amicales, puisqu'elle lui a appris qu'on doit continuellement chercher à améliorer sa situation dans la vie. Il a la sensation d'attiser l'envie ou la jalousie aussi des autres chiens, qui pour lui sont trop faibles pour imposer leurs désirs à leur maître, et vont donc s'ennuyer dans leur vie domestique, ou qui sont trop moches pour se faire aimer, même d'un vieux. Et donc, ils vivent dans l'instant, dans l'errance, et on a donc un Baxter qui est peu modeste. Et enfin, il prend conscience qu'il n'a plus peur des choses qu'il ne comprend pas. Ça va être notamment ici le début de la double odeur de Nancy, de Noël, qui est enceinte. Comme je l'évoquais, il y a donc aussi plus d'éléments sur le caractère de Jean, de John. Première chose, le fait qu'il n'aime pas le lit conjugal, qui a des barreaux, et dont il se sent prisonnier. Contrairement à Nancy, qui a un monde un petit peu plus tangible, plus solide que lui, elle est plus imaginative. Elle est beaucoup plus aussi morale. Elle a une foi en la vertu individuelle, le fait de réussir par soi-même. Ensuite, Jean ou John est quelqu'un qui va être plus effacé peut-être, parce qu'il n'a pas de critères personnels. Il fait toujours ce que les autres attendent de lui. Ça a toujours été comme ça dans sa vie. Parents, professeurs, amis, policiers, des vendeurs et même les animaux. Et d'ailleurs, c'est sa philosophie. Il trouve son bonheur en faisant le maximum d'efforts pour plaire à tout le monde. Mais peu à peu, il va surtout se centrer sur sa femme, enfin, sur sa concubine, Nancy. On s'aperçoit dans le roman que Nancy est rousse, bon, c'est un type d'information, et que ce couple communique beaucoup par les actes physiques et sexuels. Ce qui les amène à se poser certaines questions, notamment s'ils enlevaient l'accomplissement de l'acte conjugal, est-ce qu'ils s'entendraient, est-ce qu'ils auraient des choses à se dire, est-ce qu'ils vivraient aussi bien. Donc on commence quand même à voir quelques failles dans ce couple, où finalement c'est peut-être la femme qui va mener beaucoup plus la, entre guillemets, la baraque, et prendre plus d'initiatives, et avoir Jean ou John qui est un suiveur. C'est un peu ce côté-là qui est mis en avant dans le roman et qui est sous-jacent ou implicite dans le film. On passe donc à la scène suivante qui nous permet de retrouver Charles. Il s'agit donc de la scène du bus scolaire qui permet d'introduire le personnage de Stéphanie. Elle s'appellera Véronica dans le livre. Alors Stéphanie Barsky ou Véronica Bartnik, qui va être un peu la girl next door, la jolie jeune fille du collège, et qui va donc s'installer au fond du bus avec ses copines. Ce n'est pas la scène où elle s'installe aux côtés de Charles, puisqu'il y avait une place de libre à ses côtés. Elle semble légèrement intriguée ou intéresser Charles. Il y a un échange de regards notamment. Et donc on retrouve ce dernier dans sa chambre, en train de mesurer les dimensions du bunker pour essayer de le reproduire au mieux dans la réalité. Au moins dans la disposition des différentes parties. En fond musical dans cette scène, il y a un bruit de bombe qui tombe. C'est dans cette scène que l'on s'aperçoit de l'intelligence que Charles peut déployer et de son pouvoir si cette intelligence est utilisée à mauvais escient. On en revient à Baxter qui sent des changements survenir chez Noël, chez la femme du jeune couple. Voici ce qu'il pense. Quelque chose est en train de changer. C'est la femme qui change. Elle est moins attentive. Elle me caresse moins. Elle sent plus pareille. Maintenant, c'est comme s'il y avait l'odeur de deux personnes. Donc, on sait par le roman que Baxter ne trouve pas la nouvelle odeur de Noël, de Nancy, agréable lorsqu'elle est enceinte. Dans le film, on voit qu'elle confectionne ou qu'elle achète de futurs habits pour le bébé. D'ailleurs, Baxter se trouve à côté d'un chausson dont il ne sait pas trop à quoi il va servir. Et donc, on voit bien sûr Noël qui fait le ménage, qui passe l'aspirateur. On aperçoit aussi un Jean qui se montre réticent à poser sa main sur le ventre pour sentir le bébé. Tandis que elle est complètement sur le futur enfant. Quel sera le bon emplacement pour la chambre, pour que le bébé ait la tête au nord et recevoir les meilleures ondes possibles. Alors que Jean se montre à l'inverse, très distant. Ce qui va faire demander à Noël, est-ce qu'elle l'aime ? Et il va répondre oui de façon machinale, sans sentiment. D'ailleurs, Baxter va lui aussi sentir ce malaise chez Jean. Voici ce qu'il nous livre comme pensée. Parfois, j'ai l'impression que l'homme aussi est gêné par la maladie de la femme. Il y a des choses qu'ils font plus. La nuit, quand ils sont dans le grand lit, ils parlent un peu et ils s'endorment tout de suite. Et donc à la suite de ça, on a Jean qui déterre un bassin dans leur jardin avec une fontaine. Et ce bassin est enfoui sous les herbes. On va voir qu'il va travailler beaucoup pour le sortir de terre, pour le dégager, et que cela lui servira à faire diversion le temps que sa femme accouche et disperser le malaise. On verra dans les suppléments quelles sont ses raisons aussi. Bon, on voit une raison évidente et puis on verra un peu plus les nuances dans les suppléments. Dans le film, ça sera pareil dans le roman, Noël, ou Nancy, n'est pas très emballée à l'idée de mettre ce bassin un jour. On voit qu'elle est hésitante alors que Jean se montre assez enthousiaste. Dans le roman, on a quelques réflexions. C'est plutôt quand ils sont au lit que John voit le jardin en friche, qu'il va dire à Nancy ou à Noël, on doit s'occuper du jardin pour qu'il soit moins luxuriant. Je vais construire une pièce d'eau dans le jardin avec une cascade, car il n'y a pas besoin de tondre avec une pièce d'eau. Et d'ailleurs, on voit que John est passionné d'art, donc il a une aspiration, il sait à peu près ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il dit, je vais m'y mettre aujourd'hui. Par contre, dans le roman, Nancy lui dit directement, oui, c'est une bonne idée chérie. Et l'auteur, Green Hall, va conclure le passage par, elle se trompait. Donc là, dans le roman, il y a tout à construire. C'est une initiative personnelle de John, tandis que dans le film, la pièce est déjà existante et il suffit de la déterrer. Le travail est un peu plus avancé. Ça va aussi soulager Baxter qui va se trouver un nouveau rôle et qui va trouver vraiment cette période idéale pour lui. Et ça sera la fin de ce qu'on appellera les jours heureux pour lui, avant l'arrivée du bébé. Donc voici le dernier dialogue qu'il nous livre sur la fin donc justement de ces jours heureux. Il espère qu'ils dureront toujours, mais l'arrivée du bébé, justement, va fortement le contrarier. L'homme est comme moi. Il aime la terre. Il soulève des odeurs d'en dessous les herbes, des odeurs de pourriture ou des odeurs encore plus fortes. J'aime bien ça. La femme, elle aime pas la terre. Depuis qu'elle est malade, elle se méfie de tout. Elle reste dans la maison. Alors moi, je vais de l'un à l'autre. Avant, avec la vieille, je savais pas à quoi je servais. Ici, je sers à aller de l'un à l'autre. C'est bien. Faudrait pas que ça change. À l'écoute de ce passage, on se rend compte qu'il y a encore une incompréhension, un décalage. Baxter qui va dire « L'homme aime la terre comme moi ». Or qu'en fait, c'est pour fuir une situation qui lui déplaît que Jean va s'affairer à déterrer le bassin. Baxter trouve aussi une fonction, ce qu'on entend, hein, de lien de l'un à l'autre, de Jean à Noël, et vice-versa. Et il se sent donc utile, contrairement au moment où il vivait chez la vieille, qui ne lui donnait rien à faire. La situation pourrait durer ad vitam aeternam, que cela ne lui déplairait pas du tout. Le roman nous donne aussi des compléments par rapport à cette période. Par exemple, le fait que le projet du bassin est à la fois excitant pour Jean, mais qui lui amène aussi de l'aversion dès qu'il retourne la première meute de terre, avec la végétation pourrie, fétide, pleine de vers. Baxter, ça le rend heureux, puisqu'en effet, il vient creuser avec lui, il vient gratter frénétiquement la terre, il en projette d'ailleurs de grandes giclées derrière lui, et il s'arrête de temps en temps pour renifler un objet déterré. La pièce d'eau deviendra donc peu à peu le point de mire du quartier, avec des passants, des voisins qui s'attardent aux fenêtres ou dans la rue, sur l'endroit qui donne sur le jardin des Grafton, c'est comme ça que s'appelle le jeune couple. Même Monsieur Cuseau s'y arrête lors de ses promenades, si bien qu'on ne parle plus de la mort de Madame Prescott, de Madame Deville, mais plutôt de John ou Jean qui s'active torse nu jusqu'au coucher du soleil pour construire son bassin. C'est dans ce passage-là qu'on a le monologue de Baxter, qui va reprendre un petit peu ce qui est dit dans le film. Je suis le lien entre l'homme et la femme. Contrairement à moi, ce sont des créatures instables. Je vais de l'un à l'autre, les rassurant, acceptant l'affection qui ne se témoigne plus si facilement l'un pour l'autre. Et bien que mon plaisir d'être avec eux soit moins simple qu'au début, je ne regrette pas mon choix. C'est comme s'ils avaient attendu une troisième personne pour compléter leur vie. Donc en effet, tant que le bébé n'est pas là, Baxter a de l'attention. Quand le bébé va arriver, ils vont beaucoup plus se tourner, et c'est logique en tant que parent, vers l'enfant. Ce qui va déplaire à Baxter. Donc il continue, hein, ça c'est ce qu'il avait dit. Il y a des actes qu'il n'exécute plus. L'homme comprend comme moi que la terre a des mystères et une puissance qu'on ne trouve pas dans les maisons. Il m'a instruit du temps. Ensemble dans le jardin, nous découvrons les traces de ceux qui vivaient ici avant la construction de la maison. Odeurs de pourriture plus âcres et plus complexes que les odeurs de la vie. Petit os, fragments d'objets abandonnés, concentré de l'odeur s'élevant de la vieille couchée sur le palier. Odeur de la mort. C'est une odeur qui me plaît. Pourtant, l'homme a fait une chose étrange. Il a recouvert la terre de pierre et d'eau. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il a détruit les choses qui poussaient et il m'a laissé très peu de place pour courir. Il n'a pas l'air d'avoir peur de l'eau comme moi. Tous les matins, dans cette pièce de la maison qui m'intéresse le moins, il s'asperge d'eau, effaçant son odeur distinctive et la remplaçant par une autre qui me dégoûte. La femme est encore plus téméraire que l'homme. Malgré sa maladie, qui l'a rendue si gauche, donc il parle du fait qu'elle soit enceinte, pour lui c'est une maladie, elle immerge complètement son corps alourdi dans l'eau, comme la vieille le faisait du mien. C'est une de ses habitudes les plus ridicules. La maladie de la femme est étrange. Elle doit être mal à son aise, et pourtant elle sourit et elle semble contente d'elle. Il y a une nouvelle douceur dans ses caresses. Je suis content de savoir que l'homme et la femme n'ont pas l'intelligence et la force que je leur croyais autrefois. Ils se reposent sur moi de bien des façons, et leur affection pour moi est plus grande que jamais. Je ne voudrais pas que cet état des choses soit dérangé. Donc voici pour ce qui sera la fin des Jours heureux de Baxter. Si on revient au film, dans la scène suivante, on retrouve très rapidement Charles qui est à la décharge avec une pelle et les plantes du bunker qu'il a tracées. On a un paysage qui est boueux et marécageux, il a pris ses bottes en caoutchouc, donc il a vraiment une grosse motivation, il arrive à dégager d'ailleurs pas mal d'espace. Pour ce qui est du roman, comme je l'ai dit précédemment, le bunker est déjà construit quand on rencontre Karl pour la première fois. Il le considère, ce bunker, comme son secret, c'est là où il va cacher sa véritable personnalité, ses instincts les plus bas. On en revient au jardin du jeune couple, où on voit un plan sur le bassin qui a été déterré et embelli, de même que le jardin a été fraîchement tondu. Ça donne lieu à un moment bien caustique, mais là aussi un moment charnière avec l'arrivée du bébé qui va briser le compromis entre Baxter et le jeune couple. Il va ressentir ça comme une trahison, c'est d'ailleurs ce qu'il nous livre comme constat dans le monologue qui suit. J'ai été trahi. Ça fait plusieurs jours qu'il m'enferme. Il me change même plus l'eau. J'ai froid. Et ce matin, l'homme est venu me chercher. Il voulait me montrer quelque chose. J'ai jamais rien vu de plus faible et de moins intelligent. C'était humide, sans dents. Et presque sans poils. J'ai pensé qu'ils avaient honte de me montrer ça, qu'ils voulaient s'excuser. Mais quand je les ai regardés, ils avaient l'air contents. Tu vas le remettre dans le garage ? Oui. Tu pourrais peut-être le laisser dans la maison, non ? Quoi, avec le bébé ? Ah, Baxter, tu seras sage, hein ? Tu seras pas jaloux, hein ? Tu promets ? Tu promets ? Oui. Tu vois, elle a juré. J'ai été trahi. Ça fait plusieurs jours qu'il m'enferme. Il me change même plus l'eau. J'ai froid. Et ce matin, l'homme est venu me chercher. Il voulait me montrer quelque chose. J'ai jamais rien vu de plus faible et de moins intelligent. C'était humide, sans dents. Et presque sans poils. J'ai pensé qu'ils avaient honte de me montrer ça, qu'ils voulaient s'excuser. Mais quand je les ai regardés, ils avaient l'air contents. Tu vas le remettre dans le garage ? Oui. Tu pourrais peut-être le laisser dans la maison, non ? Quoi, avec le bébé ? Ah, Baxter, tu seras sage, hein ? Tu seras pas jaloux, hein ? Tu promets ? Tu promets ? Oui. Tu vois, elle a juré. Là aussi, dans le roman, on a un monologue beaucoup plus développé par rapport à ce qui vient d'être dit, donc il y aura sûrement des répétitions. Donc Baxter nous dit, en effet, « J'ai été trahi. Je suis couché dans le garage, sans lumière, sur un tapis dégoûtant, et des courants d'air glacé me gèlent le corps. Je n'ai plus le sens du présent. Je revis sans cesse cette journée désastreuse. Tout a commencé avec les allaitements de la femme. » Elle était couchée sur le lit, le visage déformé, les mains agrippées au-dessus du lit. J'essayais de la réconforter, de lui lécher la main, mais l'homme m'a forcé à quitter la chambre. C'était la première fois qu'il me touchait avec colère. Je suis resté devant la porte fermée, écoutant les cris de la femme et les grommellements assourdis de l'homme. Puis les étrangers sont arrivés, un homme frêle et une jeune femme en souliers blancs. Ça, c'est juste pour préciser, c'est que dans le roman, Nancy accouche à domicile. C'est une de ses volontés. Donc, l'homme frêle et la jeune femme en souliers blancs avaient tous les deux des odeurs de substances âcres et mortes. J'ai voulu les arrêter. Et une fois encore, mon homme a porté la main sur moi avec colère. Il m'a forcé à sortir dans le jardin. J'étais hors de moi. J'aurais voulu être avec la femme. La présence des étrangers m'irritait. Je me mis à les appeler. Bientôt, l'homme revint. Mais au lieu de me laisser entrer, il se pencha et me frappa. Je sentis les muscles de ma poitrine se contracter, j'ouvris la gueule, et s'il n'avait pas retiré sa main, je crois que je l'aurais mordu. Il émettait des bruits durs et menaçants. Pour la première fois depuis la mort de la vieille, je compris combien les gens sont vulnérables à une attaque. Il n'y a rien à craindre de leur part, mais dans leurs moments d'instabilité, ils sont à plaindre. Je me forçais à me rappeler son affection ancienne et je surmontais ma colère. J'arpentais le jardin avec agitation, m'arrêtant de temps en temps pour écouter les bruits de la maison, des grommellements à peine audibles, interrompus par les allaitements et les gémissements de la femme. Puis j'entendis la nouvelle voix. Le son en était perçant et informe. Déclaration de faiblesse. C'était une voix que j'en suis venu à mépriser. Plusieurs jours passèrent avant qu'on me permît de voir l'enfant. Ce furent des jours d'abandon. La femme aux souliers blancs me donnait à manger et m'empêchait d'entrer dans la chambre. Je respirais l'odeur de la peur que je lui inspirais. Les piaillements de l'enfant devinrent le bruit dominant dans la maison, nous réveillant au milieu de la nuit, ne nous laissant jamais oublier sa présence. Puis un jour, l'homme me porta dans la chambre, la femme redevenue mince et souriante était debout à côté de nous. Et dans un petit lit ressemblant à une cage, il y avait la minuscule créature, sans dents et presque sans cheveux. Je n'ai jamais rien vu qui semble plus faible ou moins intelligent. J'ai regardé l'homme et la femme. Ils avaient l'air fiers plutôt que honteux, et je compris que ma vie avec eux serait insupportable tant que l'enfant serait avec nous. Et c'est pourquoi je suis couché dans le garage, à réfléchir continuellement à ma nouvelle situation. Le jardin est couvert d'une espèce couche de neige qui masque toutes les odeurs de la vie. Le vent glacé qui me mord n'est pas aussi désagréable que les miaulements du gosse. Deux voies s'ouvrent devant moi. Quitter le couple ou les débarrasser de l'enfant. Les risques d'un départ sont grands. Je ne désire pas m'engager dans une vie nouvelle et imprévisible. Je veux retrouver notre ancien bonheur. Ils gardent étroitement l'enfant, mais leur vigilance se relâchera peut-être. Je crois que si je suis aimable et patient, une occasion se présentera. Et c'est comme ça qu'il finit son monologue. Donc on a des informations supplémentaires sur le moment de l'accouchement et sur comment Baxter a vécu cette période de transition assez durement. Pour la suite, on en revient à Charles qui poursuit son exploration du bunker. On voit qu'il y met le courant en se branchant sur un vieux compteur, sur le principe de la dynamo, avec les roues qui amènent de la lumière. Il parle dans un micro, comme s'il donnait des recommandations ou des informations à un QG imaginaire. Donc on voit qu'il s'enferme peu à peu dans son monde, et qu'il a dû passer du temps à concevoir et à mettre en place son bunker avec plein de mécanismes ingénieux et inventifs. Des trappes, des dynamos, une échelle, et même un opercule comme s'il sortait d'un sous-marin. Et même un gros travail aussi d'assainissement, parce que le bunker est plutôt propre, alors que le milieu de la décharge n'est pas très sain à la base. Et dans le roman, on voit aussi que le bunker est devenu confortable, puisqu'il est même assez frais en été, alors qu'il fait très chaud dehors, et que Karl, puisque c'est dans le roman, a installé un système de ventilation avec un réseau très complexe de tuyaux, et même un système aussi de lumière tamisée. Donc vraiment, quelqu'un d'assez ingénieux, inventif, motivé. Lorsqu'il a un but, on voit qu'il va aussi jusqu'au bout. On en revient donc à Baxter qui va découvrir qu'il peut échafauder un plan machiavélique pour se débarrasser de l'enfant. Notamment lorsque ce dernier se balade à côté du bassin, dans le jardin, avec Noël. Ça donne lieu à cette réflexion, qu'on va développer par la suite. Ce matin, j'ai eu une idée. Ça s'est passé quand j'étais couché dans l'herbe. J'écoutais les bruits de la terre. Et j'observais la créature. Et puis elle a fait quelque chose de nouveau. Devenait intéressant, mais... Non, faut pas rester là, bébé. La femme est arrivée. Je vais faire tout autrement. Regarde, la bébé, regarde qu'est-ce qu'il y a. Regarde. Oh, et il va. Papa. Baxter. Baxter. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Un jour, c'est sûr, elle se fatiguera de le surveiller. Alors je pousserai la créature chez les poissons, et puis quand il sera trop tard, moi, j'appellerai au secours. » Donc on entend que Baxter est capable de nuance, est capable de trouver un plan avec une échappatoire pour être éventuellement adopté de nouveau par la suite, ne pas être considéré comme le responsable de la mort projetée de l'enfant. Ça donne lui aussi un monologue dans le livre où ça s'est bien développé. Il y a d'autres conceptions et d'autres considérations que Baxter nous livre. Donc, par exemple, le fait que l'enfant n'est pas normal. Je crois que cela explique pourquoi l'homme et la femme lui prodiguent tant d'attention. Ils ne l'aiment pas. Ils ont pitié de lui. Ils se sentent coupables de l'avoir fabriqué. Donc on voit le décalage de Baxter. La neige a fondu. La terre est redevenue molle et odorante. Et pourtant, l'enfant est toujours réduit à l'impuissance. Cet état ne peut pas être normal, c'est sûr, même parmi les hommes et les femmes. Donc, le côté où il n'a jamais été en présence d'un nouveau-né et forcément d'attendre les différentes étapes, la marche, etc. Donc, je reprends. Ma vie a été difficile, mais il y a eu des compensations. J'ai appris, par exemple, que je peux être patient. Pas aussi patient que l'homme et la femme, mais leur genre de patience n'est pas une vertu. Je crois que le moment tant attendu approche. La femme commence à laisser l'enfant seul avec moi. Je crois qu'elle s'imagine que je l'aiderai à le protéger. Il se présente à moi de plus en plus d'occasions de faire ce qui doit être fait. Mais la méthode, voilà ce qu'il me faut étudier avec soin. Au départ, le choix des moyens semblait illimité. L'enfant n'a ni force ni adresse. Dans sa bêtise, il aurait vite fait de se détruire lui-même, s'il n'était pas continuellement soigné et surveillé. C'est alors que j'ai compris que l'événement devait remplir deux conditions. Survenir sans témoin, et paraître la conséquence d'une des nombreuses bêtises de l'enfant. La réponse m'est apparue ce matin, je crois. Et donc là, ça reprend le monologue que vous avez entendu. J'étais couché dans l'herbe tiède du jardin, écoutant les sons qui s'étaient tus si longtemps, le grattement des insectes, le chant aigu et harmonieux de certains oiseaux. Je pensais à l'étrangeté des oiseaux. Bien qu'ils m'aient toujours témoigné du respect, il y a quelque chose en eux qui me met mal à l'aise. Je me demande si j'en tuerais un si j'en avais l'occasion. J'ai entendu la femme venir dans le jardin et j'ai ouvert les yeux. Elle a étalé une couverture dans l'herbe, puis elle est allée chercher l'enfant et elle s'est assise avec lui sur la couverture. L'enfant remuait bras et jambes dans tous les sens, comme d'habitude, en émettant des gargouillements qui, chez lui, semblent exprimer le plaisir. Maintenant, il a des dents. Pas beaucoup, et à peine dignes de ce nom, mais j'ai quand même été soulagé de les voir apparaître. Dans la maison, le téléphone a sonné. La femme s'est levée. Elle s'est penchée pour prendre l'enfant. Elle a hésité, puis elle s'est relevée et est entrée dans la maison. J'ai observé l'enfant. À l'arrière-plan, le soleil étincelait sur l'eau du bassin. Le bébé était couché sur le ventre. Alors il a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire avant. Il s'est relevé sur les mains et les genoux et il a avancé. Il s'est effondré au bout de quelques instants, mais c'était assez pour me faire entrevoir l'avenir. Le moment où on retrouverait l'enfant dans le bassin. Je serai au bord de l'eau, ayant appelé trop tard au secours. Donc voilà la fin du monologue. Et on voit vraiment le cheminement beaucoup plus précis de Baxter. Et aussi, encore une fois, le travail d'adaptation de Boivin et Audiard qui peaufine les dialogues, qui tranche, qui enlève ce qui va enlever du rythme. Mais justement, l'inverse, c'est que ça enlève de la nuance. Bien sûr, c'est la différence forcément entre le livre où on a le temps de développer le récit et le film où on doit être beaucoup plus efficace et tranché dans le vif, dans ce qui va faire perdre du rythme. J'espère que ça va donner plus de nuances et que ça donnera plus de nuances pour ce qui va venir aussi par la suite du déroulé du film. Donc voici pour cette scène, on passe à la suivante où on retrouve à nouveau Charles hein, qui est à vélo dans la forêt. On voit aussi qu'il passe à nouveau à côté de son père et de Marie Cuseau qui sont ensemble dans la voiture en train de discuter pour savoir un petit peu où ils en sont, où en est leur relation. Elle lui demande d'ailleurs s'il l'aime. Encore une fois, on ne sait pas du tout si Charles est au courant ou pas de cette liaison, mais à chaque fois, il se trouve toujours sur le bord du chemin, sans regarder directement, mais il est toujours à proximité de l'endroit où les deux amants se situent. On voit donc que Marie Cuseau voudrait vivre une véritable relation, pas juste être, entre guillemets, une copine de banquette arrière, une sex-friend, comme on dirait aujourd'hui. Elle veut vivre quelque chose de grand. On passe donc à une scène qui a été faite spécifiquement pour le film et qui est assez tragique et romantique. C'est encore une fois, le personnage de Monsieur Cuseau est beaucoup mieux écrit, a été très bien retravaillé pour le film. Et justement, ça, c'est une scène qui va vraiment mettre en valeur les deux acteurs qui ont un long CV et qui plus est, comme je l'avais dit ici, Lise de la Mare, ça sera son dernier film. Donc c'est une belle scène d'adieu au cinéma pour ce qui est d'elle. Et quasiment aussi, ça prendra une autre dimension pour Jean Mercure, mais je vais y revenir tout de suite. On passe à l'analyse de cette scène qui se passe ainsi. Nous avons donc Monsieur Cuseau qui vient se recueillir sur la tombe de Madame Deville. Et on a le droit donc à des pensées, à des réflexions d'outre-tombe de la part de cette dernière. Qu'on va entendre, hein. À quoi bon s'obstiner? Qui s'occupe de vous maintenant? Personne. et elle va inviter Monsieur Cuseau à se laisser glisser dans la mort maintenant qu'elle n'est plus là. Et c'est là aussi on va voir le lien et l'influence qu'elle avait sur lui, et ce qu'on dirait aujourd'hui une menace toxique, façon de parler, alors qu'elle n'est plus là. Et c'est donc ainsi qu'on va dire adieu à Monsieur Cuseau, alors que dans le roman, il ne mourra qu'à la fin du livre et de mort naturelle. Donc je vous passe tout de suite l'extrait de cette scène. À quoi bon s'obstiner, André ? Hein ? Qui s'occupe encore de savoir ce que vous pensez, ce que vous ressentez ? Personne, André, personne. Même pas votre fille. Laissez donc les jeunes mener le monde comme ils l'entendent, puisque c'est ce qu'ils veulent. Qu'ils les vivent, leur tragédie, leur déception. Nous, nous avons eu notre compte, n'est-ce pas ? Allez, André, laissez-vous aller. Mais si, épousez votre tête sur mon épaule. Laissez-vous glisser. C'est si beau. Nous avons donc cette scène qui est complètement inventée et écrite pour le film, pour donner, comme je l'ai déjà dit, un grand moment à ces deux acteurs qui étaient dans le théâtre surtout. C'est une scène aussi qui est bien filmée, bien conçue, avec le visage de Monsieur Cuseau qui est plus sombre, et celui de Madame Deville qui est en lumière, et tous les deux sont de profil, sont filmés de profil. C'est une scène justement qui montre l'emprise que Madame Deville avait sur Monsieur Cuseau, l'amour qu'il avait à lui offrir, mais dont elle n'a pas voulu aussi, préférant la compagnie d'un animal à celle des hommes. C'est une mort aussi qui va être poignante si on a tout ce sous-texte à l'esprit, surtout la dernière image où il obéit et penche sa tête sur l'épaule de Madame Deville de Marguerite. Bref, c'est un moment poétique, un moment tragique, dans un film qui ne l'est pas moins. Et on voit finalement que, si on prend le film dans son ensemble, il propose une déclinaison autour de différents types de tragédies et de mots. Et que chaque personnage, en sous-texte, en cache un, ou cache une tragédie. Pour ce qui est de celle-ci, c'est la plus romantique, si on prend le sens premier du terme, romantisme. Justement, en se rapprochant de l'amour gothique à la Ruy Blas peut-être de Victor Hugo, la recherche d'un amour qu'on n'atteindra jamais. Ruy Blas, c'est parce qu'il se trouve trop moche par rapport à la reine, un amour qui n'atteindra jamais. Là, pour Monsieur Cuseau, c'est le fait que Madame de Ville est partie et qu'une des façons de la retrouver, c'est de mourir, de se laisser mourir. Il y a aussi autre chose, c'est sans volonté de sensationnalisme, mais c'est vrai que dans la vraie vie, un peu moins de 10 ans plus tard, Jean Mercure va, comme je l'avais dit, se suicider avec son épouse et avec un mot qu'ils ont laissé. Nous avons décidé de nous quitter ensemble sans tristesse. Mine de rien, cette scène, elle prend... Alors voilà, on va pas refaire l'histoire à partir de ce qu'on sait puis l'orienter, mais quand on sait la suite, alors c'est pas forcément une scène prémonitoire, c'est les circonstances de la vie, on suppose, qui ont amené Jean Mercure et son épouse à faire ce geste. Mais ce sont les bizarreries du cinéma qui peuvent amener certains rapprochements après coup. Juste pour en finir avec Monsieur Cuseau, dans le roman, je vous ai dit qu'il disparaît de mort naturelle à la fin. En gros, ce qui se passe, je développerai beaucoup plus dans les suppléments. Juste dire qu'il continue à se balader dans le quartier tant que la saison le permet, qu'il va s'arrêter souvent devant la pièce d'eau des Grafton, qui est quelque chose de bien car ça apporte pour lui du nouveau et de l'originalité au quartier. Par contre, il est beaucoup plus circonspect devant l'arrivée d'une future naissance. Et justement, on retrouve à peu près cet endroit, le même passage du dialogue qu'on vient d'entendre, à part que là, il est dit par Madame de Ville, et dans le roman, c'est Monsieur Cuseau qui le pense, à savoir donc une pensée qui est « un quartier ne devrait produire qu'une génération, qu'un seul ensemble de structures, qu'un seul ensemble de passions et de tragédies. Il n'y a pas de tragédie pour nous, simplement des infortunes. La tragédie, c'est pour les jeunes, nous ne devrions pas être obligés d'en être témoins. » Donc voilà pour cette scène. Il y a une toute petite scène qui suit, donc je l'évoque très vite. C'est une institutrice remplaçante de Madame Cuseau qui va informer les élèves que cette dernière ne viendra pas aujourd'hui car elle vient de perdre son père. Et donc pour le film, c'en est fini de Monsieur Cuseau. On est à une bonne moitié du film. Pour la scène suivante, nous revenons chez les Ferrer avec une tentative de rapprochement entre le père, Michel, et son fils Charles. On voit que le père lui demande des nouvelles sur son travail à l'école. Il reconnaît aussi qu'il n'a pas été très présent ces derniers temps et lui propose même de discuter un peu. Mais Charles va dire qu'il a des devoirs, donc il reporte à plus tard cette discussion. Son père lui dit qu'ils sortiront où Charles le désire un après-midi et lui demande aussi par la même occasion de réfléchir à son cadeau d'anniversaire qui va advenir sous peu. Bref, Charles est distant, avec un père qui est gentil mais qui a des failles. C'est un père aussi qui sait qu'il a des choses à se faire pardonner. Pour ce qui est du personnage du père dans le roman, qui s'appelle Jason Fine, je développerai beaucoup plus dans les suppléments, puisqu'il y a quand même quelques différences assez importantes, donc le but c'est pas non plus de vous perdre. Et donc juste pour prolonger cette scène dans le film, on voit Charles qui va dans sa chambre, qui prend connaissance d'Eva Braun et aussi de Blondie, la chienne d'Hitler. Il voit les photos et donc il va connaître l'histoire des derniers jours d'Hitler, d'Eva Braun, de sa chienne Blondie dans le bunker. Et ça aura une importance plus tard dans le récit. Par la suite, nous sommes de retour chez le jeune couple, dans le jardin avec le bébé. Et donc avant que Jean ne parte au travail, sa femme le retient et aperçoit un créneau pour raviver la flamme et la passion entre eux. Donc il laisse le bébé temporairement sans surveillance, puis pour pouvoir accomplir l'acte conjugal dans le salon, au rez-de-chaussée, ça aura son importance. Et pendant cela, on entend Baxter qui aboie, Jean qui va accourir avec un plan de caméra subjectif et il va plonger dans le bassin en arrivant à sortir le bébé juste à temps. Ça va être là une des principales différences avec le roman. En effet, dans le roman, l'issue est beaucoup plus tragique et cujesque. Comme dans Cujo, en effet, puisque Nancy sent l'envie réelle que ressent John en regardant son corps et le fait que dans le roman, on nous dise que John avait des envies rares et nocturnes, des envies plus par devoir que par plaisir, et qu'il fallait donc qu'elle saisisse cette occasion pour raviver la flamme entre eux. C'est pour cette raison qu'il laisse le bébé, alors, qui dans le roman s'appelle Charles aussi, alors, Charles et Carl, bon, là je dirais le bébé pour pas vous brouiller aussi, donc il laisse le bébé sans surveillance et il monte au premier étage, alors que dans le film ils sont au rez-de-chaussée, ce qui permet le sauvetage du bébé dans le film. Donc comme ils sont dans leur chambre au premier étage, ils n'entendent pas le petit cri que le bébé a émis. Ce ne fut que quand ils sortirent de leur bulle, c'est comme ça que c'est écrit dans le roman, quand ils reprirent conscience du monde, qu'ils entendent les aboiements inhumains de Baxter, qui sont les mêmes que ceux qu'ils firent lorsque Madame Prescott était morte. Dans le roman, donc, le bébé du jeune couple meurt. Est-ce que le film avait besoin de faire mourir l'enfant aussi? Est-ce que dans le scénario, il y avait une nécessité à faire mourir l'enfant? Bah pas forcément, parce qu'on peut penser que s'il choisissait cette option, il amenait certainement un déséquilibre sur le ressenti que les spectateurs auraient eu sur Baxter. Baxter, il fallait qu'il soit cynique, décalé, sans pour autant être totalement antipathique. Sinon, il n'y aurait pas pu avoir de contrepoint possible avec le personnage de Charles, l'ado, qui lui, par contre, doit susciter dégoût et rejet. On peut dire ainsi que rien que le fait que Baxter ait poussé l'enfant dans le bassin est un signe suffisant pour le public. Par conséquent, la mort du bébé n'aurait rien apporté de plus et aurait déséquilibré le récit et le message du film. Je dis une dernière chose sur le roman et la conséquence de la mort du bébé, c'est que ça laisse les Grafton, le jeune couple, avec le poids d'une culpabilité qui ne va plus jamais les quitter et qui sera renforcée par des soupçons sur Baxter, qu'ils n'oseront jamais s'avouer, jamais exprimer à voix haute. Mais tout sera dans la suspicion. Le fait que Baxter ait couvert son fait n'empêche pas les Grafton d'avoir des suspicions à son égard. C'est ça qu'il ne maîtrise pas et qu'il n'a pas forcément compris. On le verra par la suite dans le roman, dans le film aussi, où il ne va pas forcément comprendre pourquoi est-ce qu'il doit changer de propriétaire, alors que le bébé n'est plus là. Donc avant que Baxter ne tombe entre les mains de son dernier propriétaire, Charles, il y a cette dernière réflexion, que je vous passe tout de suite. J'ai appelé trop tôt. Je sais que l'homme et la femme ne m'ont pas vu. Mais maintenant, plus rien ne sera pareil. Le couple m'a déçu. Il sent la peur comme la vieille. Je me demande si un jour je trouverai un humain qui me ressemble, qui ne connaisse ni l'amour, ni la peur. Donc la scène se poursuit avec Charles et son père qui viennent chercher Baxter chez le jeune couple. On voit d'ailleurs aussi que le bassin a été rempli de terre pour éviter un nouvel accident fatal à l'avenir. On ne voit pas Noël, on ne voit pas la femme. On sait qu'elle est atteinte par cet incident, que Jean aurait voulu garder Baxter, mais que justement Noël veut s'en débarrasser car elle lui rappelle l'incident. Il a donc été placé au garage et on voit que c'est Jean qui s'en occupe, qui le nourrit, etc. Lui aussi pense que le bébé a été sauvé grâce à Baxter. Finalement, Jean est peut-être une sorte de Madame de Villebis. Il ne voit pas le mal chez Baxter. Mais finalement, le fait qu'il donne le chien montre que c'est lui qui se laisse diriger dans le couple, qu'il est assez passif, qu'il se sacrifie ou se laisse beaucoup de côté pour le bien de sa femme. Et donc pendant que les hommes discutent, notamment ils cherchent le carnet de vaccination de Baxter, Charles se balade dans la maison et va dans la chambre du bébé. Ça peut rappeler, puisqu'il va y avoir peu à peu Baxter qui déteint sur Charles, ça peut rappeler peut-être la première fois où Baxter est offert à Madame de Ville et qu'il monte directement en haut pour voir, pour repérer les lieux. Là aussi, le fait que il monte à l'étage alors qu'il n'y est pas forcément invité. Il y aura aussi une scène comme ça dans le roman où par contre, les Grafton lui feront faire le tour du propriétaire et où il sera en phase d'observation. Mais là, l'empreinte de Baxter sera beaucoup plus présente puisqu'il en est le propriétaire depuis beaucoup plus longtemps dans le roman. Là, ce n'est pas encore le cas. Et donc, par la suite, ils vont au garage et c'est là où la rencontre Charles et Baxter se fait. Donc, on est au bout de 50 minutes de film. Il reste une demi-heure. Dans le roman, donc, ce sont les Grafton, le jeune couple, qui amène Baxter chez les Fine, chez les Ferrer dans le film, dans la famille de Charles. Il n'y a aucune objection de Nancy ou de Noël, la jeune femme du couple, à donner Baxter, mais elle hésite à faire connaissance avec ceux qui auront à la voir sous les yeux tous les jours. Entre les deux hommes, Jean et Michel dans le film, John et Jason dans le roman, l'ambiance est beaucoup plus à la blague. Là, on voit dans le film plutôt un Jean qui est maladroit, à la recherche du carnet de vaccination sur lequel il n'arrive pas à remettre la main. Là, dans le roman, l'ambiance est beaucoup plus à la blague, puisque c'est Jason, donc le père de Charles, ou de Carl, qui va dire, quand ils arrivent à la porte d'entrée, « Je croyais que vous aviez dit que vous rameniez un chien. » Et John, donc l'homme du couple, qui va répondre, « En fait, nous avons perdu le chien en route, alors on vous apporte ça à la place, bon, on le ramène aux os s'il ne vous plaît pas. » Et le père qui va dire, « C'est Carl qui décidera. » Donc, durant cette scène de l'échange dans le roman, Nancy, la jeune femme du couple, observe Charles, Carl, qui caresse Baxter, et elle se rend compte que Baxter n'avait pas été caressé depuis la mort du bébé. Elle voit que les deux vont bien s'entendre, et que Carl est un ado mal dans sa peau, mais séduisant. Quand le jeune couple repart de chez les Fine, Baxter ne fait aucun effort pour le suivre. Eux, de leur côté, n'ont aucun regret. Et la mère de Charles constate que l'amitié est immédiate entre les deux, entre lui et Baxter. D'ailleurs, ils sortent dès le premier soir ensemble, et c'est ce qui intrigue, justement, Sarah ou Anne, la mère de Charles. Et donc nous arrivons à la dernière partie du film, la partie 4, à savoir « Un humain qui me ressemble ». Cette quatrième partie s'ouvre donc avec Charles qui respecte une des recommandations de Jean, qui était celle de faire courir Baxter. Donc on le voit, donc Charles, qui roule à vélo et le chien qui le suit à une très bonne cadence. Il y a donc un rapport dominé-dominant qui s'installe assez vite, avec Charles qui donne les ordres que Baxter va suivre sans mégoter, notamment le haut pied, ensuite à la décharge tout un circuit de course d'obstacles et une fosse installée avec un mannequin en mousse pour que Baxter s'entraîne. Donc ce dernier est assez content, d'ailleurs il en fait part au spectateur par le biais de ce monologue que je vous passe tout de suite. L'enfant n'est pas comme les autres, il m'a appris toutes sortes de bruits. Quand il se lèvera, je ne devrais pas bouger avant que sa bouche fasse le bruit qui m'appelle. Quand il fait ça, c'est comme si je sentais la chaîne se resserrer autour de mon cou. J'ai mal et j'obéis. Mais il y a quelque chose d'autre. Ça me donne du plaisir. Oui, un plaisir plus fort que tout ce que j'ai connu. Il commande, j'obéis. J'ai plus de pensée contre nature. C'est bien. Donc si on comprend bien, on a l'impression pour Baxter qu'il a trouvé le maître idéal. Une impression aussi de sa part de se rapprocher de sa véritable nature, d'être guidé logiquement comme il devait l'être depuis le départ. La scène se poursuit aussi avec l'entraînement avec le mannequin, qui lui permet de comprendre l'ordre attaque. Et donc cela a lieu à la décharge jusqu'au soir tombé. Il y a une coupe dans la scène et donc on revient dans la chambre de Charles où il note dans son journal les résultats du jour de Baxter avec des critères comme la vitesse, l'agressivité, les sauts, l'endurance, la hauteur, les obstacles, les parcours. Dans le roman, c'est après le combat à mort contre l'autre chien que Carl va configurer la fosse. Là, quand Baxter arrive, la fosse est construite quasiment dès le départ pour qu'il puisse exercer. Et donc, il y a aussi des compléments dans le roman par rapport au premier ressenti de Baxter. Donc, ça donne lieu là aussi à un monologue, je vais le faire le plus vite possible. À savoir donc, il nous dit il faut que je sois prudent avec l'enfant. Il me regarde avec une compréhension que je n'ai jamais vue dans les yeux d'un humain. Il ne m'aime pas. C'est le soir et je suis assis, crispé, dans la salle à manger. L'homme et la femme mangent lentement, en grommelant assez souvent. Parfois, ils m'offrent un morceau de leur nourriture dégoûtante. De temps en temps, l'enfant me jette un coup d'œil. Bientôt, il va quitter la table. Il est aussi impatient que moi de sortir de la maison. Cette maison n'est pas aussi vieille que les autres où j'ai vécu. Elle donne une impression d'impermanence et ses odeurs sont sans intérêt. Elle ne contient pratiquement rien qui sente le bois ou la terre. Je n'ai repéré aucune trace importante de personne, à part l'homme, la femme et l'enfant. L'enfant se lève, mais je ne bouge pas avant qu'il ne produise mon son. C'est le même qu'émettaient les autres quand ils voulaient que je vienne près d'eux. Mais l'enfant se sert aussi d'autres sons. Un quand il veut que je marche près de lui, un autre quand il veut que je reste immobile. Quand il m'a enseigné les bruits, il m'a aussi enseigné la douleur. Mais il m'a aussi donné du plaisir au-delà de tout ce que j'avais connu jusqu'à présent. La douleur est le prix à payer pour le plaisir. C'est incroyable comme le souvenir de la douleur est puissant. Je n'entends jamais ces sons particuliers qu'il aimait sans sentir la chaîne se resserrer autour de ma gorge. Je me demande si c'est la même chose pour les humains, si les sons qu'ils émettent constamment leur rappellent les douleurs passées. Sans doute que non, sinon ils n'émettraient pas tant de sons. Maintenant l'enfant émet mon son, et on sort tous les deux dans la nuit, nous hâtant vers nos plaisirs. Nous passons entre les deux maisons où j'ai causé de la douleur. Je me demande si je ne serai jamais obligé de recommencer. Car bien que l'enfant, avec sa brutalité, m'ait appris des choses, je sais, et je crois qu'il sait, qu'il y a des choses que je lui apprendrai. Et c'est ainsi que se termine ce monologue sur cette scène de premier contact avec Charles, avec Karl. Si on reprend le récit du film, on le retrouve dans le bus scolaire, où il découpe une photo d'Hitler avec Eva Braun et Blondie la chienne. Stéphanie vient s'asseoir à côté de lui, ils ne se disent rien, mais cette fois c'est elle qui semble intriguée par lui. Dans le roman, le personnage qui correspond au personnage de Stéphanie dans le film, comme je vous l'ai dit, c'est Véronika Bartnik. Dans le film, le nom de famille c'est Barsky. Dans le roman, on sait qu'il y a déjà une connaissance mutuelle entre deux, même si là aussi, comme dans le bus, ils ne se sont jamais parlé. Elle plaît clairement à Karl. Il est respectueux vis-à-vis d'elle, ce dont elle lui est reconnaissante. D'ailleurs, elle fait quelques gestes quand elle se lève de sa place pour, par exemple, lui montrer ses cuisses. C'est une sorte de code implicite entre eux, puisqu'ils ne se sont jamais parlé. Mais c'est une sorte de tribu, récompense, que Véronika ou que Stéphanie a installée. Et notamment lors du dernier jour de classe avant les vacances, elle s'arrange même pour que Karl puisse voir une partie de ses sous-vêtements. Dans sa propre réflexion, Véronika remarque que d'habitude, elle ne fait pas gaffe, elle ne porte pas d'attention particulière aux garçons de son âge et encore moins aux garçons plus jeunes. Donc il y a une double intrigue, Karl qui va être intéressé physiquement par Véronika et Véronika qui va être intriguée par le caractère original de Karl. Et là aussi, il va y avoir une inversion des rôles progressive. Puisque par sa beauté, c'est en théorie Stéphanie ou Véronika qui peut mener la danse. Peu à peu, ça va être Charles qui va en effet reprendre l'avantage et faire ce qu'il veut de Véronika selon ses propres aspirations, qui vont être de moins en moins physiques et beaucoup plus spirituelles. Mais j'y reviendrai. Si on en revient au film, on peut voir dans la scène suivante que la maison de Madame Deville est toujours à vendre. D'ailleurs, on voit sa fille, Florence, qui vient chercher le courrier, puis repartir tout de suite après. Une fois qu'elle est partie, Charles veut y faire rentrer Baxter, qui se traîne et qui refuse d'y rentrer. Par contre, le jeune garçon parvient facilement à y entrer en enlevant une planche de bois de la porte d'entrée qui avait été cassée par M. Cuseau, c'était du verre, donc il y a des simples planches de bois qui ont été mises. Il n'y a pas grand-chose à faire pour rentrer facilement. Donc quand il y rentre, les meubles y sont encore, ils seront couverts de draps, et il trouve une photo de Madame de Ville avec Baxter qui donne la patte. Il monte à l'étage et il a une vue directe sur la jeune femme du couple qui est en train de faire les carreaux, c'est-à-dire Noël ou Nancy Grafton si on prend le roman. D'ailleurs, pour ce qui est de celui-ci, c'est lors d'un retour de la décharge un soir, alors qu'il y a un vent violent qui s'abat sur la ville et un temps orageux, que Karl et Baxter se réfugient sous la porte de la maison Prescott, la maison de ville préférée. Et Baxter hésite, ça ne dérange pas vu le temps de se mettre sous l'abri de la porte d'entrée, mais quand Karl veut y rentrer, il refuse. Alors qu'ils sont encore dehors, Karl voit donc Nancy Grafton, la voisine, la femme du jeune couple, sur le pas de la porte et la trouve belle. Dans le roman, il nous dit que pour lui, c'est la personne la plus séduisante qu'il n'ait jamais vue. D'un côté, il la trouve pas assez vieille pour avoir oublié ce que c'était d'avoir son âge, mais elle est assez âgée pour avoir laissé derrière elle les complaisances d'une Véronika Bartnik, d'une Stéphanie. Et donc, il y a une fenêtre qui va être entrouverte, qui permet à Carl de jeter un œil dans la maison. Là aussi, les meubles y sont toujours. Il veut y faire entrer Baxter, ce dernier résiste et s'en va. Et d'ailleurs, on aura sa version de l'événement juste après. Je vous la lirai. Donc, Carl constate que c'est une maison différente de la sienne et il aime l'ambiance isolement type bunker. D'ailleurs, il va en faire son nouveau bunker et délaisser un petit peu celui de la décharge. Il va monter à l'étage, il va pour uriner. Il voit d'ailleurs qu'il est en état d'excitation, qu'il réprime. Il se dit à lui-même, non, pas maintenant, pas cette fois. Et il aperçoit furtivement le corps nu de Nancy Grafton et il va en faire son futur poste d'observation. Et Baxter, donc, pendant ce temps-là, aboie. Carl descend tout de suite pour le faire taire. C'est en descendant qu'il aperçoit, là aussi, une photo de Madame Prescott avec Baxter dans le salon. Et là, c'est une précision supplémentaire par rapport au film, puisque on s'aperçoit qu'il ne savait pas que Baxter avait appartenu à Madame Prescott. On voit sur la photo que le chien est clairement le plus fort, d'où sa conclusion « Mon Dieu, c'est toi qui as fait ça !» Il fait le lien entre la mort de Madame Prescott et la présence de Baxter. Il a la même conclusion pour le bébé Grafton, qui, je le rappelle dans le roman, est décédé. Et il a simplement cette pensée, « Et maintenant, tu es à moi. » Et il sourit à cette pensée. Donc, on commence à voir le caractère sadique de Carl, de Charles. Pour ce qui est de Baxter, il a sa version, comme je l'ai dit, de l'événement. Il nous dit donc, « Et pourtant, je n'ai pas pu entrer dans la maison. Chaque fois que je me suis avancé vers la fenêtre, j'ai pensé à la vieille. Et j'ai ressenti une émotion que je n'avais jamais éprouvée. Ça ressemblait à la peur, mais ce devait être quelque chose d'autre. Bon, on peut supposer que c'est le remords. » On peut craindre un orage ou une autre créature, mais est-ce qu'on peut craindre un souvenir ou une maison silencieuse? Non. Je ressentais quelque chose de plus fort que la peur. Et c'est pourquoi je suis resté sur la véranda, rétrécissant mes yeux contre le vent et attendant la déflagration du prochain éclair. L'enfant comprend-il pourquoi je ne suis pas entré? Il faut que je sois sûr qu'il sache que ce n'est pas par lâcheté. Il ne doit jamais mettre mon courage en doute. Et donc c'est la fin du monologue. Donc ça nous donne plus d'éléments sur le ressenti de Baxter par rapport à la découverte du sentiment du remords aussi, au fait qu'il y a un élément fantastique par rapport peut-être au fantôme, au souvenir, au regret. Ça donne beaucoup plus de nuances que dans le film. Mais en même temps, le film laisse plus d'ouverture, plus de latitude de marge de manœuvre au spectateur que le livre. Là au moins l'avantage c'est que vous avez une version intégrale, c'est un peu le but. Pour la suite du film, on se retrouve à la décharge avec la camionnette de Joseph Barsky qui arrive. Stéphanie, sa fille, est à son bord avec Princesse, la chienne de la famille, qui va s'appeler Queenie dans le roman. Charles est dans son bunker, Baxter s'est mis en dessous de la camionnette, ce qui amène donc la colère de Monsieur Barsky. On voit que ce dernier est attaché à sa chienne qui va lui servir pour la chasse. Stéphanie et Charles vont discuter pendant que le père de Stéphanie voit ce qu'il peut récupérer à la décharge. On sait aussi que Baxter sent que Princesse est en chaleur. Stéphanie prévient que, quand c'est comme ça, les chiens n'obéissent plus à leur maître. Comme c'est un terrain, on va dire, intime, et que Stéphanie en parle franchement, elle est amusée par la réaction gênée de Charles à cette remarque. Dans la suite de la conversation, il lui dit aussi qu'elle ressemble à Eva Braun. Il lui montre une photo, il lui raconte son mariage et son suicide avec Hitler. Stéphanie lui demande s'il l'a trouvée belle. Il répond oui, en effet. Mais si elle lui demande cela, c'est pour savoir si finalement il la trouve jolie également, vu qu'il la compare à Eva Braun. À la fin de la discussion, il se donne rendez-vous éventuellement à plus tard s'ils se croisent à la décharge, puisqu'elle lui dit aussi qu'elle promène le soir la chienne et qu'elle passera certainement par là. Pour ce qui est du roman, on voit que Carl ne se détend vraiment jamais, qu'il n'aime pas l'oisiveté des personnes, qui fait qu'il y a plus de monde à la décharge l'été. Et ce qui donne un côté bunker assiégé qui ne lui déplaît pas forcément pour autant. Pour ce qui est de l'épisode qu'on vient d'évoquer, on voit que c'est un samedi matin où M. Bartnick apparaît, que Baxter n'aboyait pas et qu'il faisait des allers-retours autour de la camionnette. Et Carl ne l'avait jamais vu comme ça, c'est un Baxter à la fois troublé et hésitant. Il se rue aux abords de Queenie dès que la porte est ouverte, ce qui amène deux coups de pied de la part de M. Bartnick. Carl va dire « Arrêtez, c'est mon chien », ce qui va lui donner le même effet que quand Mme Prescott, Mme Deville, s'était faite appeler pour la première fois « maîtresse de Baxter » par Nancy Grafton quand ils se sont rencontrés. Là aussi, c'est la première fois que Carl s'aperçoit qu'il appelle Baxter « mon chien ». Ça lui fait drôle. Donc Carl se demande pourquoi Baxter n'a pas sauté sur l'homme et il se montre déçu à son égard. Il trouve que Queenie, c'est un nom en douille pour un chien et que Baxter n'en ferait qu'une bouchée dans un combat. Donc il n'y a pas ce rapport à Baxter qui peut être amoureux, mais Baxter qui est combattant. Avant de partir explorer la décharge, Joseph Bartnick pense que Carl et Baxter sont tous les deux en chaleur et stupides. D'ailleurs, il fait la remarque à Carl, « C'est ma fille et mon chien. » Sa fille qui s'appelle Véronica, donc Stéphanie dans le film, le rassure en disant « Pas de problème papa, c'est Carl Fine. » Il est dans ma classe, à l'école. Dans le roman, on a quelque chose d'un peu plus fin aussi par rapport à la façon dont Véronica se voit et se considère. C'est-à-dire qu'elle se sait séduisante, mais qu'elle voudrait être belle. Car pour elle, la véritable beauté est un idéal que tout le monde admire et que tout le monde reconnaît. Elle voudrait ressembler à quelqu'un, et si possible, la princesse Grace, Grace Kelly. On rappelle que le roman, il est de 77. Quand Carl lui présente la photo, elle trouve qu'Eva Braun a une beauté étrange et innocente. Qu'elle n'a pas l'air d'avoir un amant. Et donc Carl va raconter la même histoire que dans le film, à savoir les derniers jours des deux personnages et leur suicide. On voit que Véronica n'aimait pas vraiment les histoires d'amour, notamment depuis qu'elle avait découvert des photos salaces cachées derrière le placard de son père et aussi de son expérience sur la banquette arrière d'un certain Frank Alio. On voit aussi son stratagème quand elle demande si Carl trouve Eva Braun belle. Il lui dit oui et il rougit tout de suite car cela veut dire qu'il trouve Véronica belle aussi. Il est donc mal à l'aise. Véronica va garder la photo d'Eva Braun sans demander la permission à Carl. Et c'est la même suite que dans le film, à savoir qu'il vient souvent à la décharge et qu'elle viendra peut-être. Dans le roman, Carl s'en va assez maladroitement, tremblant sur ses jambes. Et le père de Véronica revient soi-disant en bredouille. Il dit n'avoir rien trouvé, mais qu'il a une culotte sale et déchirée de femme dans sa poche. Et ça donne lieu à toute fin aussi à un monologue de Baxter qui veut se justifier de sa conduite. Il nous dit donc « L'enfant pense peut-être que je suis devenu fou. Pourrait-il comprendre mieux que moi comment l'odeur d'une chienne en chaleur a pu me réduire à l'impuissance ? Je repense à cet instant détesté, à la robe ridicule de la chienne couleur boue et je voudrais la tuer. » Pourtant, je sais que si j'étais avec elle en ce moment, ma colère serait balayée, et que je n'aurais plus qu'un désir, la monter. Les humains connaissent-ils ce genre de désir ? Certains peut-être. Le jeune couple, je crois. Ceux qui ont laissé leur enfant sans protection pour monter dans leur chambre. Et l'odeur qui flotte tout le temps autour des femmes, même autour de la vieille. Une odeur qui rappelle celle de la chienne. Cela pourrait expliquer l'instabilité des gens, mais c'est impossible. La tentation sexuelle continue serait intolérable. On serait submergé de honte devant sa propre impuissance. Je ne crois pas que l'enfant connaisse la honte. C'est l'une de ses nombreuses vertus. La plupart des humains ont peu de vertus. Donc voici ce que nous dit Baxter sur son passage et comment il gère sa honte, ce nouveau sentiment, cette nouvelle pulsion qui vient d'arriver. On passe donc à la scène suivante où il y a une nouvelle course à vélo entre Carl et Baxter, enfin Baxter qui va suivre Carl bien sûr en courant. Il y a une remarque de Carl à Baxter sur son attirance pour Princesse, en disant que c'est facile pour vous les chiens, au niveau des sentiments, au niveau des actions, au niveau des interactions. Pour lui en effet, la communication peut s'avérer assez compliquée entre les humains si on ne veut pas laisser filtrer ni faiblesse, ni vulnérabilité. On voit que pour Carl, un des buts c'est de ne jamais être pris en défaut, ou du moins qu'il puisse montrer une faille, mais reprendre assez vite l'avantage. Donc il y a une importance pour lui de dominer les débats, de dominer un échange avec un autre humain. D'ailleurs, il y a un prolongement assez fort dans le roman où il y a le même dialogue, donc je ne le répète pas. Il y a juste une suite, Carl qui va dire « Pourquoi ne peut-on pas être nous-mêmes ?» Donc là, on apprend que jusque-là, Carl faisait ce que les autres attendaient de lui, car il devait y avoir un ordre des choses. Un temps, il va admirer aussi ceux qui défient l'ordre. On nous parle d'un certain John Terrell qui avait volé de l'argent. On parle aussi d'une bande qui avait cassé des carreaux. Et bien en fait, il ne faisait pas partie de ces bandes, mais il y était toléré puisqu'il observait sans juger. Mais d'un autre côté, il ne fait pas partie non plus de ceux qui suivent aveuglément les règles. Ce qui fait qu'il mène une vie de confusion docile. C'est le terme qui est utilisé dans le roman, une vie de confusion docile avant l'arrivée de Baxter. Donc Carl en arrive à un point où il va établir peu à peu son propre code personnel, qui va être basé sur l'exploration de sa propre nature. Là, on est dans une sorte de moment croisé des chemins. Il y a plusieurs chemins qui se présentent à Carl, savoir lequel il va prendre. Et ce code personnel, il va être aussi bâti par l'observation qu'il fait de Baxter, qui est un animal qui évolue à son aise dans un monde étranger à sa nature. Il lui porte donc admiration et confiance. Baxter va donc commencer peu à peu à déteindre sur Carl. Ce dernier se dit qu'il a du temps et de la discipline, mais pour lui, il lui manque encore un élément pour comprendre sa véritable nature. Dans cette scène dans la maison des Ferrer, on voit à la fin que le père de Charles, Michel, est rentré tôt, sûrement du fait que Marie Cuseau doit être effondrée après la mort de son père et qu'il a décidé de mettre fin à cette liaison. On voit aussi sa mère, donc Anne, qui a fait des croque-monsieur. On a donc des parents qui se cantonnent à leur rôle et qui ne vont pas aller au-delà. Même s'ils cherchent à faire des bonnes actions pour les autres, ils ne sont pas assez inspirants pour satisfaire pleinement Charles qui est en demande d'ordre, de direction et de proposition. On bifurque ensuite sur la destinée de Marie Cusot qui est dans son jardin en maillot de bain, en train d'apprendre l'espagnol, et on a un plan sur Monsieur Barski qui passe au bout du jardin avec son tracteur, qui la voit donc justement dans son jardin, sans dire un mot. Dans le roman, il y a juste un passage où Joseph Bartnik rentre euphorique chez lui, à l'approche de l'automne. Il klaxonne devant chez Monsieur Cusot qui est encore vivant dans le roman, et sa fille Marie qui est en soutien-gorge et short, puisque c'est la fin des vacances. Et il est noté que Monsieur Bartnik apprécie la fonction d'enseignant car ils empêchent les enfants de la ville de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est ce qu'on verra, c'est un personnage aigri, assez replié, assez envieux et jaloux du bonheur des autres. Donc il est plus pour une école qui va museler les jeunes, c'est comme ça qu'il voit l'école, plutôt qu'une école qui va émanciper, les amener vers autre chose. Donc c'est juste un peu bizarre dans le film de voir Monsieur Bartnik qui vraiment regarde Madame Cusot dans son jardin avec un air assez méchant ou dégoûté, alors que dans le livre, il semble plutôt la respecter, ne serait-ce que par sa fonction. On passe ensuite dans la chambre de Stéphanie, la fille de Monsieur Bartnik, Monsieur Barski, et on la voit chanter la chanson qui a eu son petit culte et qui servira d'outro à l'épisode, donc ce sera certainement à la fin la deuxième partie, celle sur les suppléments. Donc la chanson « Ich liebe dich ». On voit donc Stéphanie qui se pomponne, maquillage, elle se parfume, elle se coiffe, elle met une robe et un gilet qui appartenaient à sa mère pour sortir princesse, aller à la décharge. C'est à ce moment-là que son père rentre et se demande justement pourquoi il y a autant de bruit, pourquoi est-ce qu'il y a des traces dans la baignoire. Elle dira qu'elle a teint son pantalon, certainement aussi pour faire croire qu'elle a plusieurs vêtements et cacher sa pauvreté, puisqu'en effet, vu de l'extérieur, la maison des Barski est très modeste et on s'aperçoit aussi que sa mère est absente, qu'elle est partie. Son père lui fait aussi la remarque assez sèche qu'elle est maquillée comme une voiture volée et qu'elle est habillée trop vulgairement. Bon, vous imaginez les remarques qui découlent de ces observations. On voit donc qu'elle se sent oppressée, qu'elle en a marre de la situation et de l'alcoolisme de son père, de son mauvais caractère également. Donc elle décide quand même de sortir et de partir à la décharge, ça sera la scène suivante. Nous avons donc Stéphanie qui sort à la décharge avec Princesse. Pendant ce temps, Charles enferme Baxter dans le bunker pour ne pas qu'il soit attiré par la chienne. Stéphanie donc en profite pour raconter le départ de sa mère, l'importance de Princesse pour son père, alors que d'ailleurs à la base c'était la chienne de sa mère, bon voilà. Bref, elle se confie, elle demande à Charles si ses parents sont chiants, ce qu'il dément, et aussi s'il a déjà amené des filles à la décharge. Là aussi, il répond par la négative. Elle le questionne aussi par rapport à son histoire de prédilection, à savoir par exemple, est-ce qu'Eva Braun est déjà allée dans le bunker ? Charles lui répond que oui, avec Blondie, la chienne d'Hitler. Il en profite donc pour raconter la fin de Blondie, la fin de ses chiots et le suicide d'Hitler et Eva Braun. Ce qui suscite un certain dégoût, une certaine pitié chez Stéphanie. Et Charles renchérit en parlant du fait qu'une fois que tout le monde est mort, on a brûlé les cadavres d'Hitler, Eva Braun et Blondie, qu'on a mélangé leurs cendres. Bon là c'est ce que Charles raconte. À la fin de cette scène, il y a donc Princesse qui va contre la porte du bunker derrière laquelle se trouve Baxter. Stéphanie ouvre cette porte et laisse le chien sortir. Et arrive ce qui arrive, les deux bêtes s'accouplent devant le regard médusé des deux adolescents qui se tiennent la main. Et à la fin de l'envoi, pour dire les choses comme ça, voici ce que Baxter en conclut. J'aurais dû tuer la chienne. Tout était dégoûtant chez elle. Son odeur, son poil, tout me dégoûtait. Pourtant, je sais que si j'étais avec elle en ce moment, ce serait plus fort que moi. Je pourrais pas m'empêcher de le refaire. J'ai honte. Est-ce que c'est pareil pour les humains ? L'enfant, lui, il connaît pas ça. Il est fort. Qu'est-ce qu'il va penser de moi maintenant ? Il n'aura plus jamais de respect pour moi, c'est pas bien. Il faut qu'il comprenne que je suis pas faible, je suis fort. Beaucoup plus fort que lui. Vous retrouvez donc beaucoup d'extraits, beaucoup de passages que j'ai déjà lus dans le monologue précédent. On voit le véritable travail d'adaptation et de mixage, de mélange pour synthétiser toutes les pensées de Baxter du roman dans des monologues resserrés et mélangés. C'est assez fort. Si je poursuis dans le roman et qu'on revient sur cette scène, avant l'arrivée de Véronica ou de Stéphanie, Karl se demande pourquoi il n'y a pas plus de monde dehors. Il se fait aussi une réflexion à lui-même en disant qu'il n'est pas un escargot, qu'il n'a pas besoin de coquilles, c'est-à-dire pour les humains, pas de maison et pas besoin non plus de voiture. quand Véronica arrive, il s'aperçoit qu'il parle d'une voix aiguë qui montre son émotion. Il dit à Véronica que Baxter est dans le bunker. Elle demande pourquoi il emploie ce mot-là. Le bunker, c'est quoi ? Bah, une sorte de caverne que j'ai construite pour y amener des femmes des cavernes. Et là aussi, Véronica lui demande s'il a souvent amené des femmes des cavernes dedans. Il dit non, c'est au cas où j'en trouve. Et donc la jeune fille voit qu'il est terrifié et qu'il est prêt à faire tout ce qu'elle voudra. Comme je l'ai déjà indiqué, le rapport de séduction entre les deux est à observer pendant le film, puisqu'il y a un retournement progressif de la situation. Comme dans le film, il raconte l'histoire des derniers jours d'Hitler et d'Eva Braun, de Blondie et des Caccio. Et durant la discussion, Carl est distrait par Baxter qui cogne à la porte. Et c'est ce qui intrigue Véronica, puisqu'elle n'est pas habituée à ce qu'on la néglige, mais en même temps, c'est la flatte que Carl ait partagé un secret avec elle. Dans le roman, c'est Carl qui fait sortir Baxter du bunker, et non pas Stéphanie comme dans le film. Par contre, c'est même la fille qui lui propose de le faire sortir. Là aussi, ce qui arrive, arrive. Après que Baxter ait fait une petite démonstration de sa force, le fait qu'il pouvait tuer Queenie, ou Princesse, la chienne, il s'accouple avec elle. Pendant ce temps-là, là aussi, Véronica prend la main de Carl en la serrant avec force. Par contre, elle est aussi dégoûtée par le spectacle qui est devant elle. Elle trouve qu'il n'y a aucune joie dans l'acte accompli. C'est trop long, c'est peu glorieux. Et dès la fin de l'acte, elle ramène Queenie vers la ville. Carl veut la suivre, mais il trébuche du fait de ses jambes tremblotantes. Et ça se termine par cette phrase « Il n'avait jamais été aussi heureux ». Ça veut dire que c'est un passage où il est follement amoureux de Véronica, de Stéphanie. Pour ce qui est de Baxter, voici son monologue, qui reprend en partie celui qui vient d'être diffusé, mais qui le prolonge également. Donc à savoir, « J'aurais dû tuer la chienne ». Pas avant l'acte, ça aurait été impossible. Mais après, quand mon humiliation a pris fin, quand on a été séparés, tout stupide devant le garçon et la fille, à ce moment-là, la chienne me dégoûtait. Son odeur, sa vilaine robe, sa passivité. Pourtant, je n'ai pas pu lui faire mal. Pourquoi ? Je suppose que j'ai eu pitié d'elle. Et il était clair qu'elle n'avait pas voulu ce qui est arrivé. Ça a été aussi désagréable pour elle que pour moi. Quand la fille l'a emmenée, un instant j'ai ressenti pour elle quelque chose qui ressemblait à de l'affection. Mais ce devait être de la pitié. En tout cas, j'ai montré de la compassion. Et c'est une faute. La faiblesse est toujours une faute. Nous passons devant la maison du couple, comme il exécutait souvent cet acte. Il semblait en jouir, mais je comprends maintenant combien cela devait être désagréable pour eux. Et je me mets à avoir pitié d'eux. Il faut que je fasse attention. La pitié n'est pas un sentiment que je désire encourager chez moi. C'est bon pour les humains. Ça fait partie de ce méli-mélo de sentiments dont ils aiment s'embarrasser. Leurs émotions sont comme des maladies, je crois. Des maladies contagieuses pour ceux qui cherchent à les comprendre. Que leurs sentiments restent un mystère, comme des douzaines d'autres caractéristiques étranges qu'ils possèdent. Ils vivent trop loin de la réalité. Ils regardent la télévision comme si c'était réel, et non pas un tas d'ombres bruyantes. Je suppose que même ces ombres suscitent en eux des émotions. Ils ont un nombre infini de façons de s'aveugler. Donc voici la fin du monologue. Il y a juste une chose à rajouter dans le roman, c'est que quand Carl rentre ce soir-là chez lui, ses parents, Jason et Sarah, voient qu'il est dans un état d'excitation et de confusion extrême, malgré le masque qu'il adopte. Ce soir-là, Baxter dort sous la table de la cuisine pour la première fois, et non dans la chambre de Carl. On est donc à un moment où Carl est encore récupérable et où il peut aller vers un chemin classique, un chemin normal pour un adolescent, et où ses mauvais penchants peuvent être freinés par l'amour qu'il peut développer pour Stéphanie, Véronica, si vous préférez, pour le roman. Il est encore sauvable. Comme quoi tout n'est pas marqué dès le départ. Mais un événement va changer les choses, c'est ce qui se passe dans la scène suivante. J'y viens tout de suite. Cette scène, c'est celle de Baxter et Charles à la décharge, où on voit que Charles est en colère contre Baxter à la suite de son accouplement avec Queenie, avec Princesse. Il lui donne d'ailleurs deux coups de pied en lui disant de dégager. Il se réfugie dans son bunker où il rêve à Eva Braun. D'ailleurs, il y a une actrice qui incarne la silhouette d'Eva Braun, Léa Gabriele, s'il faut citer l'actrice, qui aura une carrière plutôt télévisuelle par la suite. Et donc Charles est sorti de ses songes avec Eva Braun par Baxter qui aboie car un chien noir arrive. Les deux se battent. Baxter n'obéit pas quand Charles dit de s'arrêter, et en théorie le combat semble inégal car Baxter est plus petit que son adversaire, mais au final il arrive à le tuer, ce qui va fasciner Charles. Et donc Baxter va remonter dans son estime à partir de ce moment, et il sent qu'il a pris l'avantage. D'ailleurs c'est ce qu'on sent dans le petit extrait que je vous passe tout de suite. Maintenant l'enfant m'appartient vraiment. Ses caresses sont devenues prudentes. Il sait que je pourrais lui faire ce que j'ai fait à la créature qui m'a défié. Il connaît ma nature. Maintenant, il me respecte. C'est bien. Viens, le chien. Viens. Viens. Si Si on veut plus de précision sur ce passage dans le roman, on lit que Baxter fait face à un grand chien émacié qui ne recule pas quand lui grogne. Ce chien a une force évidente et ne détourne pas le regard. C'est donc la première fois qu'on lance un défi à Baxter qui semble là aussi désavantagé, car il se trouve en contrebas d'une pile d'ordures que surplombe son adversaire du jour. On voit que ce n'est pas une simple épreuve de force, car le bâtard veut vraiment tuer Baxter, il est là pour tuer. Donc Baxter cherche une faille, il tâtonne, il contourne, etc. Ce qui fait que Carl pense qu'il est lâche à ne pas attaquer de front. Il est tellement excité par le moment qu'il se mord les lèvres jusqu'au sang sans s'en rendre compte. Puis il pense à sa propre sécurité si Baxter vient à être tué et cherche une arme pour se défendre pendant ce temps-là. Par la suite, ce qui arrive, c'est que le bâtard charge Baxter qui s'en va, puis se retrouve sur le dos, et donc le bull terrier ouvre ses mâchoires dans lesquelles l'autre chien plonge, emporté par l'élan de son seau, ce qui fait que ses os et ses cartilages craquent et que son corps s'effondre. Quand il meurt, Baxter urine sur le corps de sa victime en regardant Carl. Et c'est là où nous sommes à un tournant du roman, et même du film peut-être, c'est que dans le roman, Carl attendait l'arrivée assez excitée de Veronica. Mais cette dernière, après l'accouplement de Baxter avec Queenie, ne voulait plus emmener cette dernière, emmener sa chienne, à la décharge. Ce qui fait qu'il y a une déception amoureuse, il était parti pour draguer, il se retrouve face à un chien qu'il sous-estimait et qui reprend toute son estime, ce qui fait que Carl va adopter désormais un véritable virage qui va être totalement dénué de sexualité par exemple. Quand Baxter gagnait, ce dernier a oublié le désir qu'il ressentait pour Veronica et il arrive à la conclusion qu'il y a désormais des expériences beaucoup plus significatives que le sexe. D'ailleurs, quand Baxter a gagné, il lui fait la réflexion « tu as joui hein ?» alors que cela s'applique plutôt pour lui à ce moment-là. C'est un des éléments de la compréhension entre eux d'ailleurs. Et quand il revient dans le bunker, désormais, il regarde non plus Eva Braun sur les photos, mais Hitler. Comme je l'ai dit, c'est donc un virage dans son psychisme et dans la recherche de sa véritable nature. C'était une révélation. Il lui manquait quelque chose pour se comprendre totalement. Et bien là, il va admirer quelqu'un qui a causé la mort de plusieurs millions de personnes. Si on prend le ressenti de Baxter, il nous est décrit dans deux monologues. Alors je vais synthétiser. Tout d'abord, il s'interroge sur la question de sa survie, le fait qu'il a dû se battre pour ne pas mourir. Et il se demande justement si les humains s'attaquent aussi parfois. Et si on les attaquait, auraient-ils le courage de faire ce que j'ai fait ? J'en doute. Je doute qu'ils aient une pleine compréhension de la violence et de la mort. La mort n'est pas une chose dont ils se servent, mais une chose qui se sert d'eux. Ils s'absorbent dans leur poursuite étrange, leur acquisition, souriant et marmonnant, sans jamais connaître l'exaltation qui accompagne cette ultime activité. Ils vivent trop longtemps, je crois. Ils s'habituent à la vie. L'enfant m'appartient vraiment maintenant. Ils me regardent avec une nouvelle estime, et son toucher est devenu prudent. Il sait que je pourrais lui faire ce que j'ai fait aux animaux assez fous pour me défier. Il sait que si nous devions nous affronter, il serait ma victime, malgré sa taille et ses mains habiles. Il connaît ma nature. Là, je fais juste une parenthèse, puisqu'en effet, dans un des monologues que je lirai, mais dans les suppléments, Baxter admire cette partie du corps humain que sont les mains. Je reprends. Maintenant, beaucoup de gens de la ville me connaissent. Ils ne me comprennent pas comme l'enfant et le jeune couple me comprennent, mais je perçois leur respect pour moi. Je remarque comme ils me fixent dans les yeux, puis s'écartent imperceptiblement quand je les croise dans la rue. Ils ne se penchent pas pour me caresser avec condescendance, comme ils font avec les autres de ma race. Il est plus difficile de gagner le respect des humains que leur amour, et parfois je suis fier que tant d'entre eux me témoignent de la déférence. Je suis arrivé à cela par mes propres moyens, en affirmant ma supériorité naturelle plutôt qu'en les flattant. De temps en temps, je ressens même une certaine tendresse pour eux. Donc c'est la fin du premier monologue. Donc on voit un Baxter, entre guillemets, qui a le melon, qui a une grosse tête, et qui se sent même supérieur peu à peu aux humains, ou du moins leur égal. Un chien qui va attiser un peu moins la pitié qu'à la fin du film, par exemple. Et après, il y a un deuxième monologue intéressant, c'est le rapport de Baxter avec le sentiment de peur. Donc j'y vais assez vite. Il nous parle du jour où il a fait de l'orage et où il a dû se cacher. Donc malgré ce qui s'est passé le jour de l'orage, je me considère toujours comme un animal courageux. Mais je comprends maintenant que le courage est beaucoup plus complexe que je ne le croyais autrefois. Non que j'ai jamais pensé que c'était simple. Au début, je m'imaginais que pour être courageux, il fallait ignorer la peur. Je poursuivais les voitures, je faisais semblant d'être sans peur. Puis un jour, j'ai vu un individu de ma race écrasé par une voiture. Je l'ai regardé saigner et se contorsionner. Je l'ai entendu gémir. Et j'ai su qu'il existe des choses dont on doit avoir peur. Inutile d'affronter une machine. C'est aussi futile que d'aboyer contre le tonnerre. Mais il est des peurs et des dangers qu'on doit combattre. Sinon, on n'a pas de dignité. Où se trouve la limite entre les deux ? La réponse m'est devenue évidente lors de mon premier combat. J'avais peur, mais je n'ai pas hésité à relever le défi. Et après la victoire, j'ai compris qu'on ne doit jamais succomber à la peur d'une autre créature. Il est honorable de fuir devant le tonnerre, mais pas devant un animal. Aussi, sur la véranda pendant l'orage, je n'ai ressenti aucune honte à vouloir suivre l'enfant dans la maison pour échapper au vent, à la pluie et aux affreux roulements du tonnerre. Donc ça, c'est la fin de ce second monologue sur le rapport de Baxter avec le sentiment de peur. Je peux juste rajouter qu'à la suite du combat avec l'autre chien, Carl va chercher à organiser d'autres combats avec d'autres chiens. Et on s'aperçoit que les morceaux de foie qu'il fait acheter à sa mère au supermarché, dans le roman, donc soi-disant pour alimenter Baxter, sont utilisés comme appât pour attirer d'autres chiens dans la fosse. On sait donc que Baxter aura 6 adversaires, que 2 d'entre eux ont opposé une certaine résistance, mais jamais sans combat, et les autres ont complètement fui. Ils vont juste s'en sortir avec quelques égratignures, mais c'est tout. Et par la suite, Carl scrute la ville à la recherche d'adversaires qui vont être à la hauteur de Baxter. Donc on voit la déviance, l'arrivée pleine et entière de la violence dans le caractère de Carl. Si on reprend le film, dans la scène suivante, on voit que Princesse, la chienne, met bas, qu'elle accouche des bâtards, que Boivin n'hésite pas à montrer en gros plan. Stéphanie vient donc s'asseoir dans le bus à côté de Charles, qu'il surnomme Eva désormais. Elle informe que Baxter est papa, que cela a rendu son père furieux, et lui demande justement s'il veut voir les chiots, ce qu'il veut faire en effet. Pour ce qui est du roman, il y a une annonce qui est faite en 2 temps. Tout d'abord dans le bunker, Véronica ou Stéphanie annonce à Carl que Baxter va être papa. Et s'ensuit une scène que je décrirai dans la partie supplément de l'épisode, car elle dévie trop du récit du film. Et quand les chiots sont nés, donc deuxième temps, Carl demande à Véronica si les chiots ont les yeux bleus, s'ils ressemblent à Baxter, s'il pourra les voir. Elle dit qu'elle pense les donner à des personnes intéressées. Et on voit que dans son esprit, Carl fait tout pour se montrer patient et souriant, pour que ce soit Véronica qui propose de ramener les chiots au bunker. Et il imagine la joie que Baxter aura quand il les verra. Mais peut-être pas dans un but très noble, pas forcément dans une bienveillance totale. C'est ce qu'on verra par la suite. Dans le film, on arrive donc à cette scène de présentation de ces chiots à Baxter, ce qui va donner cette réflexion. Ils sentent pareil que moi. Ils sont faibles et étourdis. Ils ont les défauts de toutes les jeunes créatures. Quand la fille les pose sur le sol, ils tombent et ça les fait rire, comme s'ils pouvaient marcher. Quand l'enfant les a pris dans sa main, j'ai grogné. Je sais pas pourquoi. Tu crois que Baxter sait qu'ils sont à lui ? Il le sait, mais il s'en fout. Mais comment tu sais ce qu'il pense ? Je le comprends. Charles va donc demander à garder les chiots. Stéphanie va hésiter de peur qu'il leur fasse du mal. Elle se rappelle l'histoire d'Hitler qui a tué ses chiots avant de se suicider. Puis elle s'excuse d'avoir douté de lui, alors qu'elle a raison en fait. Hein. Elle l'embrasse. C'est là qu'il y a un rapprochement, qu'elle lui met la main sur sa poitrine et lui dit qu'elle veut bien faire ce qu'il veut, qu'il n'a qu'à dire ce qu'il souhaite. Elle lui demande même s'il a peur et il lui répond que c'est elle qui a peur. Elle lui demande donc ce qu'il veut qu'elle fasse, il lui dit juste de la fermer et il l'embrasse. Et il y a un fondu, on n'en sait pas plus sur la suite, on ne sait pas s'ils ont conclu ou pas et ça va faire une différence par rapport au roman parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans le roman. En effet, dans le livre, pour ce qui est du rapprochement Carl-Véronica, ce rapprochement il a lieu dans la maison de ville ou Prescott, comme vous voulez. Comme évoqué dans la scène précédente, je décrirai cette scène dans les suppléments, car il y a beaucoup d'informations de divergence pour rester totalement clair. Je peux juste évoquer que le film donne justement un côté plus ambigu. Charles embrasse Stéphanie, il y a un fondu. Ont-ils conclu, ont-ils fait la chose ? On n'en sait pas plus. Et si ça a été fait, on suppose que c'est dénué de passion pour ce qui est de Charles, comme Baxter avec Princesse, puisque peu à peu, Baxter déteint sur Charles, et qu'il a choisi le côté obscur de la force à ce moment-là. Le roman, au contraire, donne peu de mystère quant à l'issue de cette scène, puisqu'il ne se passera rien, notamment par manque d'envie de la part de Carl, ou du fait qu'il a un sens des priorités qui a totalement changé à ce moment du récit. Comme vous l'entendrez de toute façon dans les suppléments, l'issue sera différente. Dans cette scène, pour le roman, Véronica revient auprès de Carl après avoir été échaudée par l'épisode de la maison Prescott. Encore une fois, je vous dirai ce qui s'y passe. Elle est à la fois excitée et effrayée. Elle trouve qu'ils sont trop nombreux dans le bunker. Carl, elle, Baxter, les chiots, qu'il fait trop noir et qu'il fait trop froid. Et elle est également troublée par la dangereuse immaturité de Carl. Ça donne lieu à cet échange que vous avez entendu dans le dialogue, qui commence par « Tu crois que Baxter sait qu'ils sont à lui ?» et qui se conclut par Carl qui va dire qu'il sait ce que Baxter pense car il le comprend. Et là aussi, il va manipuler Véronica en lui disant qu'il vaut mieux qu'elle ramène les chiots chez elle parce qu'ils peuvent prendre froid. Mais elle va dire justement qu'elle ne peut pas les ramener, que son père veut en débarrasser Queenie, qu'elle pense les donner mais que personne n'en veut quand on sait que c'est Baxter le père car il n'est pas très apprécié en ville. Et en échange de sa mauvaise conduite entre guillemets dans la maison Prescott, Carl lui avait dit qu'il lui devait un service, et elle lui demande, voilà, tu me dois un service, garde-les. Sur ce, elle l'embrasse, mais il ne prête aucune attention à ce geste. Il réfléchit et il sait qu'il a atteint son but caché, récupérer les chiots. Dans le roman, de retour chez elle, Véronica se couche, mais elle se remémore l'histoire de Blondie et des 4 chiots exécutés dans le bunker. À partir de là, elle sait qu'elle a commis une erreur impardonnable, elle n'en dort pas. D'ailleurs, elle entend Queenie qui erre dans la maison comme une âme en peine, à la recherche de ses petits. C'est certainement une scène qui aurait été très tire-larme si elle avait été filmée. Le film aurait perdu en rythme, ce qu'il aurait gagné en émotion. Enfin, pour ce qui est du ressenti de Baxter par rapport à cette scène, le roman prolonge le dialogue que j'ai diffusé, et donc Baxter nous dit sur les chiots, « Ils ont la même odeur que moi. Une odeur faible et impure, mais indubitable. Ils sont faibles et étourdis. Ils ont les défauts que semblent avoir toutes les jeunes créatures. Ils sont innocents. » Le garçon et la fille les retirent de la boîte un par un et les posent sur le tapis de la cachette. À la faible lueur de la bougie, nous regardons leur ridicule tentative pour marcher. Ça amuse le garçon et la fille, mais moi, ça ne m'amuse pas. Je les regarde caresser les petits corps blancs, et je les écoute se murmurer des choses, en murmurer à moi et aux petits. Les humains semblent fascinés par toutes les sortes d'enfance. Je les vois s'arrêter dans la rue pour se pencher sur les landaus. Les femmes surtout regardent les bébés avec un attendrissement évident. On dirait qu'elles trouvent des vertus spéciales à l'impuissance. Je suppose que c'est facile d'aimer une créature totalement dépendante de soi et d'imaginer qu'elle vous aime en retour. Mais je ne vois pas l'utilité de ce genre d'émotion. Je me demande si j'essaierai seulement de protéger ces 4 animaux pitoyables. Peut-être. Mais est-ce eux que je protégerai, ou ma propre odeur, qu'ils ont en partie? Voilà la fin du monologue. Pour la scène suivante, on retrouve Charles qui est à l'étage de la maison de ville, qui représente à peu près son nouveau poste d'observation. Il est en train de regarder la silhouette de la jeune femme du couple, Noël. Et c'est clairement une scène miroir avec celle de Baxter plus tôt dans le film, quand ce dernier rêve d'être en phase, d'être adopté par le couple alors qu'il est avec la vieille. Donc là aussi, c'est pour montrer que Carl, entre guillemets, verse dans le côté obscur de la force, puisqu'on peut dire les choses comme ça. On enchaîne avec une scène dans la chambre de Charles, où ses parents se trouvent et tombent sur les plans du bunker, et sur ses lectures pro-nazis. Le père va dire à la mère, c'est de son âge, tous les enfants jouent à la guerre. Mais sa mère se montre beaucoup plus inquiète, elle feuillette notamment les numéros de signal, constate que son fils se replie de plus en plus sur lui-même, elle dit à son mari qu'il s'enferme souvent dans sa chambre et qu'il ne dit jamais un mot. Elle ne trouve pas normal qu'il s'intéresse à ce point à Hitler. Et son père va encore tempérer les choses en disant que c'est un enfant qui ne pose pas de problème, qu'il rapporte des bonnes notes de l'école, qu'il est intelligent et qu'il n'est pas indiscipliné. Et quand la mère demande s'il faut reprendre les choses en main, le père va dire « Est-ce qu'être directif avec lui, c'est une bonne chose ?» Il répondra qu'il ne le pense pas et que cette lubie passera à Charles. C'est une scène aussi où le père de famille, Michel Ferrer, règle ses problèmes de couple vu qu'il a mis fin à sa liaison avec Marie Cuseau. Il promet d'être là beaucoup plus souvent, que son travail désormais lui prendra moins de temps, et sa femme lui fait remarquer qu'elle ne lui a jamais rien reproché. Mais par ses gestes, elle ne se montre pas chaleureuse, ce sont des propos qui normalement doivent la rassurer, et ce n'est pas le cas, ça n'a pas les effets escomptés par Michel Ferrer. Donc implicitement, on peut supposer qu'elle est au courant de ses infidélités, et que même si elle ne fait pas d'esclandre, elle n'est pas prête forcément à tout pardonner du jour au lendemain. Elle a beaucoup pris sur elle, mais il faudra du temps et de la persévérance avant que ces bonnes résolutions portent leurs fruits. Et donc c'est une scène spéciale pour le film, puisqu'encore une fois, et on le verra pour les suppléments, il n'y avait pas de liaison entre le père de Charles et Marie Cuseau, et qui plus est, Sarah et Jason Fine, donc le vrai nom des parents dans le roman, sont des gens assez proches et assez aimants l'un vis-à-vis de l'autre. Bon, j'y reviendrai dans les suppléments. Pour la suite du film, on retrouve Jean-Jean, l'ami de Charles qui était au départ dans le bus avec lui, celui qui aime faire des petits boulots pour avoir de l'argent de poche. On le retrouve donc à la décharge pour voir ce qu'il peut récupérer comme objet, notamment des bouteilles, pour les amener à la consigne et se faire encore plus d'argent. Il descend donc dans la fosse pour voir s'il y a des bouteilles, des objets, et Charles l'observe depuis son bunker. Il sort, il demande ce qu'il fait là, il lui explique son loisir de récupérer les objets, et Jean-Jean se trouve dans la fosse, il y a la porte derrière laquelle se trouve Baxter, il entend du bruit, et il se demande justement ce qui se trouve derrière cette porte. Donc pendant que Jean-Jean l'ouvre, Charles retire l'échelle qui permettrait à Jean-Jean de sortir de la fosse, Baxter sort de sa cachette, Charles lui ordonne d'attaquer Jean-Jean, qui de son côté le supplie de remettre l'échelle, mais face à l'immobilité de Carl, il sent donc sa dernière heure arriver, on l'entend dire même « il va me bouffer » en parlant de Baxter. Mais face aux ordres de Charles, Baxter reste immobile, refuse d'obéir, et Jean-Jean a donc le temps de se sauver pendant que Carl hurle sur Baxter. Pour ce qui est de ce passage dans le roman, comme je l'avais signalé au tout début de l'épisode, Jean-Jean s'appelle dans le roman Jimmy Benson. Il a dû être l'été précédent un des seuls amis et camarades de jeu de Carl. Comme au tout début du film, on suppose aussi que c'est un de ses seuls amis. Dans le livre, c'est un enfant de 10 ans qui aime l'argent de poche, qui aime les gens, qui est de bonne volonté pour les petits travaux, mais qui semble peu efficace. Par exemple, Marie Cuseau, l'institutrice, l'avait sollicité pour débarrasser une pièce de vieux objets. Et face à cette pièce, Jimmy avait dit qu'on se trouvait face à une salle au trésor, puisqu'on pouvait revendre ou récupérer ses objets et se faire de l'argent, ou en économiser. Marie Cuseau sait aussi qu'il ne dépense pas l'argent qu'il gagne et en déduit qu'il ne sera pas à l'avenir un adulte sympathique, puisque radin, toujours dans la récupération, alors qu'au départ elle avait un a priori positif sur lui. C'est un enfant qui est fou de la décharge, mais qui évite de s'y rendre désormais quand Baxter et Carl y sont. C'est pour cela justement qu'il privilégie le petit matin pour y aller et récupérer des objets qu'il pourra vendre. Et quand son sac est plein, il le pose dans la fosse. Un matin justement il s'y trouve et voit Carl qui lui bloque la voie. Puis Baxter derrière Carl avec sa laisse à clous. Carl va dire à Jimmy, reste donc là une minute, j'ai une surprise pour toi. Donc Jimmy recule, va au centre de la fosse, Carl enlève la laisse de Baxter et va lui dire « Maintenant tu peux faire quelque chose pour moi » puisqu'il cherche une dernière grosse action à faire avec Baxter avant la fin des vacances. Et donc il jette ce dernier dans la fosse, le chien va se trouver devant la seule issue possible de l'endroit. Jimmy va être conscient du danger puisqu'il connaît l'esprit tordu de Carl. Il avait joué l'été précédent avec lui à un jeu que Carl avait nommé la Deuxième Guerre mondiale qui retrace la bataille de Berlin, soit les derniers jours du conflit en Europe. Et donc Carl disait à Jimmy « Moi je serai un officier allemand pendant que les Russes sont à la lisière de la ville, toi tu serais un GI américain. » Et donc il cherche à convaincre Jimmy que les Russes sont l'ennemi véritable et qu'il faut que lui allemand et Jimmy américain s'allient contre les Russes. Jimmy avait aussi constaté que durant ce jeu, Carl était dans un état second, qu'il bavait en se contorsionnant par terre dans des corps à corps imaginaires et qu'il était à la limite des larmes quand il se mettait au garde à vous, tandis qu'un Hitler imaginaire le décorait pour le remercier de sa bravoure. Si on revient au moment du récit, dans la fosse, Jimmy comprend qu'il est désormais devenu l'ennemi à la place des Russes et que son sort dépend de Baxter, car il sait que Carl ne se bat jamais. Il va donc s'asseoir très lentement, se mettre en boule et chercher à maîtriser sa peur, mais il va trembler du fait de l'humidité du sol. Et donc on entend Carl qui va dire « Baxter, tue-le !» Puis face au caractère impassible du chien, Jimmy va entendre de plus en plus du désespoir et de la peur dans la voix de Carl. Il va rappeler Baxter, ici, au pied. Et donc Baxter va sortir de la fosse, ce qui va laisser la voie libre à Jimmy, qui sent que désormais c'est soit Carl, soit Baxter, soit les deux qui sont en danger. On passe donc à la scène suivante. Pour cette scène, justement, on a tout de suite la réaction de Baxter à l'épisode précédent avec Jean-Jean, qui montre la profonde incompréhension que Charles a de lui. Mais tue-le, Baxter ! L'enfant s'est trompé sur moi. Quand j'ai tué moi, j'avais des raisons de le faire. J'ai tué quand ma situation était intolérable, ou quand j'étais menacé. Je tuerai pas pour rien. Maintenant, il faut que je me méfie de lui. Il change et je comprends pas pourquoi. Donc à la suite de ce dialogue, on a Baxter qui est emmené au garage par Charles, qui est attaché et fouetté. Dans le roman, le monologue sur ce passage est très intéressant et il va clore d'ailleurs la deuxième partie du roman, qui en compte 3, en plus de l'épilogue. Et donc Baxter nous dit, comme au début de l'extrait, que l'enfant s'est trompé sur son compte, qu'il ne comprend pas que, bien qu'il ait tué, il ne l'a pas fait sans raison. D'ailleurs, aussi pour des raisons personnelles. Il nous dit « J'ai tué quand ma situation était intolérable ou quand j'étais menacé. Je ne tuerai pas pour un autre, surtout pas pour l'enfant dont les raisons me sont si étrangères. Jusqu'à ce qu'il me force à descendre dans la fosse avec le petit, il ne m'était jamais venu à l'idée qu'une créature pût avoir envie de tuer pour tuer. Maintenant, je suis certain que l'enfant en a envie. Après avoir compris ce qu'il voulait que je fasse, je n'ai plus su si je devais le craindre ou l'admirer. Et pendant quelques instants, je ne lui ai pas permis de me toucher. Mais je savais qu'il était sans défense et qu'à sa façon maladroite, il rendait hommage à ma force et à mon courage. L'enfant ne constituait pas pour moi une menace et maintenant, il comprendra ma nature plus intelligemment que jamais. On continuera comme avant. Mais quand je suis prêt de m'endormir, il y a des moments où je me rappelle l'excitation et le plaisir évident de l'enfant quand il m'a obligé à affronter l'autre. Et il ne faut pas que j'oublie la perfidie de cet acte. Et un peu plus loin, il y a un autre monologue qui complète celui-ci. Baxter va nous dire qu'il analyse les sentiments qu'il éprouve maintenant pour l'enfant. Donc il nous dit « Ce dernier ne me laisse plus courir en liberté près de lui. Il garde la chaîne étroitement serrée autour de mon cou. Il me guide. Il émet des sons de commandement. Je ne tolérerai pas un traitement pareil si je ne percevais pas du respect dans sa voix. Et je me demande si le jour viendra où ce respect disparaîtra. Je me demande s'il pourrait être aussi idiot pour en arriver là. » Si on revient au film, on arrive à une scène tragique. Après que Baxter ait été attaché et battu au garage par Charles, ce dernier revient, alors soit dans sa chambre, soit dans le bunker. Dans le roman, c'est dans le bunker. Là, on suppose, vu qu'il écrit, qu'il est plutôt dans sa chambre. C'est un peu bizarre parce qu'il va accomplir un acte ignoble, à savoir prendre un chiot de Baxter entre ses mains, écrire dans son journal « Berlin, les derniers jours », ce qui fait penser notamment à l'épisode des chiots qui ont été tués. Et si on imagine, on croit qu'il va essayer de se mettre dans la peau d'Hitler en tuant tous les chiots de Baxter. Donc dans le film, c'est un passage assez horrible qui a le mérite d'être montré de façon plus pudique. On n'a pas les quatre chiots, on en a juste un et l'ensemble est suggéré. Dans le roman, le passage de la mort des chiots est beaucoup plus détaillé. Baxter est en dehors du bunker, donc on est dans le bunker, et Carl se trouve avec les quatre chiots à l'intérieur. Il voit que la vie de ces chiots est une vie tellement fragile et indéfinie, alors il pourrait les abandonner, c'est ce qu'il pense. Quatre vies de créatures impuissantes et inoffensives, quatre vies qui n'ont et qui ne pourront jamais avoir aucun sens. En revanche, quatre morts, ça pouvait avoir un sens. Et donc Carl prend un chiot et répète le même geste à chaque fois de prendre et de tuer ses chiots. Alors il y en a quatre, et il va dire pour un, il va penser ici, voici un chiot pour Madame Prescott, pour la vieille. Voici un chiot pour le bébé Grafton, pour le bébé du jeune couple. Un chiot pour le bâtard que Baxter a tué. Et enfin, un dernier pour dire que Carl est un mort de plus au compteur que Baxter. Quand il a fait son forfait, Carl ressent la dépression soudaine qui suit la masturbation masculine. Et pour retrouver l'envie, il pense qu'il faut tout d'abord nettoyer la saleté, puis se rappeler la jouissance qu'a procuré ce moment. Et donc il va recouvrir d'ordures la boîte dans laquelle il a mis les quatre cadavres des chiots. Bien sûr, il fait ça hors du regard de Baxter. Quand il a fini, il repart avec Baxter en laisse. C'est la première fois qu'il ne ressent pas une vague de crainte par rapport à la force, au sentiment de la force. Par exemple, la force qu'il transmet par rapport à la laisse, d'ailleurs, il va dire « au pied Baxter, au pied », alors qu'il vient d'accomplir un acte ignoble par rapport à lui. Pour ce qui est du film, on voit donc Baxter qui arrive seul à la décharge, attiré par une odeur qui va le téléguider. Et en effet, il a réussi à se sauver du garage. Et voici donc une nouvelle fois ce qu'il nous livre comme pensée. Pendant 3 jours, l'enfant m'a laissé dans le noir, sans manger, sans boire. Les pensées contre nature sont revenues, c'est pas bien. Et aussi le souvenir des petites créatures qui sentaient pareil que moi. C'est pour ça que je suis parti. Dans la terre mêlée à leur odeur, il y avait celle de l'enfant. J'ai tout de suite su qu'il les avait tués. C'est là une nouvelle fois qu'on voit comment fonctionne Baxter, à savoir le « c'est pas bien », le concept aussi de « penser contre nature ». Donc c'est-à-dire là, il parle forcément des envies de tuer, en l'occurrence envers Charles qui a tué sa progéniture. Charles d'ailleurs revient à la maison et part à la recherche de Baxter quand il s'aperçoit qu'il n'est plus dans le garage. Pour ce qui est du roman, on a donc droit à un nouveau monologue de Baxter qui nous dit ceci. « L'enfant doit mourir. Ce matin, quand il est parti et que la femme, donc il parle de la mère de Charles, et que la femme m'a laissé sortir dans le jardin, je n'ai pu penser qu'aux 4 petites bêtes impuissantes qu'il m'a montrées dans la cachette. Je savais que, livrés à eux-mêmes, ils ne pouvaient pas survivre longtemps. Et bien que je comprenne qu'aucune créature n'ait la responsabilité d'une autre, je ne pouvais pas oublier qu'ils avaient mon odeur, qu'ils étaient de mon sang. » Je suis allé les voir. C'était bon d'être libre dans la ville. Il n'y avait pas de chaîne autour de mon cou, et l'enfant n'était pas près de moi à émettre ses sons de commandement. Quand j'avançais dans les rues, les gens s'écartaient, sentant ma résolution, sachant que, sans l'enfant, il fallait me respecter plus que jamais. J'avançais vivement sur la route familière, sans me laisser distraire par les sons et les odeurs. Mais malgré mon impatience d'arriver aux limites de la ville, il m'a été difficile de ne pas m'arrêter. J'ai compris à quel point je m'étais mis à aimer les rues. À quel point je les connaissais. Est-ce que je commençais à comprendre ce que les gens ressentaient à l'égard de leur ville ? Ils ne possèdent pas la ville, ils la partagent. L'important, c'est peut-être que la ville représente pour eux une chose qui leur est familière à tous. La vieille connaissait les rues comme je les connais maintenant, comme les 4 petites créatures blanches les auraient connues. J'ai immédiatement localisé les animaux, mais il m'a fallu quelques temps pour mettre au jour leurs petits corps tordus et désarticulés. Aucun doute sur ce qu'on avait fait, ni sur celui qui l'avait fait. Mêlé à l'odeur de la mort, il y avait celle de l'enfant. J'ai su tout de suite qu'il devait mourir. Il avait franchi la ligne qui sépare le désir de donner la mort du fait de la donner. Il m'avait défié. C'est pourquoi j'attends au milieu des ordures qui brillent sous le gel fondu au soleil. Quand le soleil s'abaissera sur l'horizon, l'enfant viendra me chercher. Il me trouvera au centre du cercle qu'il a construit, du cercle dans lequel il m'a si souvent encouragé à tuer, Aujourd'hui, je n'aurai pas besoin d'encouragement. Et c'est la fin du monologue. Pour la suite, on retrouve Charles qui, à la recherche de Baxter, rentre chez lui. Il va crier pour la première fois sur sa mère qui est en train de faire une autre réunion de Tupperware. Elle est en train de continuer sa démonstration. Elle lui dit de se calmer, que Baxter doit être dans le garage. Lui sait que Baxter n'y est pas. Il va donc s'énerver, bousculer les articles et sortir en furie. Ce qui va un peu pétrifier sa mère. Dans le roman comme dans le film, Carl va s'énerver sur sa mère dans le sens où il pense « Elle s'en fout du chien, elle s'en fout de moi. Elle ne comprend pas ma panique et elle est toujours placide. Elle n'a jamais perdu quelque chose à quoi elle tenait, contrairement à Nancy ou à Noël, la jeune femme du couple qui a perdu son bébé dans le roman. » Et donc, avant de partir à la recherche de Baxter, Carl casse le violoncelle de sa mère. À savoir qu'en effet, dans le roman, elle joue du violoncelle, on y reviendra dans les suppléments. Et là aussi, sa mère, Jessica, va donc rester pétrifiée en face de l'objet et en face de l'action que son fils vient d'accomplir. Et on verra dans les suppléments que ça aura une certaine conséquence sur elle. Nous avons donc le duel final qui va avoir lieu à la décharge, avec Baxter qui attend Charles, et qui nous livre ses quelques pensées que j'ai déjà évoquées en gros dans le dialogue précédent. Il y en a pour 20 secondes, donc je le passe quand même. Histoire que vous ayez l'intégrale des pensées de Baxter. Alors, quand le soleil disparaîtra, l'enfant viendra me chercher. Baxter ! Viens, mon chien ! Viens ! Baxter ! Moi, je serai là. Je l'attendrai. Il doit mourir. Réponds-moi ! On s'aperçoit donc que Charles est tout de suite agressif avec Baxter, qui lui balance tout ce qu'il a à portée de main, de la ferraille, des pierres dont on entend le rebond contre le museau, ce qui a pu choquer beaucoup de monde car c'est un effet assez crédible. Notamment dans les avis critiques, il y aura quelqu'un qui avait été surpris par le côté réaliste de cette scène. Baxter est donc en mauvaise posture, il est dans la fosse sans échelle et Charles surplombe la fosse pour balancer tous les projectiles qui sont à portée de main. Ce qui va faire changer une partie de la situation ou relancer les enjeux, c'est qu'il va se laisser emporter par le poids d'un baril qu'il allait jeter et qui se retrouve donc dans la fosse. Bon, je reprendrai la suite de cette scène juste après. Je fais un point rapidement sur ce que dit le roman. Déjà, avant l'arrivée de la décharge, Carl pense que c'est la dernière fois qu'il viendra à cet endroit. Il voit que les cadavres des chiots ont été découverts par Baxter, ce qui lui rappelle un bon souvenir. Il est content de les avoir tués et il espère que Baxter en a ressenti de la peur. Il va voir s'il se trouve dans le bunker. Non, ce n'est pas le cas. Le bunker est vide et Charles le trouve désormais petit et sans intérêt. Ce qui fait qu'il va démolir le bunker et s'aperçoit par là même qu'il n'a plus besoin de Baxter. Il va pour repartir en ville, mais il veut quand même faire un dernier détour par la fosse. C'est là qu'il trouve Baxter qui l'y attend. Ce dernier ne lui obéit plus quand il l'appelle. Il constate que ses muscles se contractent, qu'il a perdu tout contrôle sur lui, que Baxter le défie, mais qu'il a commis une erreur qu'il n'avait pas faite avec Madame Prescott ou avec le bébé, c'est qu'il offre la possibilité à Charles d'effectuer un combat honorable. Et Charles va dire qu'il n'est pas toujours sage d'être honorable. L'enfant va donc chercher une arme pour se défendre et prend une barre d'acier pour déjà faire dégringoler les caisses qui servent de marche dans la fosse. Ainsi, cette dernière devient une sorte de tombe à moyen terme pour Baxter. Ensuite, pendant ce temps, Carl rassemble des projectiles à lancer sur le chien. Si on revient au film, on revient entre-temps chez les Ferrer où le père de Charles, Michel, rentre à la maison avec des fleurs justement pour sa femme qui est en train de faire la vaisselle et elle lui demande justement s'il n'a pas vu Charles sur le chemin puisqu'elle est inquiète après son esclandre lors de sa réunion. Il va donc voir pour partir à la recherche de son fils. Dans le roman, on a cette même scène avec donc Jason, non plus Michel, qui examine le violoncelle brisé, un violoncelle qu'il n'a jamais vu de si près car il le considère comme le secret de sa femme. Il pense qu'on peut l'arranger. Elle lui dit que ça n'a pas d'importance. C'est là que justement que je vous avais dit que le geste de Carl n'était pas sans conséquence, puisque cela a affaibli la capacité de sa mère à s'intéresser désormais aux choses. Là aussi, dans les suppléments, on verra qu'elle porte une importance fondamentale à l'intérêt qu'on peut avoir pour une passion. Et donc elle dit à son mari que Carl doit être à la décharge. Et elle lui demande aussi s'il va lui faire mal. Il lui répond « Je vais essayer ». C'est là qu'il se fait le constat avant de partir, qu'ils ont l'habitude d'être des spectateurs, que Carl est en train de devenir un acteur et qu'il les force à entrer en scène. Ce qui fait qu'avant de partir, Sarah dira une dernière chose à Jason, à savoir « Ne fais pas de mal à Karl, il a fait ça parce que j'ai négligé le chien, il aime son chien ». Et on s'aperçoit que c'est une parole bienveillante, mais qui hélas est dans l'erreur. Si on reprend le film, on revient à la décharge avec le combat final. Charles qui est dans la fosse, qui a été entraîné par le baril. Baxter qui va pour lui foncer dessus et qui se fait divertir par un peu, on va dire, le va-tout que Charles effectue, à savoir lui crier un ordre, ce qui va divertir un instant Baxter, va lui faire stopper momentanément son attaque. Et ça sera un instant suffisant à Charles pour lever la barre d'acier dont il dispose et la faire tomber sur le crâne de Baxter. Donc voici les dernières paroles d'un Baxter vivant qui analyse son erreur et délivre un dernier message et une dernière consigne assez poignante qui marque les spectateurs et spectatrices qui ont vu le film. À ce moment-là, il a fait le bruit qu'il m'avait appris. Baxter ! Au pied ! Baxter ! Au pied ! Il a crié. J'ai obéi. C'était plus fort que moi. Je pouvais rien faire contre ça. N'obéissez jamais. Nous assistons donc à ces médusés à la mort de Baxter par excès d'obéissance, pris dans ses contradictions entre l'absence d'amour ou l'absence de peur. Et on assiste à sa mise à mort sans pitié, avec Charles qui s'acharne au-delà du raisonnable sur le cadavre de Baxter. Une mort d'autant plus cruelle qu'à ce moment-là du récit et du film, on se trouve clairement du côté de Baxter. Alors il s'y explique beaucoup plus longuement dans le roman, à savoir donc, si on reprend le moment où il se trouve dans la fosse, qu'il n'a pas de moyen de s'échapper. Il va nous dire « Je comprends maintenant que ma vie s'est trouvée en danger dès la première fois où je suis entré dans ce cercle. La menace ne venait pas de mes adversaires, mais de moi-même. J'exécutais un acte de confiance et de soumission. » Je me soumettais à la volonté de l'enfant. J'avais confiance en lui, comme la vieille et le bébé avaient confiance en moi. La confiance est l'ultime faiblesse, et c'est un genre de folie. J'ai dû être fou de penser que l'enfant viendrait m'affronter à découvert dans le cercle. Il connaît l'importance de la perfidie et de la trahison. C'est quelque chose que je lui ai appris, quelque chose qu'il m'a fait oublier. Curieusement, je ne regrette pas mon erreur. Il doit être inévitable que quelqu'un qui vit dans la ville, même moi, passe par des moments de confiance passagère. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Je suis devenu vulnérable, mais mon courage et ma force physique sont intacts. Et l'enfant le sait. Je n'ai pas peur de lui. Pourtant, je suis troublé. Ce qui me trouble, ce n'est pas la possibilité que je meure, mais la possibilité que je continue à vivre. Que deviendrai-je dans ce cas? Ma responsabilité dans la mort de l'enfant ne ferait aucun doute. Les gens de la ville m'accepteraient-ils après ça? Non. Je serai obligé de les quitter. Existe-t-il d'autres villes? Existe-t-il d'autres gens qui vivent ensemble dans une confiance inquiète, craignant que leur confiance les perde comme la mienne m'a perdu? Se pourrait-il qu'il y eût du courage à être confiant? Les gens savent-ils qu'il y a parmi eux des êtres pareils à l'enfant et à moi-même? Risquent-ils sciemment d'être trahis par nous? Seraient-ils plus courageux que je ne le pensais? J'aimerais rester parmi eux. Si je pouvais rester parmi eux, chercherais-je quelqu'un qui ressemble à l'enfant? Pas tout de suite, sans doute. Je vivrai tranquillement avec ses parents, je me coucherai dans l'ombre, écoutant leurs murmures et me demandant ce qu'ils me cachent. L'enfant est revenu. Il ne cache rien. Sa méchanceté est évidente et même en ce moment, je ressens pour lui une admiration fugitive. Nous avons appris l'un par l'autre et quelque chose de la force de l'autre continuera en celui de nous qui survivra. La force ne meurt pas. Donc voilà pour la fin du monologue. Si on reprend la suite du roman, ce qui nous apprend en plus, c'est que Karl va donc rassembler des armes, des projectiles au bord de la fosse, comme dans le film, pierres, bouts de métal, objets lourds. Il sait aussi que la vision des chiens est floue et il veut en tirer avantage. Avec tous les projectiles lancés, Baxter est atteint une fois dans les côtes. On voit du sang qui apparaît sur son flanc gauche et on voit aussi ses mouvements se ralentir. Mais peu à peu, Karl n'a plus de provisions en pierre. L'auteur Ken Greenhall aussi nous le décrit comme quelqu'un qui, à ce moment-là du récit, ne pensait plus qu'il donnait la mort, mais qu'il accomplissait une action simple. Baxter n'était plus pour lui l'animal qui avait donné un sens à son été, ni la créature dont la présence l'avait rassuré dans sa chambre au cours des nuits sans sommeil. Maintenant, il n'était juste qu'une simple cible impersonnelle. Et donc dans le roman, Karl prend la porte d'un réfrigérateur et c'est sa manche de chemise qui s'accroche à la poignée, si bien que sa main et sa tête sont accessibles pour Baxter qui prend la main de Karl dans sa mâchoire et essaye de le faire glisser dans la fosse. Ce dernier, juste avant de tomber, a le temps d'attraper la barre d'acier qui lui avait servi à faire tomber les caisses qui servaient de marche. Il va frapper Baxter avec, mais ce dernier reprend tout de suite sa prise. Carl va donc se concentrer pour oublier sa douleur et va jouer là aussi son va-tout, sa dernière carte, à savoir crier « Baxter, au pied !» Cela va faire donc relâcher un instant sa prise à Baxter, un instant qui va suffire à Carl pour se dégager, pour lever la barre à deux mains et atteindre Baxter au cou qui va reculer, chanceler, puis s'effondrer. Et comme dans le film, Carl va s'acharner sur ce qui va être la dépouille du chien. Si on revient au film dans la scène post-combat, on voit donc le père de Charles, Michel Ferrer, qui vient le rechercher à la décharge, alors que ce dernier est en train de s'acharner à frapper le corps de Baxter sans vie. C'est un père qui console, et on voit Charles quand même qui joue la comédie comme s'il n'était pas fautif de la situation. Il va dire à son père, dans des pleurs qui sonnent faux, « Baxter a voulu me tuer ». Et à nouveau, on voit encore un effet miroir qui va devenir définitif dans la scène finale, avec Charles qui reproduit la tactique de Baxter pour retrouver un futur foyer et ne pas apparaître comme quelqu'un d'horrible, comme quelqu'un qui a causé une mort volontaire et sadique. On peut voir aussi à la toute fin de cette scène que sa mère était aussi présente dans la voiture, qu'elle va adopter le même comportement que son mari, à savoir consoler Charles, se montrer bienveillant. Mais c'est ce qu'on voit dans le film, généralement les bonnes intentions sont rarement, voire à aucun moment récompensées. Ça donne lieu à un dernier monologue de Baxter, les dernières pensées avant qu'il meure définitivement, un monologue qui va être poignant et que je vais vous passer ici pour lui-même. Dans la scène finale, je reprendrai un bout de ce monologue. Il y a une construction assez spécifique qu'on retrouve également dans le roman, mais où ce monologue s'enchaîne avec un monologue de Charles et ce n'est pas sans raison. Là, pour rester sur Baxter et sur Baxter seulement, je vous passe donc ces dernières pensées. La douleur a cessé et je ne sens plus l'air froid autour de mon corps. Pourtant, je sais que le vent est encore fort car il m'amène les sons et les odeurs de la ville. Les sons me parviennent assourdis. Bientôt tombera la première neige et il y aura un moment, à l'instant où les gens se réveilleront, où le silence sera absolu. Ils seront mal à l'aise. Ils penseront au silence de la mort. Peut-être penseront-ils aussi à moi. Certains sans doute. L'enfant sûrement. Un monologue qui a été repris quasiment mot pour mot dans le roman. D'ailleurs, je ne le lirai pas, puisqu'il y a très peu d'ajouts. Il y a juste le fait que Baxter va rajouter un point sur les odeurs, qui sont variées, qui sont différentes entre elles, autant que les gens sont différents entre eux. Il prend l'exemple de la vieille et du bébé, avec leurs odeurs qui demeurent dans les maisons sombres, comme d'autres odeurs s'accrochent faiblement aux objets qui nous entourent ici dans la fosse. Et il dit que son odeur demeurera elle aussi. C'est le seul point qu'il ajoute dans le roman. Sinon, c'est mot pour mot ce qui est dit dans ce que je viens de vous passer. Si on reprend la scène tout court, le contexte, il y a donc le père, Jason Fine, qui découvre son fils, Carl, debout, les bras levés au-dessus du corps de Baxter qui est clairement mort. Donc, il y a le côté acharnement de Carl qui est encore plus poussé puisqu'il ne voit pas les lumières de la lampe torche de son père et il n'entend pas ce dernier l'appeler. Son père d'ailleurs est assez glacé lorsqu'il découvre l'arène, qui est clairement une construction de l'homme, et certainement de son fils. Il va enlever donc la barre des mains de Carl en lui disant que c'est fini, et en lui demandant s'il n'a rien, s'il n'est pas blessé. Au départ, l'enfant ne semble pas le reconnaître, dans une sorte d'état second. Son père semble reconnaître du plaisir dans les yeux de son fils, ce qui lui crée un certain effroi. L'enfant va donc, comme dans le film, dire à son père que Baxter a essayé de le tuer. Son père lui répondra que ce n'est rien, qu'il faut enterrer Baxter et partir. Et Carl aura cette phrase, il ne le mérite pas, Baxter ne mérite pas de tombe. Et son père va lui rétorquer, il est mort Carl, je vais l'enterrer, va m'attendre dans la voiture si tu veux. Et cela va donner lieu à une pensée intérieure chez Jason, chez le père, à savoir qu'il pense que son fils se complaît dans la destruction, comme ça a été le cas pour le violoncelle de sa mère dans la scène précédente. Carl va donc regarder son père creuser une tombe assez gauchement, hein, elle n'est pas très profonde, mais bon, c'est du vite fait bien fait. Et il tient toujours à la main la barre homicide, la barre d'acier qui lui a servi à tuer Baxter. Et lui aussi trouve que le geste de son père d'enterrer Baxter montre que le chien est plus important que son fils à ses yeux. C'est la conclusion à laquelle il arrive. Il prolonge, Baxter était un tueur et pourtant on l'aimait. Comment est-ce possible ? Peut-être parce qu'il jouait son rôle de chien quand c'était à son avantage, soumis et obéissant. La main de Carl va donc se desserrer de la barre, car il va reprendre ses esprits. Pour lui, il a un côté tactique. Ce n'est pas le moment de montrer du ressentiment vers son père. Il faut au contraire choisir et attendre un moment plus subtil, plus propice. Il va essayer de pleurer, mais rien ne vient. Il ne ressent aucune peine envers Baxter, mais plutôt un sentiment de soulagement et de triomphe. Il ne peut se contenter que d'un regard vers la tombe fraîche de Baxter et lâcher un « Je te demande pardon, Baxter ». Et ensuite, il embrasse son père et constate qu'il devra le faire plus souvent avec les gens, les embrasser beaucoup plus, car pour lui, embrasser, c'est un geste visiblement apprécié. Et il va aussi donc demander pardon à son père. Donc ce dernier va se faire la réflexion que la mort de Baxter a finalement servi à quelque chose, car Carl avait appris une chose importante. Alors, non pas comme il le pense à montrer plus d'affection et à se montrer plus chaleureux, mais à savoir comment faire diversion. Et ça, bien sûr, son père ne le sait pas. Et donc, nous nous dirigeons vers la scène finale qui va faire assez froid dans le dos. En effet, cette scène, comme vous allez l'entendre, amène un prolongement des dernières pensées de Baxter avec Charles qui va prendre le relais dans l'exercice du monologue ou des pensées intérieures. Et finalement, c'est une scène qui va faire froid dans le dos puisque cela répond, aussi bien dans le livre que dans le film, à une situation où Baxter se trouvait et où il avait les mêmes réflexions que Charles va avoir à la fin. Ce qui fait que Baxter, finalement, même s'il est mort, il va laisser son empreinte. Pour ce qui est de la dernière scène, on voit donc Charles qui se trouve à l'étage de la maison de ville, toujours à son poste d'observation sur la maison du jeune couple. On est en hiver, donc le jeune couple est sorti. On voit que le bébé a un peu grandi, qu'il marche, puisqu'il est encore vivant dans le film, et il s'amuse dans la neige à faire des anges avec les bras et les jambes. C'est là que Charles va nous livrer son projet diabolique et son projet miroir à la Baxter, on peut dire ça comme ça. Ce dernier a donc laissé son empreinte sur un humain, et on peut donc se demander qui a été le vrai maître des deux dans le dernier duo qui nous a été proposé. Est-ce Charles, est-ce Baxter ? Est-ce Charles puisqu'il a vaincu Baxter et qu'il est encore vivant ? Ou est-ce Baxter puisqu'il a laissé son empreinte et son influence qui va s'avérer néfaste conjuguée au caractère de Charles et à ses déviances ? Le film laisse le spectateur sur cette question, ce qui est assez glaçant. Avant de rajouter quelques derniers mots sur ce que dit le roman de cette scène, je vous laisse donc avec l'effet annoncé, à savoir dans le film, le survol de la décharge pour laisser Baxter nous dire ses dernières pensées. Je ne vais pas reprendre tout le monologue, hein, je reprends juste la moitié du monologue de Baxter, et je le prolonge, comme le fait le film, avec celui que Charles prononce pour clore le métrage, de façon assez terrifiante et effroyable. Bientôt tombera la première neige, et il y aura un moment, à l'instant où les gens se réveilleront, où le silence sera absolu. Ils seront mal à l'aise. Ils penseront au silence de la mort. Peut-être penseront-ils aussi à moi. Certains, sans doute. L'enfant, sûrement. J'entends leurs cris et leurs rires, mais bientôt la rue retombera dans le silence. À ce moment-là, moi, je resterai à la fenêtre et je guetterai les lumières de la maison. En concentrant toute mon attention, j'entendrai les bruits qu'ils font et j'imaginerai des choses. Que se passerait-il si mes parents avaient un accident? Si leur maison d'un seul coup se mettait à brûler? Le jeune couple m'aimerait. J'en suis sûre. Ils voient de l'amour partout. Ils en ont vu chez Baxter. Ils en trouveront chez moi. Une fin en effet assez glaçante. Un épilogue donc miroir avec les premières pensées de Baxter dans le roman, qui montre que ce dernier a laissé une empreinte définitive sur Charles ou Carl et qu'il survit à travers lui, mais de manière hybride et de manière plus malsaine. Car l'enfant, contrairement à Baxter, n'a pas l'excuse de l'incompréhension entre animal et humain. Charles est donc devenu le mal à l'état pur. Et pour finir avec ce que dit le roman, son épilogue, il commence par décrire la situation, c'est-à-dire que Carl Fine se tenait debout près de la fenêtre, dans la chambre de Madame Prescott, que le soleil de l'après-midi faisait scintiller la neige fondante et mettait en relief les deux formes étranges imprimées dans la neige du jardin des Grafton. Bientôt, il entendrait la voiture du couple approcher. Il pensa au soir où il était entré dans leur chambre. Il se rappelait l'odeur de la femme, odeur subtile, sexuellement excitante. Il avait rarement été aussi heureux qu'à ce moment-là. Donc je fais une aparté, ça rappelle bien sûr Baxter qui se plaçait à ce même endroit en se rappelant Nancy Grafton, la jeune femme du couple, qu'il avait vue une première fois dans le jardin et qu'il avait caressée, qu'il avait senti son odeur, une odeur plus agréable que celle de la vieille. Même chose pour le roman où Baxter se dépêchait d'aller à la fenêtre dès qu'il entendait la voiture des Grafton arriver. Donc c'est encore une fois le miroir plein. Surtout que, contrairement au film, dans le roman, la première page c'est ce monologue de Baxter, dernière page, épilogue, c'est ce monologue et ses pensées de Charles, qui se renvoie la balle complètement. C'est symétrique. Si je poursuis, on est toujours avec Carl. Carl entendit la voiture approcher, elle entra dans l'allée et pendant un instant, il y eut de la vie dans la rue. Il voyait les rideaux s'écarter et des voisins regardaient le couple avec rancune. La rue retomba bientôt dans le silence. Carl resta à la fenêtre, fixant la maison du couple. « Que font-ils en ce moment ?» se demanda-t-il. Il connaît la maison et il savait en gros comment ils vivaient. Mais ce n'était pas suffisant. Il désirait être là-bas avec eux. Il désirait être près d'eux. Entrer dans la salle de bain quand ils s'étaient lavés. La vapeur qui aurait touché leur peau l'envelopperait. Il ouvrirait la panière à linge et en sortirait les vêtements encore tièdes de leur chaleur. Mais c'était impossible. À la place, il devrait rentrer chez lui, s'asseoir à la table familiale avec ses parents, si ordinaire, si fatigué. Il devrait manger un repas préparé à la diable, puis aller dans sa chambre, les laissant tous les deux, muets, devant le téléviseur. Carl regardait sans ciller les fenêtres de la maison Grafton. Il voyait le couple passer de pièce en pièce. Il entendait leur rire. Ses parents ne riaient jamais. Ils étaient impassibles et ennuyeux, pensa l'enfant. « J'ai une force et des connaissances qu'ils n'ont jamais eues. Il faut que je m'en serve. » Et je ne vous lis pas la fin du monologue qui reprend celle du film, à savoir qu'est-ce qui arriverait si ses parents mouraient dans un incendie, et il arrive à la conclusion que le jeune couple l'aimerait, car il voit de l'amour partout, ils en ont vu chez Baxter, ils en verront chez moi, bref, c'est, mot pour mot, la fin du film. Et donc voici comment se termine le déroulé du film, qui a été, je l'espère, le plus complet possible, même s'il faut y ajouter pour avoir une vision totale les suppléments qui vont venir, dans la seconde partie. On peut donc facilement conclure que Baxter est une production bizarre, curieuse, qu'il y a eu un gros travail d'adaptation de la part de Jérôme Boivin et de Jacques Audiard, qui ont effectué un bon mélange entre différents éléments du roman. Certains ont été abandonnés ou ont été minorés, surtout au nom de la sacro-sainte raison du rythme dans le film, mais d'autres, à la lecture du roman, sont plutôt à son avantage. Donc, ce travail de recomposition ou de version intégrale, si je peux me permettre le terme, nous donne à voir ce à côté de quoi nous sommes passés. A l'inverse, le film, bien sûr, a amélioré certains passages, certains personnages aussi, comme Monsieur Cuzot, par exemple, où ont inventé des scènes absolument magnifiques. Notamment la scène entre une madame de ville qui revient d'outre-tombe parler à monsieur Cuzot pour que ce dernier se laisse glisser vers la mort. Le but donc de cet épisode, c'est d'apporter les nuances qui ne peuvent pas être transmises par l'image et qui laissent donc le spectateur faire le travail par lui-même, ce qui est normal et ce qui est noble aussi, le fait de ne pas mâcher tout le travail. Et donc on peut constater que le passage du roman à l'écran s'est bien passé, qu'il restitue parfaitement l'ambiance poisseuse, l'ambiance glauque, l'ambiance oppressante, puisque tout élément de bonté soit est utilisé à mauvais escient et dans un but caché, soit au contraire apporte malheur à celui ou celle qui l'a effectué. Encore une fois, il y aura d'autres ajouts dans la partie supplément qui se trouve dans la seconde partie de cet épisode. Bon, à mon avis, il faudra à peu près une semaine pour qu'elle arrive. J'ai choisi donc de découper cet épisode en deux pour ne pas avoir une sorte d'épisode assez énorme, assez indigeste, et puis plus rien à vous proposer pendant un ou deux mois. Cependant, je ferai quand même une version intégrale, une version en un seul fichier pour ceux et celles qui le veulent. Je vous mettrai juste le lien dans la description de la partie 2. Je ne proposerai pas cet épisode total sur iTunes ou sur PodCloud. Ce sera à ceux qui le veulent de cliquer sur le lien dans la description de la partie 2. Tout cela, bien sûr, pour ne pas mettre de la confusion dans la liste des épisodes, vous l'aurez bien compris. On se retrouve donc sous peu pour la partie 2, composée donc des suppléments et des avis critiques, notamment ceux de l'étranger, où Baxter a eu un écho certain, notamment aux États-Unis, ce qui m'a surpris quand j'ai préparé cette partie. Toujours la même chose pour ce qui est du référencement dans les réseaux sociaux, il y a toujours la page Facebook du podcast, pour laisser des messages, des suggestions, un petit j'aime pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Le référencement aussi sur iTunes, éventuellement laisser un commentaire, un avis. En outro pour ce premier morceau d'épisode, je vous passe donc l'extrait de la bande originale de Baxter où justement Charles et le chien font leur première course ensemble, leur premier jeu, à savoir Charles sur le vélo et Baxter qui court derrière avec une certaine cadence. C'était donc la première partie de la quatrième incursion de pellicule et pourriture noble sur le terrain cinématographique curieux et singulier. C'était Monsieur Gravelax pour vous servir. Soyez curieux, soyez nuancés. À la prochaine. Sur cette note, on envoie la musique.